Bonjour à tous, bienvenue dans le Upcast numéro 8, c'est ça ? Numéro c'est ça. 8. C'est ça déjà. Voilà, numéro 8, nous sommes le 2 mars 2015 et je suis en compagnie de Grégoire. Salut Grégoire. Salut. Et de Julien. Salut Julien. À tous. Et je suis Stanislas pour vous présenter ce podcast. C'est le podcast qui va vous parler de divertissement, cinéma, série, jeux vidéo dans l'art ludique. On va essayer de vous donner quelques petits conseils cette semaine, un conseil plutôt musical. Ouais, c'est ça. C'est ça. Enfin, je crois que personne d'autre a préparé un conseil. Non. On te laisse parler cette semaine. On s'éclipse devant tes conseils musicaux. et nous allons commencer sans plus tarder par les news techno, la partie techno. Pour les news techno, Grégoire, je crois que tu voulais nous parler de Amazon. Oui, exactement. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé d'Amazon et c'est une news que j'ai appelée saltant pour Amazon. Parce qu'il y a eu un peu des enchaînements de mauvaises nouvelles pour Amazon entre ces deux semaines. Alors la première grosse mauvaise nouvelle, ça concerne la régulation des drones aux États-Unis, hein, puisque vous le savez sûrement, on en a déjà parlé, Amazon rêve de remplacer tous ses partenaires de livraison par des drones, hein, assez sympa comme entreprise. C'est une idée qui remonte à 2013 et à l'époque, on avait tous trouvé un peu ça étrange, même si Bill Gates l'avait largement soutenu à l'époque. Bon, nous, on était tous étonnés, mais Amazon s'est pas déboulonné devant l'étonnement général et a poursuivi, en gros, tous ses efforts de recherche en faisant des tests, hein, notamment avec Amazon Prime Air. Mais ils n'ont pas fait que des tests, ils ont aussi essayé d'améliorer un peu la situation au niveau de la législation. Donc, ils ont un peu fait pression de leur côté au niveau de l'autorité réglementant le trafic aérien civil aux États-Unis, donc la FAA, pour que ils commencent un petit peu à positionner sur cette histoire de drones qui pourraient faire des livraisons et savoir ce que Amazon pourrait faire. Donc en gros, par exemple, la première étape pour Amazon, ça a été de demander l'autorisation du survol dans une zone située en dehors de la ville de Seattle aux États-Unis pour pouvoir effectuer des tests pour Amazon Prime Air. La FAA réagissait pas super vite, on va dire qu'on les sentait pas hyper partants. Donc de leur côté, Amazon, ils sont un petit peu énervés, ils ont commencé à dire « bon, ça prend du temps, votre réponse, on vous sent pas super super enthousiaste ». Donc ils ont fait une première chose il y a quelques mois de ça, hein, c'était un petit premier courrier de menace, hein, carrément, un peu de menace de délocaliser davantage tout ce qui était recherche et développement lié aux drones dans d'autres pays pour s'ils n'avaient pas rapidement leur autorisation de vol. Donc en gros, c'était de dire nous maintenant on va aller surtout faire des tests en Inde et en Grande-Bretagne où la législation est plus accommodante, on va dire, au sujet des drones commerciaux. Malgré cette pression, on a eu enfin la réponse de la FAA, donc l'autorité qui réglemente le trafic aérien aux États-Unis, entre nos deux podcasts. Et donc le 15 février 2015, les recommandations qui étaient du coup très attendues sont tombées. Et on va dire que c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour Amazon, ce qui en résulte. Pourquoi ? Parce que en gros, la réglementation s'oppose à toute l'utilisation commerciale des drones. À savoir qu'il y a interdiction de faire voler des appareils de moins de 22 kg pour effectuer des livraison via un pilotage à distance sans vision directe automatique et manuelle. C'est-à-dire que vous devez voir votre drone jusqu'à où il va. Donc déjà, pour livrer à des grandes distances, c'est un peu compliqué pour Amazon. Oui. Le lâcher d'objets est interdit, donc un petit peu compliqué. Mais en même temps, les drones, ils ne vont pas lâcher les colis. C'était ça qui était prévu. Hein. Ah bon, ils ne vont pas les poser. Ils devaient se poser pas très loin du sol, on va dire. Pas forcément se poser, ils pouvaient juste survoler le sol à quelques centimètres. Enfin, c'était un peu les plans d'Amazon. Genre, tu commandes de la vaisselle et ils te balancent comme ça dans le jardin. La vaisselle. C'est ça. Et puis, il fallait aussi, ils imposent dans ces nouvelles réglementations qui sont tombées pour que les pilotes doivent passer un test tous les 2 ans de connaissance et de réglementation aérienne, donc quelque chose qui a l'air comme ça un peu pointu et qui, j'imagine, pour Amazon, sous-entendrait de devoir avoir des salariés relativement bien payés puisque relativement bien formés aux règles de l'aéronautique, du coup. Ils ont quand même un peu bien fermé la porte, hein, vous l'avez compris, avec ces règles-là, mais ils ont laissé une toute petite ouverture en disant qu'ils permettent des règles spécifiques pour les micro-drones, donc moins de 2,2 kg charge comprise. Bon, malheureusement, c'est pas une porte ouverte pour Amazon, hein, puisque ça ne peut pas concrètement livrer de paquets. C'est un peu comme les drones qui ont survolé Paris, là, dont on a entendu parler dans l'actualité. C'est plutôt des drones pour prendre des photos, faire des films, etc. Donc ces règles-là, en gros, elles sont très bien accueillies par tout ce qui est agence de presse, agence de photos, etc. Mais pour Amazon, c'est un peu la douche froide, malgré le secteur que va potentiellement représenter les drones aux États-Unis. On parle de 100 000 créations d'emplois et de 82 milliards de dollars de revenus d'ici 10 ans aux États-Unis. Bon, ça, c'est selon l'association des fabricants de drones. Hein. Donc, forcément, ils vont pas dire non, ça rapporte rien. Mais bon, c'est quand même apparemment un gros business. En France, qu'est-ce qu'il en est? Puisque voilà, ces règles sont tombées aux États-Unis. Je voulais en profiter pour rappeler un peu ce qui se passait en France. En France, bah pareil, la réglementation française, elle s'oppose à la livraison par des drones pilotés par une intelligence artificielle ou pilotés depuis un centre de commandement. Donc en France, c'est le ministère de la Défense qui est en compétence sur la réglementation de l'utilisation de l'espace aérien. Et en gros, ils ont dit que les garanties en matière de sécurité aérienne ne seraient, par hypothèse, pas suffisantes pour mettre en place une régulation de livraison par drone. Donc ça, c'était la première grosse mauvaise nouvelle pour Amazon aux États-Unis, en tout cas, puisqu'ils vont, a priori, pas pendant plusieurs années, ça risque même de prendre peut-être plusieurs dizaines d'années pour pouvoir mettre en place cette livraison par drone qu'ils entendaient mettre en place. Donc ça, c'était la première douche froide. Et la deuxième douche froide, ça concerne beaucoup plus cette fois-ci la France, puisque c'est l'offre du Kindle Unlimited en France qui a posé un petit peu problème entre ces deux semaines. Stan, c'est toi qui nous en avais parlé, je crois, de ça. En fait, on ne savait pas si ça allait être légal ou pas. Voilà. Exactement. Fleur Pellerin se posait la question. Exactement. Au moment où ça a été lancé en décembre, Fleur Pellerin avait lancé une offre. Donc, c'est une offre, quand même, je rappelle vite, qui permet en gros de lire un catalogue illimité sur votre Kindle. Enfin, illimité, c'est 20 000 titres en français sur votre Kindle pour 9,99 par mois. Et au moment du lancement de cette offre en décembre, Fleur Pellerin, comme tu l'as dit, Stan, disait l'offre proposée par Kindle Unlimited ne semble pas conforme à la loi qui dit que c'est l'éditeur qui fixe le prix de vente du livre. Donc, elle a nommé quelqu'un pour une médiatrice du livre pour répondre à cette question, qui s'appelle Laurence Engel, et elle a rendu son avis donc le jeudi 19 février. Et effectivement, elle a déclaré donc que l'offre proposée par Amazon contrevenait à la loi française sur le prix unique du livre votée en 2011. Donc, Amazon n'est pas la seule société concernée. Il y a aussi Uscribe ou Uvox qui est concerné par cette décision. Qui sont des entreprises françaises. Qui sont des entreprises françaises, exactement. Du coup, Fleur Pellerin, suite à cette décision de la médiatrice du livre, a demandé à Amazon de se mettre en conformité dans un délai de 3 mois seulement. Donc, c'est assez rapide. La médiatrice, elle ferme pas complètement la porte à l'abonnement et à ce genre de choses. Elle dit quand même que l'abonnement dans son principe, ni le streaming ne sont interdits par la loi. Elle le rappelle, c'est vrai qu'en France, on n'a pas l'interdiction de s'abonner à un club, on va dire, de lecture ou ce genre de choses. Il manquerait plus que ça. Mais il faut dire que c'est un peu compliqué pour cette Madame Engel, Laurence Engel, parce qu'elle marche un peu sur deux œufs. D'un côté, elle doit dire aux gens c'est un peu interdit ce que vous faites, mais de l'autre côté, il faut quand même pas non plus qu'on soit en France trop protectionniste sur cette question. Sinon, Bruxelles pourrait très bien venir frapper à la porte et dire non, mais vous faites n'importe quoi là maintenant, vous laissez Amazon faire ce qu'ils veulent. Ce qui serait un peu compliqué. Donc là, elle marche un peu sur des œufs. Surtout que je rappelle qu'en France, on est le seul pays en Europe à faire cette loi. Dans tous les autres pays, il n'y a pas de problème pour Amazon Unlimited ou ce genre d'offres. Pour l'instant, on est les seuls. Du côté d'Amazon, ils ne vont peut-être pas se laisser faire. On les connaît. À chaque fois qu'il y a une loi en France qui les empêche de faire un truc, ils la contournent. Avec une petite pichenette, je crois. Exactement, qui fait presque un peu mal. Tu fais peut-être allusion à la loi sur la livraison. Exactement. La loi anti-Amazon, où on devait justement ne pas offrir de livraison gratuite aux consommateurs. Vraiment, on l'appelait en gros tous la loi anti-Amazon. Et puis Amazon a tout simplement mis un prix de livraison à 0,01 euro, donc 1 centime d'euro. Voilà une bonne façon de contourner la loi et de répondre un peu de manière sarcastique. Du coup, quelles solutions seront possibles pour Amazon? C'est Le Figaro qu'on a énuméré quelques-unes dans un de ses articles. Par exemple, ce qui serait possible avec ce qu'a constaté Laurence Engel sur la loi, c'est de lancer une offre d'abonnement, mais par un seul éditeur. Donc par exemple, un éditeur qui est spécialisé dans la science-fiction pourrait lancer un abonnement, et là c'est bon puisque c'est lui qui fixe le prix de ses livres. On pourrait imaginer aussi un système de crédit à dépenser. Par exemple, l'utilisateur, dépense 10 euros pour s'acheter 20 crédits. Et par contre, on va pouvoir consulter un nombre limité de livres parmi ces crédits. Mais après, rien n'interdit de mettre un prix du crédit très très bas. Donc un livre à 0,01 crédit, si l'éditeur est d'accord. Et on pourrait imaginer un système de bouquet aussi. Chaque éditeur définit le prix d'un catalogue de livres consultables sur abonnement, tout simplement comme un bouquet satellite. Vous pouvez voir sur les chaînes télé actuellement pour la DSL ou pour satellite. Alors, il semblerait qu'il y ait un site. Je veux mettre tout ça sous la caution de la rumeur et apprendre avec des pincettes. C'est Actualité qui dit ça, donc L-I-2-T-E à la fin, qui nous a identifié peut-être une solution qu'Amazon pourrait proposer pour contourner un peu ce problème, puisqu'Amazon, en fait, s'apprête à créer une maison d'édition pour publier des ouvrages sous sa propre marque éditoriale, donc Amazon Publishing, et donc un peu faire comme France Loisirs. France Loisirs, c'est ce qu'ils font. Ils sont éditeurs. Ils se sont créés un statut d'éditeur pour pouvoir, en fait, après, créer ce qu'on appelle, dans la loi française, un club de lecture. Donc, qui est un truc assez particulier. On peut le proposer que si on est éditeur. Et donc Amazon, devenu éditeur, pourrait ouvrir un club de lecture avec une franchise qui s'intitulerait Kindle Unlimited et qui, à ce moment-là, proposerait une offre totalement légale. Donc, par exemple, Amazon achèterait des livres conformément à la loi de 2011 qui posait problème jusqu'à ce moment-là et du coup constituer un catalogue complètement comme elle le veut et avoir maintenant... Voilà, elle-même son mot à dire sur le prix à fixer au public pour pouvoir fixer ça. Donc, pourquoi pas instaurer un abonnement à 9,99€ mensuel. Donc, peut-être que Amazon va quand même se pencher vers cette solution-là, on va dire, pour pouvoir continuer à faire profiter les Français de son offre Kindle Unlimited. Personnellement, je les vois mal abandonner complètement cette idée. Ça me paraîtrait un peu étrange. Mais bon, c'est vrai qu'on leur met pas mal de bâtons dans les roues dans notre pays pour cette offre-là. Donc, C'est surtout moi ce qui, entre guillemets, m'énerve dans cette histoire, c'est que le gouvernement se réveille parce qu'Amazon, tout d'un coup, fait une offre qui existe déjà. Exactement. Faite par des sociétés françaises. YouScript et Ubox, voilà. Effectivement. Donc, les sociétés françaises le font. Ah, bah, on va vous laisser faire. Amazon arrive. Ah, bah non. Ah, non, en fait, ça va être illégal. Hein, bah, il faut dire que c'est pas la même ampleur aussi derrière. Parce que oui, quand Amazon le fait, ils ont beaucoup plus de moyens financiers pour écraser la concurrence. Bah, je comprends, mais ça fait vraiment. On s'en prend Amazon pour s'en prendre Amazon. Ça fait un peu protectionniste, effectivement. Voilà. Et bon, après, on aura la réponse, du coup, en mai, quelque chose comme ça, sur qu'est-ce que Amazon va pouvoir faire pour pouvoir contrer, entre guillemets, cette mauvaise nouvelle législative qui leur tombe dessus sur l'offre Kindle Unlimited. Bon. Très bien, merci Grégoire. Je vais vous parler de complètement autre chose. Bah vas-y. La NSA, encore pour changer, on va parler un peu des États-Unis. Hein. La NSA, alors dit comme ça, ça va pas être clair, mais veut bloquer les backdoors légaux. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Non, c'est très très simple en fait. Je vous rappelle que quand Android est passé à Lollipop, c'est-à-dire Android 5, Google a fait Android 5, qui s'appelle Lollipop, et qu'Apple a migré vers iOS 8, ils ont tous les deux mis en place par défaut des chiffrements des données. Mmh. C'est-à-dire que ni Apple... ni Google ne pouvait savoir ce qu'il y avait dans les SMS. Ne peuvent savoir désormais ce qu'il y a dans nos SMS et nos messages, parce que tout est crypté, par défaut. Ce qui a profondément agacé les autorités américaines, parce que du coup, ils ne peuvent plus consulter les messages et SMS, etc., sans avoir les clés de cryptage qui sont détenues par les utilisateurs. Ouais. Donc, ça a commencé par il y a quelques semaines, le procureur général des États-Unis, Eric Holder, qui parlait de menaces pédophiles. Pour voilà. Tout de suite. Déjà, voilà, pour s'opposer aux pratiques de Google et Apple en disant que ça favorisait la pédophilie. Ensuite, il y a le directeur du FBI, qui s'appelle James Comey, qui a rajouté que cela nuisait à l'état de droit et à la bonne marche de la justice. Voilà, complètement contradictoire là. Mais... Bah non, en fait, parce que si tous les messages sont cryptés et qu'il y a une enquête, ils peuvent pas savoir ce qui, voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut pas enquêter sur ça. Et alors, très récemment, le lundi 23 février, donc il y a deux semaines environ, le directeur de la NSA, Michael S. Rogers, a plaidé pour la mise en place d'un backdoor, c'est-à-dire d'un accès spécial aux données des utilisateurs uniquement pour les autorités. C'est-à-dire que les utilisateurs ont leur clé, mais nous aussi, les autorités, on a la clé. Comme ça, on peut quand même regarder quand on a besoin. Voilà. C'est un peu facile, ça. Donc, ça serait en fait un accès spécial pour les données des utilisateurs, pour pouvoir les consulter dans le cadre d'une procédure judiciaire. Voilà. Il dit, bah, donnez-nous la clé, nous, aux autorités. Et je rappelle qu'en Angleterre, justement, ils avaient, je ne sais plus si la loi est passée, mais ils ont fait voter une loi. Oh, non, c'est le Premier ministre qui voulait qu'il y ait une loi pour justement... qu'il n'y ait pas de cryptage pour les autorités. Ouais, pour interdire. Ouais. Le cryptage. Pour que les données cryptées soient interdites pour les autorités. Enfin, en faveur des autorités. En gros, que voilà, ils puissent accéder à toutes les données cryptées. Exactement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vous rappelle, pour ceux qui sont un peu perdus dans tous ces sigles, etc., que la NSA, c'est quand même eux qui ont un peu mis en place Prism, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'espionnage à grande échelle au sujet des données, hein, c'est-à-dire qu'ils espionnent très clairement tout ce qui se passe chez Google, chez Facebook, chez Apple, qui, en fait, ils, dans le flux des données, ils ont appelé ça Prism, parce que c'est une sorte de prisme, en fait, qui dédouble les données, c'est-à-dire une partie va chez Google, et sans que ce Google s'en rende compte vraiment, une autre partie est redirigée. On a su après que Google avait plus ou moins donné son aval. Hein. Une partie redirigée vers la NSA qui, tranquillement, peut lire tous nos messages, tous nos SMS, tous nos échanges. Voilà. Donc aujourd'hui, ils s'offusquent parce que tout d'un coup, ils ne peuvent plus le faire puisque tout est chiffré. Ah oui, mais il fallait s'y attendre avec les révélations de Snowden. Forcément, ça a eu un impact un petit peu. Voilà, quoi. Le gentil Snowden. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Je ne le connais pas. Proposition. Voilà, Edward Snowden donc, a révélé il y a quelques années maintenant que ce système-là, et maintenant on en sait un peu plus sur les pratiques un peu, moi je qualifie de douteuses hein, de la NSA. Ça fait un peu les pauvres Américains qui se plaignent de pouvoir être dans l'illégalité. Exactement, voilà. Donc, ce qui m'a amusé en fait... ce qui m'a fait ressortir cette news, en fait, ce que je trouve intéressante, c'est la position de Yahoo. Le responsable de la sécurité informatique de Yahoo, Alex Stamos, donc, a dit « Vos backdoors, on n'en veut pas ». Nous, on ne vous donnera aucune clé de chiffrement. Tout est chiffré. On ne sait pas ce que disent nos utilisateurs. On ne va pas le savoir. Ça les regarde eux. Leurs données sont privées. Il a dit, vous êtes gentil. Avec votre logique, le terrorisme justifie de surveiller tous les citoyens du monde au nom de la sécurité. Bon, d'accord. Et alors, je le cite, je mets des guillemets, je cite ce qu'a dit donc ce monsieur de chez Yahoo. Donc, si nous devons mettre en place des backdoors ou des accès spéciaux pour le gouvernement américain, pensez-vous que dans la mesure où nous avons 1,3 milliard d'usagers à travers le monde, nous devons faire la même chose pour le gouvernement chinois, le gouvernement russe, le gouvernement saoudien, le gouvernement israélien et le gouvernement français? Voilà, car après tout, les USA ne sont pas le seul pays à être menacé par le terrorisme. Boum. Voilà, donc boum, comme tu dis. Du coup, le directeur de la NSA s'est trouvé un peu comme de rond de flanc, hein, il n'a pas su trop quoi répondre. Il a été déstabilisé, il a dit « Oui, mais il faut faire une distinction entre les pays qui mettent des cadres légaux pour ça et puis les pays qui ne font pas trop dans le cadre légal. » Sous-entendu la Chine. Le directeur a répondu, la personne de Yahoo, le responsable de la sécurité informatique de Yahoo, a répondu « Bah oui, mais alors... Si n'importe quel État peut mettre un cadre légal, hein. La Russie peut dire que c'est tout à fait dans leur loi d'avoir accès à nos données pour ensuite aller faire une attaque en Biélorussie, il n'y a aucun problème. Donc à ce moment-là, qui c'est qui met une distinction entre les pays qui dit que ces cadres légaux sont vraiment des cadres légaux et de la qualité de ces cadres légaux? C'est encore les USA? Voilà. Donc, du coup, le directeur de la NSA n'a pas renchéri dans cette voie, puisque de toute façon, on sent que c'est une voie un peu... fragile. Il n'y a pas d'argument concrètement solide en fait. Voilà, pour l'instant. En gros, il veut juste que lui avoir accès aux données, il s'en fout. Voilà. Il dit juste que, en fait, et ça c'est ça qui est très drôle, il dit mais de quoi vous vous inquiétez? De toute façon, si on met en place ces portes dérobées pour la justice, pour la NSA par exemple, c'est pas un problème pour la sécurité. Sauf que là, on arrive à une vraie situation un peu amusante en fait. C'est qu'en gros, il dit on n'a qu'à faire des petits trous dans la sécurité, comme ça, nous, la NSA, on peut espionner. Mais alors, si on fait des trous dans la sécurité, il n'y a plus de sécurité, en fait. N'importe qui peut espionner, y compris les terroristes. C'est ça, la création de clés, le principe avec la création de clés, c'est que on peut la comprendre sur le principe de la justice, mais le problème, c'est que si la police peut y accéder, les pirates peuvent y accéder. Mais voilà, très simplement. Donc, en gros, ça serait faire une percée dans la sécurité pour protéger les USA qui ne sont plus en sécurité. Voilà, donc c'est un raisonnement complètement ubuesque, j'ai envie de dire. Complètement. Voilà. Et ce qui me fait réagir aussi avec ce directeur de la NSA, c'est un peu son arrogance, entre guillemets, parce qu'il plaide pour avoir accès aux données dans un cadre légal, etc. Et ils se permettent de faire des choses totalement illégales. Je rappelle que cette semaine, on nous a parlé des cartes SIM Gemalto. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire. Je vais très brièvement expliquer. C'est qu'en gros, la NSA et le GCH, son homologue britannique, l'équivalent de la NSA au Grande-Bretagne, ils ont été carrément piratés des clés de cryptage de cartes SIM. Il faut savoir que sur nos cartes SIM, il y a des clés de cryptage et c'est sur ces clés-là qui cryptent toutes nos données. Voilà. Ils ont réussi à pirater des clés de cryptage de fabricants de cartes SIM Gemalto. Et pour y arriver, en fait, ils ont carrément espionné des ingénieurs du groupe de Gemalto. Et du coup, ils ont pu obtenir ces clés et du coup surveiller tous les gens qui avaient des cartes SIM Gemalto. Ils les ont volées, quoi. Ils ont volé les clés de cryptage. Tout simplement. Donc en fait, ils ont été puisés carrément dans les communications privées de ces ingénieurs, c'est-à-dire qui étaient responsables de la sécurité. Et ils leur ont piqué. On estime qu'en 2009, ils ont volé entre 12 et 22 millions de clés par seconde. c'est juste hallucinant. À la fin de ce podcast, je prends pas le calcul. Mais... Non, parce qu'il va durer longtemps. Donc voilà, c'est-à-dire que ces gens de la NSA qui se permettent quand même d'aller espionner des ingénieurs d'une entreprise telle que Gemalto pour piquer des données confidentielles d'une entreprise et ensuite espionner tous les gens qui utilisent leurs produits, se permettent de dire « Ah oui, mais en fait, il faudrait peut-être nous donner des clés parce que là, on n'y arrive plus. » Voilà, juste au nom de la sécurité. Donc Yahoo, elle leur a gentiment dit « Allez, faut vous faire voir, vous les aurez jamais nos clés. » Apple et Google, dont on rappelle qu'ils ont participé à l'opération Prism, à la base, ont quand même dit « Non, maintenant, on ne veut plus faire ceci. » C'est pour ça qu'on a mis par défaut un chiffrement des données. Et donc, ils ont aussi gentiment dit au directeur de la NSA « C'est fini, allez vous faire voir. » Et en fait, on comprend très bien la position maintenant d'Apple et Google. C'est que, je vous rappelle, on en a déjà beaucoup parlé, mais par exemple, Apple est en train de mettre un système comme Apple Pay. Si on imagine que si nos données n'étaient pas sécurisées, est-ce qu'on aurait vraiment envie de donner nos coordonnées bancaires pour utiliser le service de paiement d'Apple? Forcément non. Donc Apple est obligé maintenant de dire maintenant vos données sont sécurisées, regardez, faites-nous confiance, c'est crypté, vous pouvez vous servir de nos systèmes de paiement. On commence à parler même de passeport ou de carte d'identité dématérialisée. Imaginons que tout ça n'est pas crypté vraiment de façon sûre. Ça serait inquiétant. Donc forcément, Apple et Google sont obligés, quelque part, de refuser ce que demande le gouvernement américain dans cette affaire. Voilà, donc je voulais juste revenir sur cet aspect de backdoor légaux, si vous en entendez parler. C'est juste les autorités qui veulent avoir accès à nos données, comme ça, de manière privilégiée. Voilà, donc je trouvais ça très super amusant. Intéressant. Oui, oui. À mon avis, ils vont continuer à avoir accès à nos données, mais de façon illégale. Quoi, voilà, comme t'as fait pas. Avec Gemelto. Ouais. S'ils vont continuer, ils vont trouver des manières de pute, si je peux me permettre de dire ça. On te laisse, seul responsable de tes propos, Stanislas. Hein. Je dirai le mot pute, je te rappelle que la NSA nous écoute. Hein, donc, sur Twitter, ils nous suivent apparemment. Donc. Bon, voilà. Je crois que Julien, tu voulais nous parler de. Alors, je dis le début de ton titre. Non, c'était de Apple. Hein. Ah ouais, de Apple. J'avais appelé ça United Colors of Apple. Hein. Voilà. c'est un peu plus léger. En fait, là, Apple a lancé la bêta des nouvelles versions d'OS 10 et de iOS 8. Alors, je ne sais plus quelle version c'est. On doit être à 8.3 pour iOS et 10.10.10. Je ne sais pas combien pour l'OS. Ah, je ne suis pas ça. En fait, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont lancé des nouveaux emojis. Alors, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Donc, si je dois dire nouvelles emojis ou nouveaux emojis. Question. Merde, j'allais dire que c'était masculin spontanément. Puis j'ai un gros doute là en le disant. Ouais, alors c'est emoji. Enfin voilà, pour ceux qui connaîtraient pas les emojis, hein, c'est un peu les émoticônes, c'est les mêmes choses que les émoticônes, mais en fait ça vient du japonais. Et ça s'est répandu partout dans le monde et maintenant on dit des emojis. Alors moi je dis toujours des émoticônes. Hein, mais... et on fait un podcast techno, regardez-moi ça. Mais voilà, les vieux réflexes reviennent. Hein. Donc voilà. Bon, quand tu vas sur Caramel, tu utilises tes émoticônes. Caramel, non mais grigois. Donc en fait, voilà, ce qui était intéressant, c'est qu'Apple a lancé donc, de nouveaux emojis, on va le dire au masculin. Et en fait, ils ont fait le choix de la diversité puisqu'on va pouvoir utiliser des emojis de couleur. Ce que j'entends par deux couleurs entre guillemets, c'est-à-dire qu'on pourra avoir un pouce d'un individu, par exemple asiatique, donc représenté par du jaune. Hein, c'est pas du tout raciste. Oui, enfin bon, il faut bien le représenter par. De citron. Ouais, le problème, c'est qu'avant, il était juste pas représenté. Voilà, avant, il était juste pas représenté. Jaune, les... Oui, non. Mais là, ils sont. Par exemple, si t'as un petit visage d'un individu, tu reconnais que c'est un visage noir. Il a les yeux bridés, quoi. Non, il a pas les yeux bridés, il est jaune. Non, pour le coup, ils ont pas bridé les yeux. Ils ont fait un visage qui est jaune, un visage qui est un peu plus foncé noir, un visage qui est un peu plus. Avant, il y avait que du rose, en fait. Voilà. D'accord. Et maintenant, il y a des visages noirs. Je suis resté sur les smileys jaunes. Oui, non, mais là, quand on parle des emojis, ça peut être des petits personnages. Ouais, c'est des petits personnages. Tout ça, oui, je vois. En fait, je vois ce que voilà, c'est. Oui, je savais pas ce que c'était, mais d'accord, je vois. Pardon. Donc voilà, non, ils n'ont pas allé jusqu'à mettre des yeux bridés, à faire des. Voilà, non. Il y a des limites quand même. C'est très drôle. Voilà, et ils vont même jusque dans la. Apple va même aller jusque dans la diversité familiale et sexuelle, puisque les emojis pourront représenter des couples mixtes. Je ne sais pas à quoi ça sert d'ailleurs. Imagine, tu envoies un message, je vais te mettre ce couple mixte. Pour annoncer ton homosexualité. Voilà. Couple mixte. Ça fait un moment, regarde ces deux garçons. Donc c'est un peu bizarre. Ça t'évoque quelque chose. Et pour le coup, tu pourras mettre des couples homosexuels, des couples avec un ou deux enfants et des couples sans enfants. D'accord. Voilà, alors je sais pas je crois qu'il y a les familles monoparentales aussi dans les nouveaux emojis qui vont être mis en place. Ah bon? Ah ouais, j'ai lu ça aussi. C'est vrai que les occasions de les envoyer. Donc t'as un papa avec un enfant. Bon, ouais, mais ça montre finalement qu'il s'ouvre à la diversité et on va plus être cantonné à des emojis ou des émoticônes. C'est vrai que je me sentais un peu frustré. Moi. Ouais. Je pouvais pas envoyer deux mecs avec un bébé à côté. Non, mais par contre, c'est vrai qu'on rigole, mais aux États-Unis, c'était un sujet qui était très très tendu. C'est vrai, ouais. Aux États-Unis, il y a quand même une population noire américaine qui est beaucoup plus importante peut-être qu'en France. Je ne sais pas, en tout cas, qui est fortement représenté dans les médias. On sait qu'il y a là-bas, il y a une loi pour qu'il y ait un certain pourcentage de noirs dans les séries, dans les films, etc. Enfin voilà, la discrimination positive, comme ils appellent ça. Et aux États-Unis, ça posait des vraies questions de société que Apple, on ne puisse pas juste envoyer un emoji noir de sa couleur de peau, etc. En fait, j'en rigole, mais je peux comprendre tout à fait. Et là-bas, ça faisait vraiment un scandale parce que du coup, il y avait même certains qui avaient quitté Apple, enfin des clients qui arrêtaient d'acheter Apple pour ça. Hein, donc ça allait loin. Ouais, parce que sans aller jusqu'à la discrimination positive, ça apparaît quand même logique que si tu as, des personnages que tu peux représenter, que tu en aies des noirs, que ça représente normal, un peu toute la diversité. Si ça, on pousse vers le réalisme, tant que. Assez logique. Et autre chose, c'est-à-dire qu'alors, on pourra maintenant, Apple autorise à représenter par exemple un Asiatique, mais par contre, maintenant, Apple ne veut plus représenter un Asiatique avec une arme. Alors, je dis un Asiatique pour faire la liaison entre les deux news, mais en fait, sur l'App Store, maintenant, on ne pourra plus montrer sur les screenshots des applications des armes à feu. Ah oui, j'ai vu passer voilà. Ça. Ouais. Donc, d'un côté, ils vont vers la diversité et ils vont aussi vers la censure. Alors, on l'avait vu pour la nudité. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Moi je trouve que c'est une mauvaise chose, j'en ai marre de ces sociétés américaines qui te censurent des trucs, c'est eux qui prennent la décision de ta liberté d'expression. C'est un peu comme la news sur Blogger, la plateforme de blog de Google qui avait interdit la nudité la semaine dernière puis qui sont revenus en arrière parce que les gens ils aiment bien mettre de la nudité en ligne quand même. Mais j'avais trouvé ça hyper dérangeant sur le principe de dire ok donc Google, Apple, Facebook etc. ils contrôlent nos vies numériques mais on peut plus y faire ce qu'on veut. qu'on peut plus poster les photos qu'on veut. Et par exemple, bah là, on peut plus, si on veut mettre une application en ligne et que c'est un jeu de guerre. Voilà, c'est problématique pour justement toutes ces sociétés qui ont des applications ou des jeux qui traitent de la guerre. On sait que la guerre dans le jeu vidéo, c'est quand même un marché important. Donc, sur leur screenshot, ils vont être obligés soit de remplacer. Par des bananes. par des bananes, par des fleurs. Ça serait joli. Mais surtout, c'est comment ils tranchent. C'est-à-dire, un jeu de guerre, ça veut rien dire. Ça veut dire un Call of Duty, il n'est pas le même cas. Non, mais ils tranchent pas. C'est-à-dire, si sur ton screenshot de présentation du jeu, juste l'image, pas l'intérieur du jeu, juste l'image, si tu as une arme à feu, ils vont te dire soit tu la floutes, soit tu remplaces par autre chose, soit tu changes ton image. Il y a un marché qui va se dégager sur les gens qui photoshopent des bananes à la place des flingues ou un truc. Ami photoshopper. Banane, ça peut être autre chose qu'une arme. Oui. Tu fais référence au Japon. Petit coca. Donc voilà, surtout, tu sais, ça va être complètement arbitraire. Enfin, c'est totalement arbitraire puisque c'est pour tout le monde, mais tu peux avoir un jeu, je sais pas, anti-militariste qui présente des armes. Mm. Tu vois, tu peux avoir des choses différentes comme ça. D'accord, c'est sur l'affichage. Ouais, sur l'affichage, sur l'App Store. Voilà, je comprends. Voilà. Ok. Merci Julien. Grégoire, tu voulais nous parler du HTTP2. Oui, je voulais vous parler du HTTP2. C'est un point un petit peu technique, mais que j'avais trouvé intéressant dans les deux semaines qui se sont passées. Donc le protocole HTTP, vous connaissez tous au moins deux noms, cet acronyme, donc Hypertext Transfer Protocol. C'est juste un des plus importants du web, si ce n'est le plus important, puisque c'est celui qui vous permet concrètement de faire fonctionner Internet, d'échanger les données à travers le monde entier. Et sa dernière version de ce protocole HTTP est enfin arrivée. Donc HTTP2 a été finalisé. Il faut savoir que la dernière version, celle qu'on utilisait jusqu'alors, HTTP 1.1, datait de 1999. Donc ça commençait à prendre un petit peu d'âge quand même, 16 ans. En 16 ans, les sites web ont pas mal changé. Il y a pas mal de choses qui se sont modifiées sur les sites web, et notamment les pages web se sont largement alourdies. Moi, j'ai fait quelques recherches à l'occasion de cette news pour savoir un petit peu comment les pages web avaient évolué. Alors, j'ai pas trouvé des chiffres datant de 1999, mais j'ai trouvé des chiffres qui datent de 2010 par rapport à aujourd'hui. Donc, par exemple, en 2010, il y avait 1% des sites qui utilisaient une police spécifique. Aujourd'hui, c'est 49%. Donc, il faut charger la police à chaque fois qu'on va sur un de ces sites. Les images sur une page web en moyenne en 2010 pesaient 476 kilobits. Maintenant, c'est 1260 kilobits. 165% d'augmentation sur le poids des images en quelques années. Normal, en même temps. Le JavaScript, il était en moyenne à 113 kilobits. Maintenant, il est à 295. 161% d'augmentation. Et au final, en gros, une page web pesait en moyenne en 2010 700 kilos, donc moins d'un méga, et aujourd'hui en 2015 une page web pèse en moyenne 1930 kilos, donc presque 2 mégas, une augmentation de 176% du poids moyen de la page web en juste 4 ans. Donc, mais encore une fois, mes chiffres sont pas très vieux, je remonte pas jusqu'à 99, donc on imagine que c'était encore beaucoup plus léger à l'époque. Donc du coup, ceux qui s'occupent de réglementer les protocoles sur Internet, donc l'Internet Engineering Task Force, a décidé de travailler sur le protocole HTTP. Et du coup, avec ce nouveau protocole HTTP2, on devrait voir une accélération considérable des temps de chargement sur les sites web prochainement, très prochainement. Qu'est-ce que c'est le principal changement? C'est qu'avant, avec le protocole HTTP, en gros, on ne pouvait pas, quand vous chargiez une page web, livrer plusieurs choses en même temps. D'abord, on vous livrait la structure de la page, ensuite son design, ensuite ses images, ensuite ses scripts. Ça se passait, tout était itératif. Là, ça c'était avec l'ancienne version, avec le HTTP2, ça va complètement changer puisque les processus pourront être gérés tous en même temps. Donc les gros objets et les petits objets pourront être livrés en même temps, il n'y aura pas un objet qui pourra bloquer les autres, par exemple si vous aviez une très grosse image. Et en plus, le protocole HTTP2 a été conçu avec en tête les révélations d'Edward Snowden. Donc justement, si tu en parlais Stan, avec tout ce qui était la présence de backdoor, la surveillance des sites internet, etc. Là, ça a été conçu pour être beaucoup plus sécurisé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. HTTP2, techniquement, c'est en construit partie sur un travail qui a été effectué par Google qui s'appelait SPDY, donc on prononce Speedy, qui déjà à l'époque disait le HTTP1 c'est gentil mais c'est trop lent, donc ils avaient construit un protocole qui s'appelait Speedy pour le mettre sur Chrome pour que Chrome soit plus rapide que les autres, en général c'est ce qu'on dit de Chrome d'ailleurs. Et du coup, maintenant que le HTTP 2 est officiel, Chrome va l'abandonner, a priori, donc Speedy, en début 2016, pour pouvoir mettre HTTP 2. Sur Mozilla Firefox, vous pouvez déjà l'avoir. Si vous avez uploadé la dernière version de Firefox, vous avez déjà le HTTP 2 qui sera géré. Donc, ce n'est pas encore la version finalisée, puisqu'elle n'est pas encore sortie. Et Spartan, le prochain navigateur de Microsoft, je crois que tu nous en avais parlé, Stan. Qui sera uniquement sur Windows 10. Exactement. Et il a déjà dit qu'il supporterait le protocole, bien sûr, HTTP 2, qui va être la nouvelle norme du web. À titre d'info, par exemple, sur ce protocole, j'ai été voir un exemple en vidéo. Vous pouvez en trouver sur Internet si vous cherchez un petit peu Speedy, HTTP 1.1, par exemple. Des recherches un peu bizarres sur Internet, voilà. Mais vous verrez des photos de temps de chargement de pages web. Et par exemple, il y a un exemple qui m'a marqué. C'est une petite page avec des photos de drapeaux de tous les pays du monde, et donc qui est chargé en HTTP 1 qui prend 3,5 secondes pour être chargé, et avec le processus Speedy, donc, qui va être à peu près pareil que le HTTP2, en 1,9 secondes. Donc on augmente quand même de 50% la vitesse, on va deux fois plus vite, hein, quasiment une fois et demie plus. Ouais. Donc c'est quand même pas négligeable, et ça arrive. Si vous avez Firefox, mine de rien, vous commencez déjà à l'avoir, et les sites compatibles vont s'adapter peu à peu. Voilà, c'est-à-dire que c'est transparent pour l'utilisateur. C'est transparent pour l'utilisateur. C'est une mise à jour d'un module de Firefox, transparent. C'est dans la mise à jour même totale de Firefox, la dernière version, et ça sera pareil pour Google, hein, quand ils se mettent à jour. C'est bien ça. Ouais, et les sites de leur côté, bah, certains sont, par exemple, Facebook est déjà en HTTP2, par exemple. Donc Facebook, si vous avez déjà Firefox et que vous avez déjà, et que vous allez sur Facebook, en fait, vous êtes déjà à la rapidité maximum. Mmh. Voilà. C'est une bonne nouvelle, tout ça. Ouais. Je vais vous parler de complètement autre chose, en fait, qui est une news un peu plus généraliste sur la techno, qui va faire un peu rêver. Je vais vous parler de la mission Mars One. Je ne sais pas si certains de nos auditeurs en ont entendu parler ou pas. La mission Mars One, c'est quelque chose que moi qui m'étonne toujours à chaque fois que je lis des nouvelles là-dessus, parce que je trouve que c'est de la science-fiction, mais appliquée à la réalité. En fait, c'est un projet financé par des fonds privés pour envoyer une navette habitée sur Mars en 2025. Ça peut faire presque sourire, mais en fait, c'est un projet très sérieux. Dans 10 ans, hein, c'est rien. C'est dans 10 ans, oui, ouais. C'est vrai que ça va très vite venir. Et en fait, il commence à trier les candidats. Sélectionner plutôt, voilà, les candidats. Donc, ils ont fait un premier appel à candidature. Et en fait, ils ont eu beaucoup de réponses puisqu'ils ont eu 200 000 personnes qui ont postulé pour le poste. 200 000 ? 200 000 candidats. ils ont réussi pour l'instant à réduire une liste à 100 personnes, 50 ânes, ils ont pris des animaux. Et les hommes, c'est bizarre. On veut pas savoir ce qui se passe. On veut pas savoir ce qui reste sur Mars. Est-ce qu'il y aura un émoticône pour ça? Un émoji. Stan. Bon, bref, c'est ma news. 100 personnes, donc 50 hommes, 50 femmes. Donc, en fait, le but, c'est de sélectionner des gens avec des parcours différents, des nationalités différentes, etc. Et ils vont faire une dernière sélection qui devrait commencer plus sérieusement en 2015, mais je suis pas sûr qu'ils aient fini de sélectionner en 2015, mais au final, il y aura 25 candidats qui partiront dans la navette pour Mars. Ah, ils seront 25 dans la même navette ? 24, pardon, exactement. 24. Ouais, c'est énorme. Un nombre à pair, c'est un peu bizarre. Oui, 50 hommes, 50 femmes. Voilà. Donc, pour l'instant, sur les 100 sélectionnés, juste pour les détails, il y en a 39 qui sont originaires d'Amérique. Donc, je suppose quand on dit Amérique, on entend États-Unis, mais je ne sais pas. C'est peut-être tout le continent. 31 d'Europe, dont un Français et un Belge. Ah. Bon, au moins un Français, pardon. 16 d'Asie, 7 d'Afrique, 7 d'Océanie. Oui, donc c'est le continent américain, pardon. Ouais, le continent. Et leur âge, pour l'instant, est compris entre 19 et 60 ans. 19, la classe, purée. Et 60 ans, mais 60 ans, c'est en 10 ans, il aura 70 ans, donc. Ouais, peut-être mort. C'est papy. C'est peut-être pour faire de la viande. Je ne relève pas. et il faut savoir qu'il y a 48 personnes sur les 100 qui sont dans la tranche d'âge de 26 à 35 ans. D'accord. Alors maintenant, à partir de maintenant qu'ils en ont sélectionné 100, en fait, ce qui est amusant, mais pour moi, ça fait film de science-fiction. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu Contact de Zemeckis. Ah bah si. Mais j'ai un peu l'impression qu'on est là-dedans. Voilà, c'est un fonds privé qui construit quelque chose de futuriste. Ouais, voilà. C'est exactement. Pour moi, c'est ça. Ça me fait rêver. Donc les 100 qui ont été sélectionnés, en fait, ils vont commencer une préparation physique et psychologique dans une réplique de la base martienne. Wow. Dès cette année. et il faut savoir que toute l'aventure sera filmée, donc j'imagine qu'ils vont après le vendre tout ça, tous ces droits-là à la télévision et qu'ils auront un retour sur investissement par ce biais-là. Ouais, les documentaires. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà un Français qui est sélectionné dans les 100 et en fait, il paraît, d'après ce que j'ai pu comprendre des rumeurs, qu'il est déjà quasiment acté qu'il serait dans les 24 qui vont partir. D'accord. Ouais, donc ce Français-là, on le connaît un peu, il a fait plusieurs interviews déjà, il est médecin, il est diplômé de physique en aérospatial. Bah oui, il avait des chances déjà d'être pris. Voilà, il a travaillé un an dans l'humanitaire et il a 37 ans aujourd'hui. Donc il aura 47 ans au moment du décollage. Mais donc ce n'est pas un astronaute à la base en fait, ou un cosmonaute, enfin je sais plus. Non, mais en fait, le but c'est que le voyage se passe presque très simplement et c'est surtout arriver à survivre sur Mars qui compte. Quand même devoir envoyer des mecs qui s'y connaissent un peu, des astronautes, des machins. Voilà, je pense qu'il y a une base de. Des médecins aussi. Bah voilà, bah lui par exemple, lui, est médecin. Il est bon, mais. Ouais. Bah, diplômé de physique aérospatiale, j'imagine qu'il s'y connaît un peu en aérospatiale. Que... Voilà, plus que Madame Michu. Mais voilà, et puis c'est un Bordelais. Donc. Nos respects. Après, des petits détails amusants, par exemple, il prévoit d'envoyer d'ici 2018 une serre pour faire pousser des salades sur Mars. c'est très drôle, je trouve. En fait, c'est tellement nouveau tout ça, c'est qu'on ne sait même pas si la culture est possible sur le sol martien. Bah oui. Donc ils vont envoyer une serre, ils vont essayer de lui faire pousser des salades. Pourquoi des salades ? Parce qu'ils en ont déjà fait, on a déjà fait pousser dans l'espace, et on sait que ça résiste très bien à ce genre de petits voyages. Hein. Je me suis posé une question sur le financement aussi, juste pour que vous sachiez. En fait, il y a des sociétés qui collaborent, il y a des sponsors. Par exemple, il y a une entreprise finlandaise d'électronique grand public, il y a une société d'impression 3D. Ils ont même écrit un livre sur le voyage possible dans Mars et les ventes de livres sponsorisent apportent de l'argent à ce projet. Dans les fournisseurs, par exemple, Thales Aliena Space, Thales qui est une société française quand même, grosse très société. Il y a une société par exemple qui fait des combinaisons qui sont utilisables sur la Lune ou sur Mars, qui leur fournit du matériel. Voilà, donc c'est un projet. Il n'y a pas de Google ou il n'y a pas de trucs comme ça. Non, quoi. J'ai pas vu de grands noms encore, mais je pense que les grands noms s'y grefferont quand on aura les 24 et que ça va commencer à devenir sérieux. Je pense c'est que d'ici 3-4 ans. Pour moi, c'est un rêve éveillé, c'est la science-fiction éveillée. Je trouve ça génial, voilà. Donc, je vous en parle aujourd'hui parce qu'on a su qu'un Français était présélectionné et que ça rentre dans la seconde phase des sélections. Il faut savoir qu'il y a un site web, si vous tapez sur Google ou Yahoo, ou peu importe, votre moteur de recherche Mission Mars One, vous tomberez sur un site en anglais et un site officiel en français qui retranscrit les infos anglaises. Et on apprend tout le déroulement des choses, etc. Il y a plein d'infos, on continue. Donc c'est assez intéressant, voilà. On vous tiendra au courant s'il y a des grandes modifications dans ce niveau. On ne peut plus postuler, quoi. On ne peut plus postuler, je suis désolé. Je suis désolé Julien, je suis très déçu. Bah tiens Julien, garde la parole et parle-nous de YouTube. Oui, en fait j'ai été assez surpris d'apprendre via le Wall Street Journal que malgré son milliard de visiteurs par mois, eh bien, YouTube ne dégageait pas de bénéfices. En fait, si YouTube a généré un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars en 2014, le Wall Street Journal en fait, nous apprend que la gestion des serveurs et le financement des ayants droit coûterait en fait, très cher à Google, et ce qui fait qu'ils ne feraient pas de bénéfices, ils ne rentreraient pas dans leurs frais par rapport à ce qu'ils dépensent, malgré le fait que ce soit une des plateformes quand même les plus visitées. En fait, les annonceurs apparemment ne se précipiteraient pas pour faire leur publicité sur YouTube, en raison à la fois de la concurrence de Facebook et de Twitter, et aussi de la possibilité d'exporter les vidéos. Ce qui fait que ça réduit en fait les visites directes sur YouTube. Alors en fait pour le coup c'est pas vérifiable dans le sens où Facebook Google ne donne jamais ces chiffres pour la plateforme YouTube. Donc c'est simplement apparemment une indiscrétion du Wall Street Journal, donc on va lui faire confiance sur ça. Mais voilà, ça m'a vraiment étonné de voir que leur modèle économique fonctionnait pas, et justement le Wall Street Journal se demande s'il ne devrait pas changer de modèle économique et propose justement de qu'il fasse peut-être des chaînes payantes qui proposeraient du contenu original. On peut imaginer un peu comme ce que fait par exemple Netflix, voilà, qui fait son propre contenu. Est-ce que YouTube ne serait pas amené à générer son propre contenu pour justement générer de l'argent? Ils n'avaient pas parlé d'un abonnement à un moment YouTube, juste uniquement pour enlever la publicité. Ah, ouais. C'était ça, ouais. Peut-être que c'est un premier pas pour essayer de trouver autre chose. Si jamais le modèle des pubs traditionnels ne marche pas, quoi. Après, est-ce qu'on est prêt à payer pour avoir plus de pubs? Ouais, en plus tu peux les passer sur YouTube, donc. Tu peux, voilà, tu peux vite les passer. Et puis maintenant, on est tellement habitué. Puis il y a plein de contenus qui n'ont pas de pub, en fait. Moi, c'est sûr. Ouais. Je découvre un peu plus YouTube ces derniers temps et je remarque qu'il y a plein de contenus où tu n'as jamais de pub. Quand tu écoutes certains clips un peu vieillots. Ouais, voilà. Et puis c'est vrai que quand tu mets une vidéo depuis un autre site, enfin t'exportes ta vidéo YouTube, oui. Bah voilà, tu passes pas sur la plateforme. Ouais. Mmh. Ça se fait très très souvent quand même. Ouais. C'est vrai. Donc j'étais vraiment surpris. Alors après c'est 4 milliards de chiffre d'affaires, zéro de bénéfice. Ouais. Enfin, il serait même pas bénéficiaire. Donc, je sais pas. Alors après, comme ils publient pas leurs chiffres, on peut pas vérifier. Mmh. Mais ce que dit le Wall Street Journal, bon, qui normalement un journal plutôt sérieux, en théorie plutôt bien informé. On peut prendre au sérieux ce qu'ils disent. Voilà. Et peut-être que pour l'avenir, justement, YouTube va devoir, enfin Google va devoir changer le modèle économique de YouTube. Voilà, ouais, c'était juste été surpris pour moi. D'accord, c'était un truc je suis d'accord, c'est assez surprenant. Et qui générait tellement d'argent que c'en était presque indécent, alors que... Bon, à voir si le modèle payant va marcher, en fait. Il faudrait qu'on se suive un peu ça. Grégoire, tu veux nous parler de Samsung? Ah oui, il faut vous parler de Samsung. C'est une news qui est arrivée, qui est toute fraîche, hein, puisque pour une fois, on n'enregistre pas le dimanche, mais le lundi. Mais hier soir, il y a eu Samsung a dévoilé son Galaxy S6. On en avait parlé un petit peu dans d'autres podcasts, mais le Galaxy S5 avait beaucoup déçu le dernier flagship du géant coréen. On avait notamment dit que ça se vendait pas très bien, ça avait valu un peu la tête du responsable de l'équipe design, puisque vraiment le S5 a fait perdre pas mal d'argent à Samsung, et on peut dire que du coup les attentes sur le S6, elles étaient énormes pour Samsung et pour les fans de la marque, ou pour ceux qui les attendaient au tournant. Concrètement, ils avaient pas le droit de décevoir avec le S6, donc il y a eu forcément, quand il y a un produit qui est beaucoup attendu, il y a eu aussi pas mal de rumeurs sur le web avant qu'ils sortent hier soir à 18h30, avant qu'on ait des news là-dessus sur ce S6. Donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est un peu les rumeurs, et puis au final, qu'est-ce qu'il en est dans la vraie vie, entre guillemets, dans ce qui est sorti. Donc je vous l'ai dit, sur le design, par exemple, le S5 avait beaucoup déçu, parce que il était en plastique, il faisait un peu cheap, etc. Du coup, dans les rumeurs, on attendait quand même pas mal de métal, ou peut-être des rumeurs parlaient de verre sur la coque, un truc assez orienté haut de gamme. Bon, après les dernières photos leakées, les gens semblaient dire « bah non, c'est plutôt un arrière en plastique, etc. » Bref, au final, qu'est-ce qu'il en est, le verdict ? Finalement, c'est effectivement bien du verre qu'on retrouve à l'avant et à l'arrière des appareils, avec des bords en métal. Alors, ils avaient un peu initié ça avec le Samsung Galaxy Alpha, hein, moi, qui est mon téléphone, j'en avais parlé dans le podcast Zéro. Et c'est vrai que le rendu là du Galaxy S5, du Galaxy S6, pardon, est vraiment très, très premium. Hein. Ça, en plus, c'est un verre qui est du Gorilla Glass 4, donc qui ne casse pas et qui ne raye pas ou quasiment pas. Au niveau de l'écran, on avait pas mal de rumeurs là aussi. Bon, ça allait de un écran de 5,3 pouces à un écran de 5,5 pouces. On parlait de 4K, on parlait de QHD. Les gens savaient pas trop. Par contre, ce qu'on semblait savoir et qui semblait se confirmer largement, c'était qu'il y avait un modèle avec un écran normal et un modèle avec un écran incurvé, comme un peu le Galaxy Edge qu'ils avaient fait un moment. Même T-Mobile avait leaké une photo quelques jours avant, etc. Et voilà, donc on envisageait d'avoir en fait deux Galaxy S6, un normal et puis un Edge. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Hein. Il y a donc deux modèles, dont un avec les deux bords incurvés. Alors contrairement au Galaxy Edge qui avait un seul bord incurvé, là il a ses deux bords incurvés. C'est assez joli hein, finalement. Par contre, ce qui est un peu décevant, c'est que sur ce Galaxy Edge, S6 Edge, donc avec les deux bords incurvés, ces bords ne servent à rien. C'est uniquement esthétique. Il n'y a pas de petites barres de tâches, etc., qui se déroulent là-dedans. D'accord. Alors que dans le Galaxy Edge, qui était uniquement Edge, il y avait voilà, tous tes raccourcis appli qui étaient dans cette petite barre un peu pentue. Voilà. Là, elles sont moins grosses. Et en fait, elles ne sont pas utilisées. Elles sont juste graphiques, hein, juste esthétiques. Donc, c'est un peu dommage. Au niveau de la taille de l'écran, j'avais dit qu'il y avait pas mal de rumeurs. Au final, c'est du 5,1 pouces. Donc, pour rappel, par exemple, l'iPhone 6 fait 4,7 pouces et l'iPhone 6 Plus fait 5,5 pouces, donc on est entre les deux en gros. Hein. C'est un écran QHD et l'écran il est très très réussi, là c'est un peu le verdict de toute la presse, très coloré, très lumineux, avec une définition de 2560 pixels sur 1440 pixels, ce qui fait un 577 points par pouce. Donc, oui, ce qui est juste énorme en fait, hein, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en photo, on utilise du 300 points par pouce et c'est vrai qu'on parle d'une qualité très très acceptable au-dessus de 300 et 500 c'est déjà très très bien, alors 577 on commence à atteindre vraiment des résultats très intéressants. L'épaisseur, je signalerai juste qu'il fait donc 6,8 mm seulement d'épaisseur pour la version normale et 7 mm pour la version Edge, donc avec l'écran courbé, ce qui correspond à des épaisseurs plus petites que l'iPhone, donc il est moins épais qu'un iPhone encore, et a priori le bend gate, donc la possibilité de le tordre serait impossible. Donc ça sera à vérifier, c'est peut-être grâce au Gorilla Glass, je ne sais pas, mais en tout cas à vérifier. Mais pour l'instant, on va dire que sur les capacités techniques, il se distingue des iPhones en étant pour l'instant partout meilleur en tout cas. L'empreinte digitale, il y avait pas mal de rumeurs, parce qu'apparemment c'est une... Alors moi j'étais surpris en lisant ça, c'était une attente des gens. Moi perso je m'en fiche complètement. Oui, c'est parce que le système Apple et Samsung est différent. Voilà, exactement, Apple tu poses ton pouce, Samsung il fallait le glisser plusieurs fois. C'est un capteur rond, donc tu poses ton pouce et Samsung il faut faire glisser son pouce sur un capteur en longueur. Et bah plus maintenant, parce que ça y est avec leur nouveau capteur, donc sur le S6 et le S6 Edge, il suffit d'une simple pression pour que ça déverrouille et de quelques millisecondes, donc comme le... Exactement. Donc c'est un capteur rond comme ça. Non, ils ont gardé la forme de leur capteur Samsung qui est très... D'accord. Très typique. Mais voilà. C'est une sorte de rectangle tiré arrondi. Oui, voilà, c'est une sorte de rond, ouais. Voilà quoi. Au niveau surtout, alors un truc important et qui était assez impressionné, qui m'a beaucoup impressionné moi personnellement dans ce S6 et de ce S6 Edge, à part son design qui est très très réussi, c'est son processeur et logiciel. On s'attendait quand même à... Les rumeurs parlaient de 3 gigas de mémoire vive, parce que moi j'y croyais pas tellement. Et effectivement, Verdict hier a dévoilé un processeur Exynos 5420. Qui tourne avec 8 cœurs et donc qui permet d'atteindre effectivement 3 gigas de RAM. Et en termes de stockage, vous avez 3 options si un jour vous êtes intéressé par le Edge, c'est 32 gigas, 64 gigas ou 128 gigas, vous payez un peu plus. Mais cette fois-ci, ça va être particulièrement important de bien choisir parce que vous ne pourrez pas rajouter de carte SD. Ah, ça c'est pas bien. Il n'y a pas d'entrée SD, hein, donc là, il faudra bien choisir. Je reste sur le logiciel, donc il est équipé bien sûr d'Android Lollipop 5.0.2. Et ils ont Samsung, c'est un peu le problème à chaque fois. Moi, je suis assez fan de Samsung, mais ils mettent leur logiciel qui s'appelle TouchWiz, où il y a toutes les applis Samsung qui sont obligatoires, etc. Bon, là, ils l'ont revu à la baisse, ils en ont enlevé une partie, donc c'est bien, ça va aller plus vite. Et on sera moins obligé de passer par les applis Samsung. Et là, dans les vidéos que j'ai regardées hier au moment de l'annonce du S6, effectivement, il est très très rapide, c'est assez flippant, c'est vraiment très étonnant, donc ça a l'air d'être quand même un bon produit. Et là où il se distingue aussi, c'est sur le capteur photo. Alors les rumeurs parlaient d'un capteur photo de très grande qualité, on parlait de 20 mégapixels. Au final, ce qu'il en est, c'est que c'est un capteur de 16 millions de pixels avec stabilisation optique, qui peut faire de l'HDR en temps réel, qui peut faire des vidéos avec très peu de lumière, qui a une ouverture focale de 1,9, donc c'est quand même assez bas pour un appareil photo. détection automatique de la balance des blancs. Et en façade, c'est un capteur de 5 millions de pixels. Donc je rappelle que sur l'iPhone 6, le capteur photo, il est de 8 millions de pixels derrière et de 1,2 million de pixels en façade. Donc ils sont largement au-dessus. Et en plus, ils se lancent très vite. Avec un double clic sur le bouton central que tu évoquais, bah, celui des empreintes digitales, il s'ouvre en 0,7 secondes seulement l'appareil photo. Donc c'est extrêmement rapide. C'est bien ça, oui. Vous pouvez voir des vidéos en ligne où on voit des gens l'utiliser. Les photos sont instantanées pour une fois. Il n'y a pas ce petit temps de mise à, pour faire le photofocus, etc. C'est tout de suite, quoi. Donc c'est très très performant. La batterie, on avait prévu entre 2600 et 2800 mAh. Finalement, c'est 2550. Alors ça parlera pas énorme. Hein. Ouais, ça parlera uniquement aux spécialistes, on va dire. Mais c'est pas énorme. Mais sur l'iPhone 6, par exemple, c'est 1810. Hein. Les iPhones sont réputés pour pas avoir une batterie. Voilà, donc là on est quand même largement au-dessus. Par contre, là, moi, ce qui m'a choqué, je trouve que, par exemple, les sites qu'on consulte habituellement pour nos news, The Verge, etc., n'en parlent pas trop, mais c'est que la nouvelle chose avec cette batterie sur le Samsung 6 et 6 Edge, c'est qu'elles ne sont, on peut plus les enlever. Elles sont collées. Ah, ça c'est pas bien ça. Ils font comme Apple. Pas bien Samsung. Ah ouais, là ça m'a été le gros mauvais point de la soirée hier soir, parce que ça veut dire que maintenant, bah, si votre batterie vous trouvez qu'elle faiblit, vous devez changer votre téléphone. Donc moi j'ai un Samsung et avant je rachetais juste une batterie quoi. Donc et ça remarchait bien. Donc ça c'est très dommage. Bon après gros point noir. Ouais, gros point noir. Ils ont quand même innové bien aussi par contre sur le chargement de cette fameuse batterie parce qu'ils ont proposé maintenant un système de chargement sans contact et aussi ils ont amélioré le rechargement pour qu'il soit beaucoup plus rapide, donc environ 1,5 fois plus rapide. C'est-à-dire que maintenant avec 10 minutes de charge, vous avez 4 heures d'autonomie ou 2 heures de possible pour 2 heures pour mater un film par exemple hein. Donc quand même c'est pas mal ça. Ouais, c'est assez rapide, 10 minutes seulement. Au niveau des autres choses à dire, je dirais qu'ils intègrent le NFC et le paiement magnétique, hein, puisque je vous ai fait qu'ils ont racheté Loupé. J'en avais parlé il y a 4-5 podcasts déjà. On était un petit peu en avance quand on l'avait annoncé pour le coup. Je suis assez fier de moi. Donc là, ils sont associés avec Mastercard et Visa. Mine de rien, je le dis en petite parenthèse, mais c'est un point, peut-être on en reviendra dans le futur. C'est très important puisque ça va être le concurrent d'Apple Pay, hein, là, concrètement, qui se lance. Voilà, Samsung va essayer de se positionner là-dessus. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? On avait vu dans le précédent podcast qu'Apple Pay était déjà utilisé par 2/3 des paiements sans contact aux États-Unis. Qui commence à faire des accords en Europe. Alors, ouais, ça devrait venir là au printemps, oui, voilà. En fait, apparemment. Ce téléphone, il est dispo le 10 avril. Les prix ne sont pas encore officiels. J'ai vu des mauvais prix, moi. Enfin, des prix très élevés, je veux dire. Alors voilà, les rumeurs, alors, je ne sais pas si elles sont confirmées à l'heure où je vous parle, mais on parle de 699 euros, pour le S6, donc pas Edge, le normal, au prix de départ, donc à 32 gigas, version la plus basse. Et version la plus basse pour le S6 Edge, donc celui qui est un peu plus beau, on va dire, 849 euros au départ. Il s'aligne sur iPhone, en fait. Et en fait, vous devez ajouter en gros 100 euros par tranche de giga ajoutée, quoi. Donc en gros, vous avez un 32 giga, vous payez 849 euros. Vous avez un 64 giga, vous payez 949 euros. Et vous voulez le 128 giga S6 Edge, bah, vous payez 1049 euros. Donc le prix d'un ordi, largement. Quoi. Voilà, concrètement, Samsung se repositionne en face d'Apple sur le segment luxe. C'est un peu d'ailleurs la conclusion moi, que j'avais eue en le voyant, en le découvrant. Je le trouve super beau, honnêtement. Et la presse est unanime. Hein. Là, j'ai cité TechCrunch, The Verge, etc. dans mes retours. Bon, voilà, la presse est unanime. C'est une très, très belle chose qu'on fait. Samsung, ils reviennent en force sur le secteur. Mais il y a aussi un peu ce sentiment quand même qu'ils innovent pas des masses. Le Edge, c'est beau, c'est intéressant, mais ils n'utilisent pas cette capacité des écrans courbés. On est plus dans une étape où ils suivent Apple qu'ils innovent, alors qu'avant, ils arrivaient quand même à dire bah, nous, on sort une tablette 10 pouces, par exemple, alors qu'Apple n'en a pas et Apple a dû suivre, etc. Là, c'est un peu plus une question de réaction, même si, alors, comme je le répète, hein, sur les caractéristiques techniques, ils mettent une grosse baffe à l'iPhone 6, là, pour le coup. Mais c'est vrai que Samsung avait déçu tellement avec le 5, ils nous avaient même dit pour le S6, vous verrez, vous ne serez pas déçus, on va innover, on va changer de direction, etc. Ouais. Finalement, en fait, ça reste assez classique. Ils sont restés sur une direction plutôt du luxe. Ils n'ont pas innové tant que ça. Ils se sont plutôt remis en place sur la position du luxe. La seule chose où moi j'ai eu une vraie surprise, c'est qu'ils ont annoncé un casque de réalité virtuelle compatible avec le S6 et le S6 Edge. Ils l'avaient fait. On avait parlé du casque. On pouvait mettre son téléphone Galaxy Note dedans et ça nous faisait un casque de Galaxy virtuel. Et bah là, il y en aura un qui va sortir. Et je trouve ça intéressant puisque, bah, comme je l'ai dit, la définition elle est quand même de 577. Pouces pixels par pouce, pardon. Donc avec un écran qui est hyper amélioré, normalement on devrait avoir beaucoup moins d'effets de gris. Ça peut être intéressant de regarder ce que donne ce téléphone en utilisation de réalité virtuelle, même si bon, la plupart des gens vont certainement pas l'utiliser à cet effet-là. Très bien. Voilà. Merci Grégoire. De rien. Moi je vais vous faire une petite news comme j'aime faire. Vous vous souvenez, le dernier podcast, je vous ai parlé par exemple des statistiques de l'application Moovit qui nous avait dit qu'on attendait le bus en moyenne 22 minutes par jour à Paris. Oui, tout à fait. Bah là, je vais refaire un peu la même blague, hein, mais parce que moi, ça m'amuse en fait ce genre de données. Je vais vous parler cette fois-ci des statistiques de Waze, Waze, de tomber. Waze, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un GPS social, tout simplement. C'est un GPS qui vous indique le trafic en temps réel, les points d'intérêt en temps réel, parce que tous ceux qui l'utilisent partagent leurs données. Donc c'est un GPS assez puissant. Et du coup, ils ont fait des statistiques sur l'année 2014. Ce qu'il en revient, en fait, pour les Parisiens, par exemple, détail amusant, c'est que les Parisiens qui ont utilisé l'appli Waze, en tout, cumulé, ont parcouru plus de 2,3 milliards de kilomètres. Bon, c'est pas très parlant. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils roulent à une moyenne de 37 km/h. Voilà. Bon, ok. C'est pas mal, moi, je trouve, dans Paris. Alors, le truc qui m'amuse, c'est que la pire journée de l'année dernière, à votre avis, c'était quoi ? En septembre, début septembre, un truc comme ça. Ouais, début septembre ? Non, en fait. Noël, non ? Ah, on se rapproche. En fait, c'était le vendredi d'Halloween. Ah bon ? Je ne sais pas pourquoi, le 31 octobre. Il fallait 89 minutes pour faire 28 km. Oh là là. Ça a été la pire journée de l'année. C'est des gens partent en vacances aussi, c'est une date de vacances. Peut-être que c'est lié à ça. Oui. Les vacances de. Ah, c'était un vendredi, t'as raison, c'était peut-être un long week-end en fait, je sais pas. Après, de manière globale, la pire journée de la semaine, c'est pas le vendredi comme on s'imagine. On se dit toujours que le vendredi c'est affreux parce que les gens partent en week-end. En fait, non, c'est le mercredi. Ah tiens. Les mercredis, il nous faut 3 minutes de plus pour faire le parcours habituel. Ce que les gens vont chercher leurs gosses. Ouais, non, mais c'est ça, les gens posent des RTT et s'occupent des déplacements. Salaud de gens. des sorties de leurs enfants. Les pires mercredis de l'année ont été le 4 juin, le 3 et le 10 décembre. Bon. Voilà, bah, c'est à cause de la nuit, du brouillard, de la pluie. Dès qu'il y a de la pluie, de toute façon, les Parisiens sont des brêles au volant. et la journée la plus calme de l'année, sans grosse surprise, c'est le 15 août. Il n'y avait que 72% des Wazers sur des gens qui utilisent Waze, sur la route. Donc, les gens roulaient en moyenne à 67 km/h dans Paris. Je ne ferai aucun commentaire. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que si on a une voiture à Paris, on la prend que le 15 août. Quoi. Voilà, il vaut mieux la prendre le 15 août. C'est tout. Oui, c'est ça. En gros, ça nous confirme juste. Non, ça nous apprend quand même que le mercredi est pire que le vendredi au final. Mm. Ça nous enlève ce cliché-là. Le reste, on n'apprend pas grand-chose, sauf qu'en fait, on roule pas très bien à Paris. Bon, merci Waze. Voilà. Mais je trouve amusant ces données cumulées. Moi, je trouve que ça met en perspective certaines choses qu'on s'imagine de d'autres. Voilà. Bon. Julien, tu voulais nous parler des métros? Oui, j'enchaîne avec ta news, ils vont encore parler de Paris, donc on va faire un peu de... Oui, un peu de parisianisme. Voilà, un peu de parisianisme. Moi, j'habite pas à Paris, hein, perso. Mais bon, oui, c'est moi non plus en plus, mais bon voilà. Tu joues sur les mots, Grégoire. Bon, je suis le seul alors, donc je vais parler pour moi. Non, mais t'es vraiment on est écouté partout dans le monde, ça fait un peu bizarre de faire une news sur, c'est vrai. C'est vrai. Sur Paris. Mais en fait, j'ai déjà fait part dans Upcast de mon attente pour l'arrivée de la 3G et de la 4G dans le métro parisien. Et plus généralement, dans ce qui est extérieur à Paris. Et en fait, j'ai vu que là, la RATP avait sorti une infographie pour le projet justement d'avancer de 3G et 4G dans le métro et avec des dates à l'appui. Donc en fait, on apprend qu'en 2017, la couverture devrait concerner l'ensemble du réseau. D'accord. Donc ça veut dire à un horizon de 2 ans, on aura la 3G et la 4G sur toutes les lignes du métro parisien et également les RER A et B. Cool. Donc les étapes, c'est que en fait, depuis 2014, la RATP a déployé la 3G et la 4G sur les lignes RER A et B et sur la ligne 1 du métro. Alors ça, je ne savais pas, moi, j'ai jamais. Moi, j'ai pas constaté ça. Mais bon, moi non plus. C'est pas là. En 2015, 75% des voyageurs auront accès à la 3G 4G sur l'ensemble du réseau. D'accord. Et pour 2016-2017, la RATP installera 3000 antennes supplémentaires pour que le service soit accessible dans toutes les gares et stations. Voilà, donc ça fait que donc 2017, gros, donc on peut retrouver cette petite d'accord. infographie où ils présentent un peu toutes les étapes, tout ce qu'ils ont fait avec des dates. Alors c'est des dates prévisionnelles, hein. 2017 ça se trouve ça va être 2018-2019, hein, mais voilà. Intéressant. Donc en fait c'est amusant parce qu'ils vont à la même vitesse que la SNCF dans toute la France, uniquement sur Paris. C'est-à-dire qu'en 2017 on sera relié. Cela dit, le réseau de parisien il est tellement dense que bon, c'est difficile. Oui, non, mais c'est parce que ça me fait amuser, c'est qu'ils font à la taille de Paris ce que la SNCF fait à la taille de la France. Cela dit, je vais dénoncer du geek, hein, puisque Stan et moi, je pense qu'on peut le dire, on choisit nos transports en commun en fonction du réseau qu'on peut avoir. Hein. Bon, voilà, c'est Stan vrai, et moi, on évite de prendre le métro pour préférer le tram, parce que dans le tram, il y a de la 3G. Et de la 4G, même. Donc peut-être ouais, ça va changer. Tu vas prendre le bus quand tu te dis, tiens, je veux consulter quelque chose. Oui, ça, tu veux regarder des news geek, c'est chiant quand t'es dans le métro. Non, parce que le Edge, c'est plus possible quand t'es dans le métro. Ah non, c'est pas possible. Pas, non, tu peux pas lire les news. Non, mais surtout, c'est le Edge, c'est antinomique avec le fait de prendre le métro parce que c'est des distances assez courtes où tu fais, je sais pas, 3-4 stations. Si t'es en Edge, bah, t'as même pas le temps d'ouvrir ta page que tu dois déjà descendre. Exactement. Donc, c'est exactement ça. Et dernière chose qui concerne encore Paris, hein, désolé pour ceux qui sont pas parisiens, puisque sur le premier semestre 2015, la ville de Paris a renouvelé ses abribus. Alors, je sais pas si vous les avez vus à Paris. Si. Donc, ils sont tout nouveaux, ils sont plus grands, plus modernes, ils ont un grand écran et ils ont également du Wi-Fi et du NFC pour certains. Et surtout, ils ont un port USB pour recharger son smartphone. Un seul port. Ouais, il y en a un seul. C'est les refs se battent, quoi. Ouais, ouais, c'est faut, ça. Il faut mettre une multiprise. Les gens qui font les abribus, ils n'imaginent pas qu'on peut être plusieurs à attendre le bus, quoi. Non. Donc voilà, je trouve que c'est assez drôle de dire, bah tiens, ah, mon smartphone est déchargé, je vais le recharger sur l'abribus. Bah, n'empêche, à l'époque où j'avais un iPhone, j'étais content qu'il y ait des recharges USB ou prise électrique dans toutes les gares. Hein. Ouais, j'étais obligé de m'arrêter à Montparnasse pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes pour recharger mon iPhone et continuer mon trajet. Donc je me dis, dans les abribus, ça peut être sympa. Ça peut être pas mal, ouais. Ouais, pour les possesseurs d'Apple, petit clin d'œil. Oh, ça troll, c'est gratuit. Allez, t'as fini pour cette news? Oui, tout à fait. Et bon, on va faire une dernière news avec toi, Grégoire. Oui, avec la Pebble. Pebble Time, ouais, c'est l'heure de la Pebble. Ça se prononce la Pebble Time, effectivement. Alors ça, c'est la Manus coup de cœur de la semaine. C'est vraiment le gros coup de cœur que j'ai eu entre ces deux podcasts. Alors Pebble, c'est l'entreprise qui avait, on va dire à l'époque, en 2012, lancé le Kickstarter le plus important de la plateforme de financement participatif. Ils avaient lancé Kickstarter un peu, ça avait été un peu l'événement, on en avait parlé dans les médias à ce moment-là. Ils avaient récolté 10 millions de dollars de fonds, c'était pour lancer leur première montre connectée, hein, la première voilà, vraiment smartwatch, on va dire, et qui avait la particularité d'être avec de l'encre, de l'e-ink, de l'e-paper. Et voilà, ça a été vraiment un peu même le lancement de la première Pebble, ça a été le premier grand coup de pied grand public finalement, ce qui a fait connaître au grand public tout ce qui était montre connectée, et là avec la particularité d'utiliser l'encre numérique. Et aujourd'hui, entre nos deux podcasts, Pebble est revenu, donc avec Pebble Time, qui est une nouvelle montre et qui a des caractéristiques qui m'ont vraiment, vraiment intéressé. Donc déjà, c'est un affichage toujours en e-paper, mais cette fois-ci couleur, avec de l'encre couleur. Donc c'est une technologie qu'on connaît assez peu finalement sur l'encre couleur pour l'instant, hein. Sur vos Kindle etc, c'est de l'encre noire, mais l'encre couleur c'est assez nouveau. Récent, ouais, c'est tout récent. Ouais, c'est tout récent, et ce qui est intéressant, ça parlera aux spécialistes de l'animation notamment, mais ça permet quand même de faire des animations à 30 frames par seconde. Ah bah, c'est suffisant. Donc c'est suffisant même pour afficher des petites vidéos, ou faire des petites choses comme ça, donc ouais, c'est très intéressant. Est-ce qu'elle est bien définie, tu sais ça, je te pose toutes les questions. Je ne sais pas exactement la définition, je sais juste qu'elle est pas terrible. Bah oui, en fait, les captures d'écran, les images que j'ai vues, ça me laissait dire que c'était un peu pixelisé, mais... C'est un peu pixelisé, c'est pas fait pour regarder des vidéos, hein, concrètement. Non, non, c'était même pas pour ça, mais même je trouvais que c'était encore un peu carré, quoi. Oui, oui, c'est encore... Un peu Game Boy, quoi. Exactement, c'est l'affichage Game Boy, à peu près. Voilà. Game Boy Color, pour ceux qui connaissent, ça ressemble à peu près à ça. Par contre, ce que ça permet, alors effectivement, l'affichage est peut-être pas aussi net que sur une Apple Watch ou etc., mais ce que ça permet d'avoir un écran e-paper couleur, bah, c'est une batterie qui va durer jusqu'à 7 jours sans aucune recharge. C'est bien. Et surtout avec votre montre tout le temps allumée, avec l'écran toujours visible et en utilisation constante. Donc ça change juste tout. Vous n'avez pas besoin de faire un mouvement pour réveiller, pour regarder l'heure qu'il est, etc. Elle sera tout le temps allumée. Ils ont ajouté aussi un microphone, hein, pour prendre des notes orales, voilà, pour répondre à des messages par la voix, pourquoi pas. Par contre, ce qui était intéressant, et c'est un peu globalement tout ce qui se passe avec Pebble que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont fait le choix, par exemple, que la montre ne serait pas commandable, on ne peut pas la commander avec la voix. Parce qu'ils ont dit tout simplement, on aurait pu, mais ça prend de la batterie de faire ça. Oui. Et surtout, personne ne le fait, en fait. Quand les gens ont le choix de faire des contrôles avec leur téléphone, avec leur voix, ils ne le font pas, donc on a dit de ne pas le faire. Elle résiste à l'eau, donc on peut aller dans l'eau avec. Et puis, alors l'écran n'est pas tactile, et c'est aussi un choix. Donc moi, je le mets pas en défaut, je le mets en qualité pour le coup. Ils ont trois boutons sur le côté qui vous permettent de naviguer. Et en fait, bah, encore une fois, c'est un choix pour l'importance de la consommation, hein, puisque les écrans tactiles consomment énormément. Et en plus, il y a aussi une question de choix design dans ce choix-là, à savoir que c'est pour faire sentir à l'utilisateur qu'il a bien confirmé son choix en cliquant sur son bouton, non pas juste en effleurant un écran, puisque bah, concrètement, quand vous êtes sous la pluie, quand vous êtes en train de courir, quand vous êtes en train de... Voilà, c'était le défaut du bracelet Microsoft, justement, qui marchait plus dès qu'il y avait des gouttes exactement. Dessus. Exactement, et c'est vrai que parfois, quand vous êtes avec votre téléphone, il pleut un peu, bah, ça y est, vos doigts glissent sur l'écran, il ne comprend plus ce qui se passe et c'est fini. Et bah, ils veulent éviter ça, et du coup, ils sont passés par un système qui résiste à la pluie, et de système de boutons qui permettra de confirmer ses choix. L'autre grand changement qui m'a enthousiasmé sur ce projet Pebble Time, c'est le logiciel qu'ils vont utiliser, on va dire la façon dont ça va fonctionner plutôt. Donc Pebble, ils avaient déjà des applications, hein, ça fonctionnait par application, il y a déjà 6500 qui sont créés sur l'ancienne montre et qui seront compatibles. Non, là, ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils ont retravaillé le logiciel pour la présentation des informations. Donc, ils ont un système qui est appelé la timeline. Et en gros, maintenant, les informations se présentent sous forme de timeline. Hein, concrètement, votre montre vous informe des choses qui vont arriver dans l'ordre dans lequel elles vont arriver, qu'importe la source, entre guillemets, de l'application. Donc, toutes les applications vont se voir un peu fusionner dans un système de timeline et tout va s'afficher en fonction de la prochaine qui arrive, etc. Donc, en fait, ça paraît anodin. On se dit, bah oui, ok, normal. Mais c'est quand même un changement total de modèle. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur un modèle centré sur les applications qui peut faire sens, par exemple, sur les smartphones où vous ouvrez une application, vous fermez une application, vous ouvrez une autre application. Mais là, c'est un modèle centré sur l'information et sur le temps d'arrivée de l'information. Ça veut dire qu'à terme, et même ils le le disent déjà dans la vidéo d'introduction, vous n'aurez même peut-être pas besoin d'installer des applications sur votre Apple, sur votre Pebble Watch, puisque là, en gros, ils ont ouvert un système d'API web qui ouvre l'accès à la chronologie aux développeurs. Et en gros, les développeurs peuvent vous envoyer les informations en brut comme ça, sans que vous ayez besoin d'assister leur système de notif en temps réel. Exactement. Mais et puis compatible avec toutes les applications installées d'un coup. Donc ça, c'est assez génial. Voilà, c'est un peu un assistant personnel qui va vous dire qu'est-ce qui arrive pour vous à ce moment-là. En plus, la montre, elle est cross-platform, hein, donc elle marche avec Android et elle marche avec les systèmes Apple. Bon, bien sûr, vous avez toujours besoin d'avoir votre téléphone à côté de vous pour qu'elle marche, hein, nous soyons réalistes quand même. Je vais quand même noter quelques points faibles, hein, tu l'as dit, la définition de l'écran n'est pas exceptionnelle. Le design, il n'est pas franchement marquant. Un peu le monde des années 80, un peu carré, quoi. Ouais, voilà, c'est pas marquant dans le négatif ni dans le positif, mais voilà, il n'y a que 64 couleurs sur l'écran pour l'instant. Bon, c'est une nouvelle technologie, oui. Mais ça suffit déjà à afficher pas mal de choses. C'est pas une montre qui est non plus dédiée à suivre les activités physiques entièrement. Hein. Il y a un capteur de pas, mais elle fera pas tout ce que peut faire une Apple Watch ou tout ce que peut faire un bracelet de suivi sportif, voilà, avec tous les capteurs dans tous les sens. Par contre, le gros avantage de cette Pebble Time, c'est qu'elle va sortir en cette année, là, en mai-avril, elle va sortir en mai, pardon, pour un prix de $199. Qu'on est pas cher. Très très loin des prix des Apple Watch. Et d'ailleurs, pour la vente, ils se sont retournés vers Kickstarter pour la vendre. Bon, déjà, c'était sûrement parce qu'ils ont besoin. C'est une toute petite entreprise, hein, Pebble, donc ils ont besoin d'avoir leurs fonds avant de lancer les choses, puis d'avoir une meilleure marge, hein, surtout via Kickstarter, que de le vendre chez Carrefour ou autre. Et là, ce qui est la bonne nouvelle, enfin, moi j'ai trouvé, c'était que je me suis vraiment emballé quand j'ai vu leur projet, et j'étais pas le seul, en fait. Hein, il y a eu un succès immédiat. C'est-à-dire qu'ils demandaient 500 000 $ pardon, de financement. Ils les ont obtenus en 15 minutes. Ouais. Voilà. Et en 12 heures, ils étaient déjà arrivés à plus de $7 millions. Donc ils sont pas loin de battre des nouveaux records, hein, sur Kickstarter. Bon, bien sûr, c'est aussi intéressant, cette news, elle m'a aussi intéressé, parce que c'est vrai qu'on sera proche de l'événement de Apple qui va annoncer l'Apple Watch officiellement, qui va peut-être voler le marché, on ne sait pas. Franchement, c'est une vraie question. J'ai l'impression que les gens l'attendent pas plus que ça. Eux, concrètement, donc le PDG s'appelle Mijikovski, voilà. Il dit qu'il craint Apple, hein, mais que quand même, il représente aujourd'hui le leader des smartwatches. Hein. Ils en ont vendu plus d'un million de leur ancienne Pebble. Ah ouais, c'est bien. Donc c'est plutôt pas mal. Là, ils disent, bon bah voilà, Apple, c'est la plus grande société dans le monde, ça serait fou de penser qu'ils vont pas faire une entrée fracassante sur notre marché. Mais nous, on a eu les utilisateurs pendant plus de 2 ans, on a une très bonne compréhension du marché, et on sait ce que les gens veulent faire sur leur montre. Et j'avoue que leur discours, il m'a vraiment parlé. Moi, par exemple, l'Apple Watch, ça ne m'intéressait pas du tout, du tout. J'en avais juste rien à faire, et je trouvais ça ridicule. Et la Pebble, en la découvrant sur Internet, bah, je l'ai acheté. Moi, je l'ai précommandé sur Kickstarter. Carrément, toi. Ouais, j'ai. Allez, 200 euros. Je l'ai eu en prix encore access, early access, parce que j'étais un des premiers à la commander. Donc, je l'ai eu à 159 €. 159 $ même, donc encore moins cher. Et du coup, c'est vrai qu'elle est prometteuse. Et c'est vraiment, je trouve qu'il y a des vrais partis pris. Ils se sont dit, on va pas faire un téléphone pour le mettre sur une montre, comme on peut un peu ressembler. Dire ça avec l'Apple Watch, tu vois, on ressent un peu ça avec l'Apple Watch. Là, non, ils se sont dit, on va réfléchir à ce que c'est qu'une montre, on va réfléchir à ce que les gens ont besoin de faire avec cette montre, sachant qu'ils ont quand même leur smartphone dans la poche, et on va du coup faire, entre guillemets, le maximum pour garantir qu'ils puissent faire ça, mais en ayant aussi besoin d'avoir une longue batterie, par exemple, pour pouvoir consulter leur montre sans la recharger toutes les 2 heures. Est-ce que tu sais, c'est une cité quoi, Pebble ? Américaine. Américaine, d'accord. Ouais, ils sont basés à San Francisco. Bah, du coup, tu nous amuseras à nous faire suivre l'histoire quand tu recevras ta Pebble. Bah ouais, normalement, en mai, je la reçois si tout se passe bien. J'ai déjà des infos aussi, early access, on va dire, quand on pledge sur Kickstarter. Bah, tu nous feras un condensé de tout ça fin mai ou début juin. Ça marche, ça marche. Ouais, on te demandera l'heure quand on aura nos Apple Watch déchargés. Voilà, c'est bien. Salut les pigeons. Bon, allez, maintenant, on va enchaîner tout de suite avec les news divertissement. Retour sur la news, dans la partie, pardon, news divertissement. Nous allons commencer par une news un peu commune, on va dire. On voudrait revenir sur le phénomène 50 nuances de Grey. Alors, je ne sais pas ce qui nous a pris en choisissant Alors, ce sujet. Alors, d'après les pubs, c'est le film le plus important de l'année, le plus grand film de l'année. Oui, bah sûrement. Déjà, je reprécise peut-être que, bon, pour ceux qui ne le savent pas encore, ceux qui vivent dans des grottes, voilà, que ça retrace la relation sadomasochiste entre une jeune diplômée en littérature, Anastasia Steele, et un homme d'affaires, Christian Grey. C'est tout ce que je dirais sur le film, quasiment, en fait. Hein. Tout est dit. Merci. Je crois donc que tout est dit. Voilà, c'était la news plus. C'était la news. Voilà, bon. Un peu de constat déjà, peut-être, sur les chiffres. Le 50 nuances de Grey, avec la Saint-Valentin, ça a fonctionné à plein régime. On pouvait s'y attendre un petit peu. On est un peu dans le soft porn, donc c'est pas mal pour la Saint-Valentin. Ça a fait un impressionnant carton aux États-Unis. États-Unis et dans le monde. Hein, le film a engrangé 81,6 millions de dollars aux États-Unis et plus de 240 millions de dollars dans le monde, réalisant le meilleur démarrage pour un film interdit aux mineurs non accompagnés, donc rated R aux États-Unis. Je signale quand même qu'en France, c'est quand même 12 millions de dollars hein, pour le week-end du démarrage. Ouais. Donc, voilà, on a beau se dire ah, les Français ne vont pas voir ce genre de truc. Eh bien, si, ils y vont en masse. Et donc, ce qui est intéressant pour le 50 nuances degrés, c'est qu'ils ont réussi leur pari bah, justement de rembourser largement le budget de 40 millions de dollars juste en deux jours. Donc ça, c'est intéressant pour eux. Voilà, donc c'est quasiment garanti maintenant qu'on aura une suite. Je signalerai au niveau des petites anecdotes que c'est quand même le démarrage, le second plus gros démarrage de l'histoire au mois de février pour un film derrière La Passion du Christ de Mel Gibson. Voilà, donc Passion du Christ. Je trouve que ça va bien ensemble. Hein. Ouais. Mais c'est vrai, comme quoi la violence sur une autre personne, ça fonctionne au cinéma. Hein. On saura quoi faire. Si on réalise un film un jour, c'est parti. C'est le plus gros démarrage sur un week-end pour un film dirigé par une femme. Et par contre, c'est aussi le film qui a enregistré la plus sévère baisse en deuxième semaine depuis le dernier volet d'Harry Potter, à savoir qu'il est passé de 85 millions de dollars en un week-end à 24 millions de dollars, oui. Donc 72%. Les gens ont communiqué entre eux, ils se sont dit qualité du voilà, film. Ils y sont pour aller pour la Saint-Valentin, les 2-3 jours après, et puis après c'était terminé en gros. Hein, donc, voilà. Ouais, et d'ailleurs, moi je disais que c'était jamais ils avaient vu une chute aussi radicale depuis Vendredi 13 en 2009, ah ouais qui avait chuté de 80%. Et, bah ouais, ouais, et pourtant le nombre de salles n'a pas changé. Hein. Ouais. Ah oui, ouais, bah c'est ça le problème, quoi. Alors, il faut savoir que ça, c'est un truc que j'ai pas noté dans mes notes, mais en fait, les bénéfices, ça marche pas comme ici aux États-Unis, c'est-à-dire que les distributeurs touchent un pourcentage sur les bénéfices plus élevé le week-end de la sortie que les autres week-ends. D'accord. Donc, pour eux, ils ont tout intérêt à rentabiliser le film le plus vite possible et qu'il fasse le plus gros entrée possible. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec 50 nuances degrés. Pour les distributeurs, c'est parfait, ça. Hein. C'est le genre d'opération commerciale qu'il leur faut exactement, quoi. Et en France, ça a chuté aussi pareillement ou... En France, j'ai pas les données. Je sais juste que c'est une diminution aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, ils suivent vraiment les chiffres et puis ils les donnent. Enfin, c'est même un vecteur de communication là-haut. Ils disent, ouais, aujourd'hui, nous, on a fait 72 millions d'entrées, enfin, de dollars plutôt, parce qu'ils parlent en dollars. En France, on communique moins là-dessus, donc j'ai pas les chiffres. Je sais qu'il a été en pole position des entrées pendant la première semaine. Ouais. J'ai été détrôné, il me semble, la deuxième semaine. Je sais peut-être des bêtises. Aux États-Unis, je sais qu'il a été détrôné par Focus, le film avec Will Smith. J'en avais parlé il y a très longtemps. Non, c'est American Sniper, je crois qu'il l'a détrôné. Ah oui, ça fait un très bon résultat en France. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de billets qui avaient été prévendus avant la sortie du film. Ah ouais. Ouais. Donc c'est un film qui marche surtout. Comme voilà, moi, ça m'étonne pas que ça chute autant d'une semaine à l'autre. Quoi. C'est un film qui fait un carton, mais qui a pas forcément un bouche à oreille très très bon. Pas forcément sur la qualité du film, mais c'est le truc que t'as envie de voir dès que ça sort. Mmh. Et puis après c'est pas un film qui a une durée de vie au cinéma qui est importante et qui non. Voilà, c'est un peu éphémère. Il y a aussi tous les lecteurs, lectrices qui ont dû, je pense, avoir envie de le voir pour savoir si c'était bien retranscrit leur livre entre guillemets au cinéma, quoi. Et puis t'as quand même le sentiment de curiosité du truc un peu un peu hot, ça marche toujours, quoi. Il y a un gros buzz autour, donc tu te dis bah tiens, s'il y a un film, je vais aller voir, qu'est-ce que je vais voir comme film, avec ta petite polémique en France ça avait été interdit seulement aux moins de 12 ans, aux États-Unis ils étaient complètement choqués par ça d'ailleurs. Sur les interdictions, en fait j'avais vu qu'aux États-Unis, non, au Royaume-Uni, en Brésil, c'est interdit aux moins de 18 ans, donc c'est comme du pornographique. D'accord. Aux États-Unis, comme tu as dit, c'est 17 ans non accompagné. Québec, Pays-Bas, c'est 16 ans. Suède, c'est moins de 15 ans. Et c'est carrément interdit dans les cinémas en Malaisie. Bon, ça, c'est autre chose. Ouais, ouais. En France, ce qui m'a fait marrer, c'est que le président du CNC a déclaré « C'est vraiment une romance, on pourrait presque dire une bluette. » Il a dit « Allez, moins de 12 ans, quoi. » Voilà. Oui, c'est drôle. C'est la mentalité française, je trouve que ça me fait marrer. Bah, c'est ce qu'ils ont dit aux États-Unis aussi. Ils ont dit « C'est tellement français, quoi, de ne pas l'interdire à moi plus que ça. » Parce qu'ils étaient choqués, eux, apparemment. Alors, moi, je ne l'ai pas vu. Julien, tu ne l'as pas vu. Stoine, toi, tu l'as vu. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. On voit des poils plus bien, quoi. Voilà. Et puis, 2-3 petites fessées. Attention, parce que si les seins. On voit des seins ou pas ? Oui. Voilà, si tu vois des seins aux États-Unis, des seins de filles, hein, je précise, c'est extrêmement choquant. Ça passe pas aux États-Unis. Hein, ah bah oui, mais nous en France, on s'en fout. C'est que Facebook, par exemple, voilà, dès que tu mets une photo de seins, ça y est, c'est fini, ton compte est bloqué pour la vie. Donc voilà. Donc en tout cas, moi, je sais pas si vous vouliez en rajouter là-dessus, mais ce qui m'intéressait aussi, c'était le débat de société que ça a un peu généré outre-Atlantique, surtout parce qu'il y a un phénomène que j'ai découvert un peu en lisant les news sur 50 nuances degrés que je connaissais pas. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui ont défendu, qui ont vraiment une prise de position par rapport à ce film-là qui m'a très étonné. Alors je parlerai par exemple de Sarah Seltzer sur Flavor Wire, qui a défendu le film en disant, je cite en gros l'article, hein, je reprends l'esprit de son article, que c'était un film qui, comme Twilight ou Sex in the City, permet permettait aux femmes de vivre une expérience collective, ce qui était un événement trop rare pour les femmes aux États-Unis. Hein. Elle dit, par exemple, pour les hommes, on a le... Alors, elle est peut-être un petit peu misogyne en disant ça, enfin, je sais pas comment on dit, mais elle est peut-être un peu sexiste en disant ça, mais elle dit, ouais, eux, ils ont les comic books, ils ont les films de potes, ils ont les films de guerre, et nous, on a rien, en gros. Bon, c'est un peu simpliste ce qu'elle dit, mais là où elle dit, c'est... Elle défend pas, en fait, le film. Elle dit pas, le film est bon, etc. Elle ne défend pas non plus la vision de la femme qu'il y a dans ce film, mais elle dit juste l'expérience d'un film n'est jamais envisagée aux États-Unis comme étant voilà, une expérience destinée à des femmes. Le public féminin n'est pas un public apparemment cible aux États-Unis. Bon. Et les comédies romantiques, j'ai envie de dire. Bah, alors, je ne sais pas si on peut considérer les comédies romantiques exclusivement pour ça. Ce que je veux dire, c'est que, bah, en fait, par exemple, au moment où il y a eu le succès de 50 nuances degrés aux États-Unis, il y a eu énormément de réactions, de tweets notamment assez cyniques. En fait, justement, des grands responsables des médias américains qui sont étonnés en fait du résultat du film. Ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe c'est quoi ce film qui marche est-ce qu'on doit s'inquiéter que ça marche un film pareil etc. Et en fait, c'est ça qui a notamment justifié que Sarah Seltzer écrive un article sur Flavor Wire. Alors c'est pas la seule. Hein. Un des sites qu'on suit tous quand on parle de la partie techno, c'est The Verge. Et il y a Emily Yoshida sur The Verge qui a dit aussi en réaction à tous ces tweets. Elle a rappelé quand même aux lecteurs internationaux que nous sommes qu'aux États-Unis on est très réactionnaire dans l'industrie et que Hollywood a apparemment beaucoup de mal à croire que les femmes vont au cinéma et qu'elles sont des cibles marketing comme les autres. Elle avait dit par exemple que voilà, entraînant un peu dans ce secteur d'Hollywood et dans tout ce qui se dit à Hollywood, que quand il y avait eu The Hit, un film en 2013 qui était avec Sandra Bullock et Melissa McCarthy, qui avait entre guillemets fait plus de bénéfices, qui avait mieux marché que White House Down avec Channing Tatum. Je l'ai placé. ils n'avaient pas cru, en fait. Ils y croyaient pas, les gens, les analystes, etc. Personne n'y croyait, Hollywood. Et donc, elle, Emily Yoshida, en fait, elle allait un peu dans le même sens. Là-bas, aux États-Unis, il y a un vrai défense qui s'est mis en place sur ce film de 50 nuances degrés en disant, bah regardez, c'est tellement rare qu'on ait des expériences qui soient destinées à des femmes, que le public considéré soit des femmes, qu'on est content de l'avoir ce film, même si c'est raté. Voilà, après dans leurs notes etc, elles disaient que c'était pas forcément un bon film et qu'ils espéraient avoir des héroïnes un peu plus charismatiques et voilà. Tu m'étonnes. Mais le film avec Channing Tatum, t'es pas terrible non plus. Voilà, bon. Mais en tout cas, vraiment, chacun ses merdes. Hein, oui, voilà. Moi, j'ai vraiment découvert cet aspect-là du débat aux États-Unis. Je savais pas du tout qu'il y avait ce petit problème, on va dire, ce petit complexe dans la société apparemment d'Hollywood, dans l'univers d'Hollywood, à considérer vraiment les femmes, on va dire, comme un public cible et qui serait intéressant économiquement. Donc moi, ça m'a intéressé. Je ne sais pas si là-dessus, vous aviez vu des choses. Bon, c'est vrai que les réactions ne sont pas vraiment pareilles en France. Hein, quand même. Non, mais c'est surtout que sur 50 nuances degrés, ça commence même à la sortie du livre. Hein. C'est-à-dire c'est un livre, voilà, on peut en penser ce qu'on veut dans la qualité, et pareil pour le film. Moi, j'avais lu même à l'époque de la sortie du livre, beaucoup de témoignages de femmes qui disaient que la lecture de ce livre, ça avait changé leur vie sexuelle, donc leur vie même en particulier, et que voilà, c'était finalement pour eux, pour elles, c'était devenu plus qu'un livre. Là, tu parlais d'expérience collective, mais c'est aussi une expérience individuelle pour plein de femmes qui ont lu ce livre. Et alors c'est vrai qu'on l'a souvent catalogué à un livre pour ménagères américaines. Donc vraiment le livre qui pour les desperate housewives, voilà, qui s'ennuient un peu, ou même la middle class américaine. Mais voilà, ça peut être aussi un livre qui a une influence. C'est d'ailleurs, je crois que l'auteur du bouquin, L.L. James, s'en félicitait, était très surpris que ça suscite finalement autant de réactions et de réactions sur la libido des femmes. Quoi. Donc, ouais. D'ailleurs, son auteur a même été classé parmi les 100 personnes les plus influentes en 2012. Ouais. Incroyable. Mais elle veut pas laisser son bébé, hein, parce qu'elle veut maintenant, elle veut même reprendre les rênes, on va dire, sur l'épisode 2. En fait, il y a 3 volumes dans 50 nuances. Il y a 3 volumes. Voilà. Apparemment, le premier, c'est que le volume 1 qui a été adapté. Alors, je sais pas pourquoi. Apparemment, il y a eu pas mal de conflits avec le studio au moment de la réalisation du premier volume. Donc voilà, du film du premier volume. Elle était pas très contente de ce qui s'était fait. Je sais pas si elle trouvait que c'était pas terrible ou pas, comme toi, Stan, qui a pas trop aimé le film. Puis visiblement, comme les autres spectateurs, parce que la chute, elle est quand même assez spectaculaire de la fréquentation. Non, même en dehors de l'histoire, la réalisation est catastrophique. Ça... Je vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est quand même lamentable. Là, elle voudrait, elle, revenir au scénario, en fait. Mais elle veut aussi D'accord. que la réalisatrice change, etc. Parce que c'était une réalisatrice, hein, comme je l'ai dit. Bon, c'est vrai qu'en France, on l'a dit, les accueils critiques sont pas exceptionnels. C'est marrant, il y a même une tribune, peut-être que je vous inviterai à aller lire, sur rue 89, de Eddie Chevalier, hein, qui est un professeur agrégé d'anglais, de docteur en civilisation américaine. Et voilà, qui juge le film avec des arguments assez intéressants, racistes, ultralibérales et misogynes. Bon, c'est un peu notre point de vue qu'aux États-Unis, j'ai l'impression. Peut-être, moi, je terminerai ce que j'ai noté, on va dire, sur le film, personnellement, en citant peut-être une industrie qui, justement, a l'habitude de conclure, hein, puisque je vais citer Pornhub, qui rappelle que, justement, les films ont souvent des conséquences dans la vie réelle. Hein. Alors eux, ils disent de manière assez drôle qu'après la sortie du film Sideways, le Pinot Noir a connu un pic de 16% des ventes, que la chasse aux cerfs a diminué de près de la moitié pendant quelques années après Bambi, et dans la même veine, la récente libération de l'adaptation de la cinématographique de 50 Shades of Grey a secoué les choses chez Pornhub. Plus précisément, les gens font des recherches plus inhabituels dans leurs préférences pornographiques, et ils ont donc sorti des données, et apparemment, par exemple, les catégories soumission, BDSM, dominé et flagellation étaient toutes des mots-clés beaucoup plus populaires, avec une augmentation quand même de 55 à 40% du trafic de recherche après la sortie du film. Les coquines. Et cela sur les deux sexes en plus, hein, parce qu'ils peuvent faire les statistiques par sexe. Voilà, donc il y a eu des conséquences dans la vraie vie sur des pratiques. Ouais, moi d'ailleurs j'ai relevé des petites anecdotes qui tiennent pas finalement aux recherches internet, mais des petits incidents comme ça que les pompiers ou la police ont relevé. D'ailleurs, j'ai vu le 16 février, il y a une femme qui s'est présentée aux urgences de Fougères en Ille-et-Vilaine avec une menotte coincée au poignet. Donc là, la police du département s'en était amusée sur de l'incident sur Twitter. Sympa pour la femme qui Madame s'est pointée. X et alors, dans truc, la photo, ce qui a été très très relayé par la presse, c'est une femme qui au Mexique s'est laissée aller à des plaisirs personnels pendant la projection du film. Alors ça, on doit le voir assez souvent. C'est vrai qu'à une époque, c'était réservé à des films ou des peep shows ou ce genre de choses, mais voilà. Il y a eu aussi, alors j'avais lu parce qu'il y avait aussi à l'époque de la sortie du livre, je crois que c'était la police ou les pompiers avaient relevé beaucoup d'incidents qui avaient augmenté depuis la sortie du livre. C'est notamment le chef des pompiers de Londres avait rapporté la hausse des incidents impliquant des menottes. Pareil pour les accidents de sextoy qui avaient également augmenté. Et ils avaient même fait un graphique sur leur site où ils montraient en fait depuis la sortie du livre le nombre d'incidents qu'ils estimaient causés par la sortie du livre, avec un graphique comme ça qui montrait tous les incidents à caractère sexuel sur lesquels ils avaient dû intervenir. Vous voyez une courbe vraiment ascendante depuis la sortie du livre. Et ils ont d'ailleurs publié, je crois, c'était le site officiel des pompiers de Londres, je crois, qui avait publié une espèce de texte qui s'appelait 50 nuances de rouge. C'était en fait un recueil de conseils pour éviter aux londoniens de se mettre en danger. Donc tu avais par exemple garder toujours les clés des menottes à proximité, et les doigts et les appareils électriques ne se mélange pas. C'est bon ça. C'est quand même la police qui te donne des instructions pour faire du BDSM, c'est quand même pas mal. Bah ouais. Et dernièrement, t'avais aussi on en a aussi pas mal parlé, cet étudiant de Chicago qui a été inculpé pour agression sexuelle parce qu'il avait voulu reprendre, en fait, imiter des scènes du film avec une ex à lui. Voilà, donc. Très bonne idée. Je passe les détails, vous pourrez retrouver tous les détails, apparemment que le procès du Carlton, voilà, on a un peu tous les détails. En même temps, comme le film va pas très loin, je sais pas pourquoi il a été inculqué, mais bon. Ah ouais, tu sais. Je sais pas, alors je peux te dire, hein. Alors, si tu veux vraiment savoir, je veux que ta curiosité te pousse à vouloir. Il lui a mis une fessée, oh mon dieu. Non, il avait attaché ses mains et ses jambes avec des ceintures, hein, fourré une cravate dans sa bouche, ouais, et enfoncé un bonnet sur ses yeux avant de la frapper à plusieurs reprises avec une ceinture puis ses poings. Non, mais là, il n'était pas consentant. Non, voilà. C'était son ex. Dans ce cas-là, c'est la jeune fille lui a dit avoir mal et lui a demandé d'arrêter, mais l'étudiant a continué à la frapper, l'agression sexuellement. Donc là, on est évidemment condamnable. Là, c'est un viol. Voilà, ça s'appelle un viol. Dans ces cas-là, c'est condamnable et c'est normal. Mais ce qui est amusant, c'est aussi la façon. Moi, ce qui me désole dans ce film, à part que ça soit une réalisation catastrophique, c'est le message qu'il véhicule, en fait. Et il y avait une sexologue française, en fait, qui a juste dit que elle était surprise du succès parce qu'il y avait un contraste saisissant entre la femme sexuellement proactive au désir assumé d'aujourd'hui, tel qu'on la connaît aujourd'hui, et les ressorts érotiques de 50 nuances. Bah, clairement, on dirait un peu le papa. Enfin voilà quoi, c'est un peu le papa. En fait, elle dit. Déjà dans 50 nuances degrés, c'est la femme vierge qui réclame d'être initiée par l'homme qui a tous les symboles de la virilité, c'est-à-dire l'argent, le pouvoir, le corps athlétique, la grosse voiture, l'assurance, l'arrogance, qui maîtrise l'art sexuel. Voilà, elle dit c'est ça qui est bizarre. Et en fait, elle dit 50 nuances degrés, c'est un peu comme le prince charmant qui réveille à l'amour avec le baiser dans Blanche-Neige, quoi. C'est ce prince charmant qui réveille à l'amour et à la sexualité, sauf qu'il y a la SM en plus. Mais voilà. C'est pas faux, ouais. Donc elle dit ce qui est consternant un peu avec ce film-là, c'est que les femmes se retrouvent là-dedans parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais malheureusement, c'est un film qui nous fait revenir 50 ans en arrière au niveau de la féminité. C'est ça, moi, que je retiens de la chose. Voilà. C'est bien dit. Ouais, c'est d'ailleurs, moi, j'ai lu des témoignages de féministes. Je crois que c'était sur le Nouvel Obs. Hein. Il y a des articles qui sont publiés dans le Nouvel Obs Plus. Et justement, il y avait je crois que c'était un groupe de trois féministes qui disaient que, voilà, eux, ils disaient, nous, on veut pas. Enfin, on est contre le fait que ça soit présenté comme une romance. Ce qui est un peu le cas, c'est vrai, tout à l'heure, tu dis une bluette, voilà, quelque chose comme ça d'un peu innocent. Elle, en fait, elle disait voilà, que ce n'était pas une histoire d'amour passionnel, c'est vraiment, on y montre une sexualité abusive où Christian, donc le personnage principal, profite de son statut de dominant. Donc elle disait, il ne s'agit pas d'amour ou de sexualité égalitaire, mais bien d'emprise psychologique et physique, de tentative de déshumanisation et de dégradation. Bon, là, on peut penser aussi qu'elles vont peut-être un peu loin, voilà, de négation de l'autre en tant qu'être humain autonome. Et elle disait justement, elle faisait une comparaison entre Fifty Shades of Grey et les productions pornographiques, où on entretenait volontairement la confusion entre désir et contrainte, entre plaisir et souffrance, et entre consentement et viol. Voilà, faire croire en fait aux femmes qu'être dominées, contraintes, violentées et leurs désirs profonds. Voilà, voilà, on est dans une rhétorique féministe. Après, chacun en pense ce qu'il veut. Ça va peut-être parfois un peu loin. Voilà, là, moi, j'ai pas vu le film, donc je sais pas si c'est un jeu sexuel consenti, consentant, si ça, voilà. Il y a parfois, oui, il y a des limites qui sont ténues entre les individus. Et, Bon, clairement, ça donne pas l'image d'une femme non plus. Effectivement, je peux comprendre entre guillemets le débat féministe parce que ça donne pas l'image d'une femme très très combattante. Concrètement, l'héroïne, tu me l'avais dit, Stan, quand t'étais sortie du film, c'est quand même un peu une grosse cruche, quoi. Voilà, non, c'est dans l'image que j'ai eue, mais encore une fois, c'est le volume 1, donc c'est le film 1, et j'espère vraiment qu'elle va s'affirmer dans la. Mais alors, est-ce qu'il y aura vraiment une suite? Parce que cette si, ça va être en production, mais production, oui. Ils sont rentrés dans leur argent, comme je l'ai dit, hein, mais la chute est tellement monstrueuse en termes de. Voilà, les gens, ils n'auront plus envie d'y aller, ils ne vont pas se faire avoir, entre guillemets, une deuxième fois, quoi. Je sais pas. Mais oh, pourquoi non, moi, j'avais compris que oui, hein, personnellement, qu'il y avait une suite sûre. Ok. Bon, on va tourner la page de ce fameux livre 50 nuances de gris. On va passer à Julien. Julien, si je te dis die, die, die. Oui, je vais vous parler encore une fois d'une petite série pas très connue, c'est Game of Thrones. Ah, tiens, ça faisait longtemps. Bah oui, oui, oui. En fait, c'est un peu. Ah bah, vous savez, un des leitmotivs de Game of Thrones, c'est de faire mourir ses personnages. Pour le plus grand plaisir ou le plus grand désespoir des fans, hein. C'est vrai que quand on aime bien un personnage. Ah ouais, je suis quand même content. Même si je l'aime bien, je suis content qu'il meure. C'est osé. Après, moi, j'ai failli décrocher à un moment. Oh. Je dis pas quand. Non, tu dis rien. Mais bon. C'est vrai que c'est un ressort de suspense quelque part. Tu te dis finalement, il n'y a aucun personnage qui peut être protégé. Ouais, mais c'est ça. C'est la seule série où quand tu regardes. C'est le culot de la série, je le reconnais. Voilà, c'est la seule série quand tu la regardes, même s'il y a un groupe de personnages principaux à l'écran. D'habitude, tu te dis, bon, la personne va mourir parce qu'ils sont tous là. Là, tu peux pas te dire ça. Parce que ouais, t'en sais rien, en fait. C'est la seule. Oui, il y a des épisodes où tu t'es dit, jamais tu t'attends à ça. Non. Bon, après, c'est vrai que si ça devient systématique, tu peux rentrer dans une sorte de lassitude de l'effet. Et finalement, une fois que t'acceptes le principe, c'est vrai que tu t'attaches plus vraiment au personnage. C'est le problème. Oui, c'est-à-dire que tu vas te dire, je vais pas m'y attacher parce qu'il pourrait peut-être crever dans deux épisodes. Comme une merde, en plus. Et donc, en fait, une simple phrase de George R.R. Martin, donc l'auteur de Game of Thrones, a un peu enflammé le web ces deux dernières semaines. Puisqu'il a dit cette phrase « People are going to die who don't die in the books ». Donc voilà, je vais vous la traduire. Donc en gros, voilà, des personnages qui ne meurent pas dans les livres vont mourir dans la série, et plus précisément dans la saison 5. Et Martin a ajouté « Même les lecteurs de mes livres vont être mécontents. Tout le monde doit se préparer. » Donc David Benioff et D.B. Weiss, qui sont les co-créateurs de l'adaptation pour HBO, sont encore plus sanguinaires que moi. Grégoire, tu nous avais évoqué au dernier podcast la séparation entre les livres et les séries, entre les deux storylines. Ça s'illustre là. Ça s'illustre là. Ça, c'est pour info pour les gros connaisseurs de livres. Il y a déjà des gens qui sont morts dans la série plutôt que dans les livres. En fait. D'accord. Ils mouraient dans les livres aussi, mais plus tard, quoi. Ah, moi j'ai entendu pour un personnage, mais on va pas spoiler. Non, on va pas spoiler, mais il y a un personnage en particulier. Voilà, il devait mourir beaucoup plus, enfin un peu plus tard, et il est mort en fait à un moment où on l'attendait pas dans la série. D'accord. Mais c'est vrai que cette news, elle m'a fait dire que voilà, on aurait vraiment un Game of Thrones série et un Game of Thrones livre. C'est ce dont parlait Greg il y a un ou deux podcasts. Exactement. Donc ça va être un peu étonnant d'avoir deux presque timelines. Mais je suis content, je vais pouvoir être surpris comme tout le monde aussi, parce que comme j'ai lu les livres, j'avais plus trop de surprises. C'est la force des choses justement. Je trouve ça quand même bizarre. C'est-à-dire, tu vois des personnages qui sont vivants dans le livre et morts dans la série. En fait, c'est plus la même œuvre, voyez. C'est l'univers, finalement, que l'univers. L'univers est commun, mais c'est deux œuvres différentes. C'est la chose. Ouais. On va rester dans l'univers des séries. Moi, je vais vous parler d'une autre série qui s'appelle American Horror Story. Pour cette petite news que je dirai à la fin, en fait, c'est American Horror Story. Déjà, je vais vous la présenter. C'est une série qui a débuté en 2011. Et en fait, le principe est assez amusant. Ils prennent les grandes situations classiques des films d'horreur et ils s'amusent avec, mais en changeant à chaque saison. Par exemple, la saison 1, il y avait un sous-titre qui s'appelait Murder House. Et tout se passait dans une maison hantée. Ça semblait un peu à l'ambiance de Rosemary Baby. Voilà, pour ceux qui connaissent, voilà, il y avait ce genre d'ambiance un peu malsaine que j'aime beaucoup. La saison 2, par exemple, se passait dans un hôpital psychiatrique. Ça s'appelait Asylum, la saison 3 à la Nouvelle-Orléans avec les sorcières et il y avait du soupçon de vaudou. La saison 4, ça se passait dans un cirque. Freak Show. Mmh. Et la saison 5, qui va sortir en octobre 2015, s'appelle Hotel. Et l'actrice principale, une des actrices principales, pardon, ça va être Lady Gaga. Voilà, ouais. C'est la news qu'on a appris cette semaine. Donc je pense rien de spécial de Lady Gaga, je trouve même que ça peut être sympa. Elle peut relancer un peu sa carrière parce qu'on l'oublie un peu au niveau chanson. En fait, au niveau chanson, je ne m'y intéresse pas du tout. Je sais qu'elle a déjà été actrice dans Men in Black 3, Sin City, J'ai tué pour elle. Dans Zoolander 2, on parle d'elle. Je trouve qu'elle aura bien sa place pour le coup dans Zoolander 2. Ça risque d'être très drôle. Voilà, le PDG de la chaîne, pour ceux qui connaissent bien American Horror Story, le PDG de la chaîne a dit que la saison 5 allait être une saison différente et une réinvention importante de la série. Ça, c'est pas mal. Ce qui me fait à la fois plaisir et peur. Moi, personnellement, j'ai décroché à la fin de la saison 3. Je trouvais que le principe, alors pour ceux qui ne connaissent pas aussi, un des principes c'est qu'on prend toujours les mêmes acteurs et on les fait jouer des rôles différents d'une saison à l'autre. En passant de la saison 1 à la saison 2, moi j'avais été très déçu parce que la saison 1 ouvrait la porte vers un univers très intéressant et tout d'un coup on dit bah non, on arrête là l'histoire et on passe à un autre univers. Cela dit, l'univers de la saison 2 était assez captivant aussi. Après, la saison 2 était géniale, donc j'ai adoré. La saison 3, j'ai décroché. Parce que j'en avais marre, je trouvais que c'était une très bonne carte de visite pour chaque acteur, mais qu'à la fin, je trouvais qu'on avait une petite histoire, mais quand on avait envie d'en voir plus, on nous frustrait, quoi. Mm. Donc, je sais pas ce que t'en penses, Greg. Moi, je trouve qu'effectivement, il y a un côté un peu frustrant. Alors après, on s'attache au personnage, et moi, j'ai toujours un peu la découverte de me dire, tiens, qu'est-ce qu'il va jouer cette saison, lui. Notamment le mec qu'on voit tout le temps. Le blond, voilà, le jeune blond. Qui joue dans les X-Men aussi, qui joue Quicksilver dans les X-Men. À chaque fois, lui, c'est quand même un très bon acteur, je me dis qu'est-ce qu'il va nous faire cette fois-ci. Il y a aussi Jessica Lange, qu'on redécouvre, qui a été la journaliste dans Tutsi pour ceux qui connaissent. Voilà, qui est exceptionnelle, très grande actrice. On a eu aussi Zachary Quinto, Adam Levine qui ont joué dans certaines saisons. Voilà, donc là c'est autour de Lady Gaga et on évoque le fait que peut-être les acteurs récurrents ne seraient peut-être pas là ou auraient des rôles peut-être même mineurs dans la saison 5. C'est peut-être ça la réinvention et peut-être. Qui risque de me décevoir encore plus. Une des particularités, je ne sais plus si tu l'as dit du coup de cette série aussi, c'est que depuis je crois la saison 2, il y a des épisodes où il y a des chansons. Souvent. Dans la saison 2, notamment dans l'asile, il y en a un, voilà, Dominique, qui est repris, et un vrai show devant nos yeux qui se déroule. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Elle devient What the fuck, la série. Elle est un peu What the fuck. Hein. Et du coup, je pense potentiellement qu'ils veulent accorder plus de place à ça avec Lady Gaga. Peut-être. Qui, voilà. Adam Levine, c'est le chanteur. Voilà, moi qui chantait pas dans la série. Non, dans qui, d'ailleurs, qui disparaissait assez rapidement. Un petit rôle. Ouais, mais c'était dans l'intro, il disparaît dans l'intro. Donc. Voilà. Mais alors, en fait, là, moi je connais pas du tout la série, j'ai jamais vu, mais en fait, quand vous dites, ils jouent d'autres rôles ou ils inversent leur rôle? Non, ils jouent d'autres rôles. D'accord, c'est-à-dire que dans la saison 1, le jeune blond dont on parlait, je ne sais plus le nom de cet acteur, bref, il joue un fantôme ou une connerie comme ça. Et dans la saison 2, il joue dans l'hôpital psychiatrique un patient. Dans la saison 3, il joue je ne sais plus quoi. Enfin, tu vois, vraiment rien à voir. On les redécouvre à chaque saison. Et c'est pour ça que je dis que c'est une très bonne carte de visite pour ces acteurs-là. C'est les performances d'acteurs qui sont absolument excellentes. Chaque fois, on y croit à chaque fois. Ils sont très bons dans chaque rôle. Ouais, Jessica Lange. Elle est géniale. Et voilà. Pour Lady Gaga, ça va être un rôle principal. Voilà, ils l'annoncent comme un rôle principal. Je ne sais pas à quelle hauteur ça sera, mais bon. Grégoire, tu as quelques news de super-héros? Oui, je vais vous parler un peu de super-héros. C'est un sujet que je ne maîtrise pas forcément très bien. Je ne suis pas un grand fan de comics, mais il y a eu pas mal de choses qui se sont passées au niveau des super-héros, on va dire grand public, ce dont le grand public va entendre parler prochainement. Bon, déjà, au niveau du contexte, on n'en a pas trop parlé là parce que ça commence à faire un peu de temps, mais effectivement, lors de la cérémonie des Oscars, on sentait qu'il y avait une certaine hostilité envers les super-héros. Neil Patrick Harris et les divers présentateurs, par exemple Jack Black ou Dan Gilroy, ont fait des références aux films de super-héros et se sont un peu moqués des super-héros au cinéma en disant qu'il y en avait beaucoup. Et globalement, d'ailleurs, j'ai été du coup lire plusieurs articles là-dessus, et apparemment l'ambiance en ce moment à Hollywood, dans les blogs voilà, qui sont installés à Hollywood, disent que l'ambiance elle est quand même assez anti-super-héros, hein, justement dans une cérémonie des Oscars où c'est Birdman qui a gagné à peu près tous les prix importants. Voilà, c'est quand même un film dans lequel on voit un acteur qui était avant célébré pour ses prestations de super-héros et qui maintenant quand même est soucieux d'avoir un vrai pédigré 100% intello. Donc apparemment il y a un contexte un petit peu anti-super-héros et en fait dans ce contexte-là il y a James Gunn, donc c'est celui qui a fait Les Gardiens de la Galaxie, qui a mis sur sa page Facebook, qui a fait une déclaration sur sa page Facebook en disant dès qu'une tendance devient populaire, elle est snobée par une élite autoproclamée. Beaucoup pensent que, parce qu'on fait des gros films, on met moins d'amour, de réflexion et de soin dans ces films que ceux qui font des films indépendants ou des films considérés comme sérieux par Hollywood. En gros, il dit que c'est faux, quoi. Si vous pensez que les réalisateurs indépendants ou sérieux mettent plus d'amour dans leurs personnages que les frères Russo dans Captain America, Josh Whedon dans Hulk ou moi-même avec un raton laveur qui parle, vous vous trompez tout simplement. Donc il a tenu un petit peu à recadrer les choses parce que c'est vrai qu'il y a un peu du super-héros bashing en ce moment. Bon, c'est vrai que même au final, quand on regarde Birdman, en fait, lui aussi, ils prennent un peu leur distance avec ce bashing, hein, parce qu'ils font à la fois du bashing en disant les super-héros, on s'en moque gentiment, mais en même temps, on peut pas vraiment faire une distinction facile entre les super-héros et les petites productions artistiques. Bref, tout ça, c'était un peu le contexte pour vous dire qu'il y a eu plein de news sur les super-héros pour ces deux semaines. Sur X-Men Apocalypse, donc Brian Singer qui est en train de travailler sur ce nouveau volet des X-Men, on va avoir un nouveau Nightcrawler. Donc c'était Alan Cumming qui jouait dans la meilleure scène peut-être de la première trilogie des X-Men, à savoir l'attaque du président des États-Unis par Nightcrawler. Oui, dans le 2, ouais. Sur fond de musique classique, la première scène d'intro du 2, effectivement. Donc lui ne jouera pas forcément Nightcrawler, puisqu'on retourne dans le passé, ça sera avec quelqu'un de plus jeune, ça sera Cody Smith McPhee, qu'on a déjà pu voir dans La Route, par exemple, hein, petit jeune de La Route, ou le remake de Laisse-moi entrer aux États-Unis, de Morse, pardon, donc Laisse-moi entrer. On sait aussi, je l'avais dit hein, déjà dans le précédent podcast, il y aura Alexandra Shipp, Sophie Turner qui joue dans Game of Thrones, et Ty Sheridan pour jouer les jeunes Storm, Jean Grey et Cyclops. Et voilà, donc ça c'est pour X-Men. Deadpool, qui fait parler un peu de lui, Deadpool, donc qui va sortir en 2016, et on sait qu'il y aura le mutant Colossus qui sera dans cet acteur, mais l'acteur qui jouait le mutant Colossus dans les films ne reprendra pas son rôle. Donc ils vont devoir recaster quelqu'un qui aura l'ampleur des épaules pour jouer Colossus, hein, c'est pas n'importe quoi. Et on a appris aussi que dans Deadpool, l'actrice principale du coup serait Morena Baccarin. Alors je ne sais pas si c'est Baccarin ou Baccarine, je suis désolé. Mais en tout cas, vous la connaissez peut-être si vous avez regardé Firefly ou Gotham. C'est une actrice qu'on voit assez souvent dans les productions, on va dire, de science-fiction. Hein, parce que bon, elle a fait V, elle a fait Stargate, elle a fait Gotham, elle a fait Firefly. Voilà, c'est une assez bonne actrice en plus. Donc elle va donner la réplique à Ryan L. Reynolds, hein, qui, je le rappelle, incarne Deadpool. Et bon, bah voilà, ça devrait entrer bientôt en tournage. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Deadpool, moi je ne connaissais pas trop avant de me renseigner un tout petit peu. C'est intéressant, je pense que ce film va être intéressant parce que c'est un super-héros qui est psychotique, schizophrène, psychopathe, pervers, mégalomane, imprévisible et arrogant. Donc voilà, c'est comme ça qu'il est décrit. Apparemment, il est très cruel physiquement et moralement, mentalement, même avec ses ennemis et même avec les gens, en fait. Donc ça a l'air d'être un gros bâtard, quoi. Et comme on les aime. Et en parlant de un peu super-héros qui sont peut-être des super-vilains en devenir, je vais parler de Joker, qui lui est un peu le super-vilain que tout le monde aime bien et peut-être connaît au moins. On sait que Joker, on va le revoir dans le film La Suicide Squad. Voilà qui va sortir en France le 17 août 2016. Donc c'est tout simplement une équipe de super vilains, on va dire, hein. Donc il y en a plusieurs, hein. Il y a Deadshot, il y a Harley Quinn, il y aura peut-être Lex Luthor qui est peut-être dans la Suicide Squad. On sait qu'il y aura Joker et que Joker sera interprété par Jared Leto, donc un acteur que perso j'aime bien, mais quand même c'est pas facile de reprendre le flambeau après Heath Ledger, hein, parce que c'était la dernière incarnation du Joker à l'écran. Voilà, dans Dark Knight il avait quand même un peu impressionné tout le monde, il avait eu un Oscar à titre posthume. Jared Leto a un peu parlé de qu'est-ce qu'il va faire pour préparer le rôle. Lui, c'est marrant la façon dont il le voit, je cite ce qu'il dit, il dit « S'attaquer à ce personnage quasi shakespearien est une opportunité ». C'est ce que sont en train de devenir les personnages de romans graphiques et des comic books, non ? C'est un personnage magnifiquement désastreux, un immense défi. Donc il sous-estime pas, entre guillemets, le défi qui s'attaque à lui. Et il travaille physiquement aussi pour incarner le Joker, puisque apparemment il mange toutes les deux heures pour prendre du poids. Il y aura peut-être une question de transformation physique à nouveau pour Jared Leto, qui a un peu l'habitude des transformations physiques. Donc c'est en 17 août 2016 et c'est écrit et réalisé par le réalisateur David Ayer, qui a fait Fury, pour ceux qui ont vu ce film sur les chars avec Brad Pitt. Et enfin, je terminerai sur un autre super-héros, Aquaman. Donc c'est Zack Snyder cette fois-ci qui a révélé un nouveau visuel de son film Batman versus Superman, et donc c'est Aquaman qu'on a vu sur Twitter. Bon, Aquaman c'est un peu le super-héros dont on a l'habitude de se moquer, hein, parce que Superman il peut voler, il peut faire des rayons laser avec ses yeux, il peut même revenir dans le temps en allant plus vite que la rotation de la Terre à l'envers, etc. Aquaman lui il peut parler aux poissons. Voilà, c'est tout. Donc c'est toujours un peu le héros dont tout le monde se moque aux États-Unis, Aquaman. Bon, bah là, je crois que ça va être terminé ces moqueries, parce que vu la photo qu'a publiée Zack Snyder, c'est terminé. Donc, Aquaman va être interprété par Jason Momoa. Ah oui. Donc, c'était le Khal Drogo dans Game of Thrones, hein. Quelqu'un physiquement de très impressionnant, on va dire. Bah là, il se sert complètement de cette masse musculaire importante, puis de ce visage, mine de rien, qui fait presque un peu peur, pour donner une autre apparence complète à Aquaman. Donc ça a l'air c'est assez impressionnant, c'est un peu déstabilisant presque. Je signalerai juste que la photo est accompagnée d'une légende, Unit the Seven, qui veut dire unir les sept. Donc on ne sait pas s'il fait référence à unir les sept mers ou s'il fait référence à la Justice League qui, voilà, contient aussi 7 membres. En tout cas, on aura la réponse le 23 mars 2016 au cinéma dans Batman vs Superman Dawn of Justice. Ok, merci Grégoire pour ces news super-héros. On va changer un peu de domaine pour aller en musique un peu. Julien, tu voulais nous parler d'un groupe de rock? Oui, puisque c'était un peu pour moi l'annonce surprise de cette quinzaine. La sortie prochaine, donc le 27 avril 2015, c'est tout proche du 8e album de Blur. Donc, il faut savoir que Blur, donc groupe anglais de, on va dire de Britpop, hein, comme on l'appelait à l'époque où ils étaient avec, avec Oasis, qui a pour le coup mieux survécu que les frères Gallagher. C'est clair. Donc, leur dernier album, c'était Think Tank, qui était, moi, j'avais trouvé vraiment excellent et qui était sorti il y a 12 ans. Ouais, c'est vrai que ça remonte. Hein. Ouais, ça remonte, ouais. Et donc là, c'était, c'est une sortie annoncée lors d'une conférence de presse mystère à Londres, puisqu'en fait, les journalistes avaient été contactés quelques jours avant pour dire, enfin, les attachés de presse et le service com leur avaient dit, ouais, il y a le retour d'un groupe de rock anglais, on vous dit pas qui c'est, voilà, ils avaient entretenu tout un mystère. Et bon, alors, moi, j'ai lu un truc, je crois que c'était dans Les Un Rock, où je crois que c'est Jean-Daniel Beauvalet racontait comment ça s'était passé et que ils avaient un peu grillé le truc en s'y rendant parce qu'il y avait déjà des tabloïds qui avaient fait fuiter l'information. Sur les réseaux sociaux, on commençait déjà à dire, c'est vrai qu'un groupe anglais qui n'a pas sorti d'album depuis 10 ans et qui peut refaire un album, il n'y en a pas non plus, c'est ça. Il y a pas non plus des masses. Et donc, ils sont arrivés à un endroit mystérieux à Londres et ils ont vu débarquer donc, les quatre membres originels de Blur, puisqu'il faut savoir que Graham Coxon n'était pas sur le précédent album sur Think Tank. Ouais. Le groupe où Damon Albarn l'avait évincé plutôt pour des raisons d'alcoolisme. D'accord. Voilà, et donc là, il est en fait de retour. Bon, Graham Coxon, après, il a sorti des albums solo. Ouais. On l'a vu aussi avec Pete Doherty sur la tournée de Pete Doherty, il est aussi sur les albums. Voilà, donc là, ça sera le premier album de Blur avec les quatre membres d'origine. Voilà, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils arrivent, on en parlait la dernière fois avec Radiohead, qui est capable d'annoncer un album et de le sortir dans la foulée. Et là, d'annoncer un album, Blur, c'est quand même un groupe qui est quand même important, et de le sortir 2 mois après, quoi. Donc ça, je trouve ça quand même assez fort. Dans la foulée, on a pu en fait écouter un premier extrait de cet album qui s'appelle donc Magic Whip. Et ça, c'est le nom de l'album et le morceau, c'est Go Out. Donc le morceau est plutôt pas mal, je ne sais pas si vous avez l'occasion de l'écouter. Non, voilà, c'est du Blur côté un peu rock slacker, un peu branleur, un peu à la Happy Mondays pour ceux qui connaissent. Hein, c'est un groupe, la Happy Mondays, ou même les Stone Roses qui a beaucoup influencé la Britpop. Voilà, c'est assez éloigné de ce que Damon Albarn fait en solo. On est plus dans le côté détendu un peu de ce que peut faire Blur. Donc voilà, le morceau est vraiment très cool, assez nonchalant, avec une basse assez ronde. Et on reconnaît vraiment le son de guitare de Coxon avec un son très distordu. L'album va être produit par Stephen Street, donc qui est le producteur mythique de Blur et surtout mythique des Smiths, puisqu'il avait produit pour Blur Park Life, Modern Life is Rubbish, donc des albums qui étaient parmi les meilleurs de Blur, donc c'est lui qui va le produire. Et voilà, donc on attend ça pour le 27 avril. Vous pouvez écouter le single, même si le single n'est pas extraordinaire. On sait qu'il y a beaucoup de grands albums de Blur qui ont été annoncés par des singles pas forcément exceptionnels. Mais le morceau est vraiment quand même très sympa. Hein. Peut-être un de tes futurs prochains conseils, l'album de Blur, du coup. Bah pourquoi pas, hein. Moi j'ai beaucoup aimé l'album aussi. Suivre, hein. L'album de Damon Albarn en solo qui était très bon, Everyday Robots. Même les derniers Blur, moi je ne suis pas un gros fan de la période Britpop, mais toute leur période après, je trouve qu'ils ont bien vieilli. D'accord. Bon. Je vais profiter aussi pour faire un petit point sur Blade Runner 2, avant de te redonner la parole, Julien. Blade Runner 2, on a déjà dû l'évoquer dans nos précédents podcasts, je ne sais plus. Mais on va. Voilà. Je crois pas qu'on l'ait. Je ne sais plus. Blade Runner 2 ? Non, ouais. Je crois pas. Bon, en tout cas, il y a Blade Runner 2 qui est en train de se faire. Et il faut savoir qu'il y a Ridley Scott qui était attaché au projet à une époque. Et qui finalement se retire du projet. Blade Runner 2, il faut savoir que c'est quand même les mêmes scénaristes que le premier volet, à savoir Michael Green et Hampton Fancher. Que Harrison Ford sera présent dans le film. Ah, il reprend son rôle de Rick Descartes, son rôle d'origine. Ça va faire un peu vieux là quand même. Bah oui, enfin, on va pas faire de spoil sur le Blade Runner 1. Après, on va spoiler Red Runner, alors faites gaffe. Donc c'est un film qui n'existe pas. Voilà. Blade Runner 1, mais voilà, Harrison Ford sera dans le 2, ce qui me paraît bizarre, mais physiquement parlant. Oui. Mais je peux pas en dire plus. Ah, déjà dans Indiana Jones 4, hein, excuse-moi Julien, mais bon. Il était très bien dedans. Non. Il jouait sur son âge justement. Non. Un ressort comique très bien utilisé par Steven Spielberg. Il y avait Chia qui allait pas non plus. Ouais, bah Chia, il incarnait un jeune Indiana Jones. Ouais, c'est ça. Oui. C'est bon, ça. Bref, bon. Suivant. Donc Harrison Ford reprendrait son rôle. Un podcast thématique que je ferai tout seul sur Indy 4. Peut-être. Je viendrai et je te jetterai des œufs pendant 2h30. L'info qui m'a intéressé surtout sur Blade Runner qu'on vient d'apprendre, c'est que c'est Denis Villeneuve qui allait réaliser en fait ce film. Donc Denis Villeneuve, c'est un réalisateur canadien qui a été connu par exemple pour ses films qui s'appelaient Prisoner, Ennemi ou Incendie. Incendie, ouais. J'ai pas vu, c'est pour ça que je connais moins, mais Prisoner et Ennemi qui sont des très bons films. Prisoner excellent, Ennemi un peu plus difficile d'accès, mais vraiment, vraiment Ennemi, bien. Ennemi, ouais, what the fuck est-ce qu'on va dire, mais voilà. Réussi dans l'exercice, quoi. Faut savoir que Denis Villeneuve, il est vraiment c'est un réalisateur dans la veine de Hitchcock ou Fincher plutôt même. Il adore tout ce qui est art de la manipulation, un peu comme faisait justement Fincher dans Gone Girl, où on nous emmène dans une direction sans qu'on comprenne vraiment où, et à la fin, les vrais visages se révèlent. Je dirais qu'il est peut-être plus policé quand même. Peut-être plus simple, entre guillemets. Par exemple, si je m'appuie sur Ennemi, je dirais non. Si je m'appuie pour Prisoner, c'est beaucoup plus simple qu'un Zodiac, on va dire, dans l'aspect psychologique des personnages. Ce que j'aime beaucoup dans Villeneuve, c'est sa réalisation très posée, très cadrée. Effectivement, Ennemi, voilà, plus compliqué. Voilà, mais je trouve que ça en annonce de joli pour Blade Runner, avec Harrison Ford et Villeneuve à la réalisation. Le tournage est prévu cet été. Le tournage est prévu en été 2016, donc on a le temps de le voir venir. On vous en reparlera d'ici. Peut-être mort, Harrison Ford. 2017, quoi. Ouais, c'est ça. 2018 avec la post-prod, hein, peut-être. Sûrement. Mais, voilà. Mais bon, on en vous en reparlera. Ouais. Grégoire, je ne vais pas te donner la parole tout de suite, je préfère terminer par toi. Pas de souci. Je repasse à Julien. Alors, Julien, Alice, ça glisse ou pas? C'est la pire intro du monde. Surtout quand. Le pire lancement du monde. C'était obligé de le faire. Surtout pour parler de Alice Glass, quand même. Moi, j'avais mis Alice brise la glace. Oui, mais c'est pas plus fin, mais c'était. Non, Alice, ça glisse, c'est pas mal. Ouais, puisqu'on a appris la sortie d'un album solo pour Alice Glass. Alors, je sais pas si vous savez qui est Alice Glass. Non, bah non, c'est pour ça que j'ai fait cette blague. Bah, peut-être que vous la connaissez pas, et que d'ailleurs, vous connaissez peut-être même pas le groupe duquel elle est issue, puisque c'est la chanteuse de Crystal Castle. Non, ça vous dit rien. Bon, je me retrouve un peu tout seul, un peu. Mais justement, tu fais tout seul. Mais vas-y. Ouais, en fait, Crystal Castle, c'est un groupe canadien. Bon, pour le coup, assez difficile à qualifier, qui a fait 3 albums entre punk, noise et chiptune. Donc la chiptune, hein, si ça vous dit quelque chose, c'est l'utilisation de sons électroniques un peu 8 bits dans leurs morceaux. Moi, je vous conseille surtout, c'est pas un conseil, mais je vais vous dire rapidement les 2 premiers albums, et notamment le second qui est mon préféré, qui s'appelle 2. Et le premier s'appelle 1 et le troisième s'appelle 3. Ah, voilà, ils sont assez minimalistes. Bon, ils sont assez logiques. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, Crystal Castle, c'était un groupe qui est assez important dans les années, on va dire, c'était 2000, je crois, ou il n'y a pas très longtemps, ils ont splitté il y a assez peu de temps. C'est un groupe à la fois adolescent et assez sombre, torturé avec un son un peu strident, hystérique. Et la voix de Alice Glass était vraiment reconnaissable. Si vous avez l'occasion d'écouter, c'est une voix hurlée, un peu vraiment trafiquée. C'est un groupe qui trafique beaucoup les sons. Voilà, c'est assez massif et en même temps minimaliste à la fois, et pour moi c'était vraiment un des groupes marquants des années 2000, et ils ont splitté, donc je disais, il y a quelques mois, mais Alice Glass va entamer une carrière solo. Et donc, en fait, si on en croit Alice Glass, je rappelle qu'elle avait 16 ans au début de Crystal Castle, donc là maintenant elle a 26 ans, donc elle est toujours très jeune, et elle est toujours très énervée, puisque là tu citais Alice Saglis, mais ça va pas être la fête. Hein, je pense que ça va pas être du Francky Vincent, hein, je pense que là... en fait, elle décrit ses nouvelles idées comme, je cite, « le bruit d'un chaton qui mangerait ses maîtres avares après leur mort ». Voilà, okay. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être, un chaton. C'est sympa la musique que tu nous conseilles, Julien. Donc elle explique qu'elle a toujours eu des affinités avec la musique sombre, agressive, et c'est toujours ce que j'ai envie de faire. Même si peu de gens voudront venir me voir, c'est mieux que de vivre sur un mensonge pour mieux remplir les stades. Donc là, ça fait très... c'est très référence Crystal Castle. Elle est très punk, hein, dans son attitude. Ouais, et d'ailleurs, Crystal Castle, ça a toujours été un groupe qui a plutôt ou moins craché sur ceux qui faisaient une forme de musique retour au passé, de tout ce qu'on a pu voir dans les années 90-2000, qui a toujours mis en avant qu'il fallait soutenir les gens qui faisaient de la musique actuelle. Et pour le coup, c'est vrai que Crystal Castle, ça ressemble pas forcément à ce qui se faisait dans le passé. C'est un son complètement nouveau, et je pense que c'était ça qui leur donnait leur légitimité et leur intérêt. Donc en fait, ce qu'elle expliquait, c'est justement de dire que on peut être influencé par le passé, mais que les tendances rétro aillent se faire foutre, c'est régressif. Cela dérobe à notre génération l'identité du présent. Soutenons plutôt les artistes qui se battent au sein de notre génération. Donc ça, c'est vraiment un discours très Crystal Castle. Donc voilà, je pense que ça sera dans la même veine, puisque Crystal Castle, même si c'était un son qui était musicalement, c'était très reconnaissable, c'était surtout sa voix qui donnait une ampleur au projet. Donc il n'y a pas de date de sortie pour le moment, mais personnellement, j'attends ça. À suivre. Peut-être pour un futur conseil avec Crystal Castle. Là, tu veux perdre nos auditeurs. Hein. C'est ça. Julien, il exige. Maintenant, il y a des trucs qui font même penser un peu à un retour à la dance des années 90, un peu perturbé. I like to move it, quoi. Après Alice, ça glisse. Bon, moi, je vais garder la parole, du coup, pour conclure un petit peu la partie divertissement avec des news en vrac. Alors, je vous parlerai notamment de la place des femmes dans les films qui est en recul cette année. Hein. Donc, on va dire que ça commence par une news en vrac plutôt d'une mauvaise nouvelle. C'est Women in Film qui a regroupé donc plusieurs informations pour vous dresser un peu ce tableau de la situation des femmes dans l'industrie cinématographique. Et donc, l'un des principaux des outils de ce sujet est le test de Bechdel. Test de Bechdel, donc, qu'est-ce que c'est pour passer ce test? Qu'est-ce qu'un de film doit faire? Il doit comporter au moins deux femmes. Ces deux femmes doivent parler ensemble et elles doivent parler à propos d'autre chose que d'un homme, tout simplement. Voilà. Donc, elles peuvent parler du temps, de ce que vous voulez. Ça, c'est le test de Bechdel. Et ce test de Bechdel, en 2014, il y a seulement 55% des films sortis qui l'ont réussi. Donc c'est pas énorme, un film sur deux en gros. Hein. En 2013, c'était 67% des films qui arrivaient à passer ce test de Bechdel. Donc c'est pas énorme. Deuxième source qui fait dire que la place des femmes est en recul dans les films, c'est le rapport d'Annenberg. Donc le rapport d'Annenberg qui va montrer le pourcentage de personnages principaux féminins dans les films. Alors en 2013, c'était 28%. En 2014, c'est seulement 16% des films. Et ils ont aussi, dans le même rapport, montré que les femmes ont plus de chances de porter des tenues très sexualisées que les femmes. Donc par exemple, les femmes portent à 30,2% des tenues très sexualisées dans les films, alors que pour les hommes, c'est moins de 10%, c'est 9,7%. Et tous par Channing Tatum. Il se concentre l'intégralité des tenues sexy. Il s'habille comme il veut, il est sexy, on le sait. Attends. Enfin, il y a le centre d'études, je parle d'un sujet très sérieux, et voilà. je suis outré. Je veux dire. Le sujet en plus qui résonne à 59 degrés. Tu vois, un peu. Bien joué. Et le centre d'études de la place des femmes à la télévision et dans les films de l'université de San Diego, qui analyse chaque année les 100 premiers films du box-office américain. En 2014, seulement 12% avaient des femmes pour héroïnes, hein, recul de 3 points par rapport à 2013. Et en étudiant 2300 personnages de films, ils ont vu que 30% de ceux qui prononcent des répliques sont des femmes, donc seulement, et que les personnages féminins, en plus, sont surtout là dans un rôle d'aider le personnage masculin et non pas dans le rôle de l'idée, l'histoire, entre guillemets. D'accord. Voilà, donc les trois indices qui font que cette année, bof pour les femmes, en gros. Deuxième news rapide, c'est la bande-annonce que je vous inciterai à aller voir pour Far From the Madding Crowd, donc il y aura un film qui se passe dans l'Angleterre victorienne. Voilà, une certaine Bathsheba Everdeen, une femme indépendante entêtée qui attire trois prétendants très différents: Gabriel Hawke, un éleveur de moutons, Frank Troy, un sergent, et William Boldwood, un célibataire prospère et mature. Alors pourquoi je vous parle de ce film? Tout simplement parce que la bande-annonce est assez prometteuse, mais surtout parce qu'il y a Carey Mulligan en fait qui interprète le rôle principal, hein, donc Miss Everdeen. Il y a Michael Sheen qu'on a vu dans la série Masters of Sex, qui est une série que j'aime bien, donc voilà, ça m'a intéressé, qui va interpréter le sergent Boldwood. Et il y a Matthias Schoenaerts qui interprète Gabriel Hawke, donc on l'avait vu dans De Rouillé d'Os, ouais, notamment. Dans Le Diar. Dans Audiard, donc un film, oui, un acteur belge, voilà, qui est très bon dedans. Ouais. Voilà, il est très bon, il a l'air d'être assez bon aussi dans celui-ci. En fait, la bande-annonce m'avait paru assez prometteuse. Carey Mulligan, c'est l'actrice de Drive, c'est ça? Exactement. Ouais. La blonde de Exactement. Drive. La blonde de Drive, merci de le préciser, effectivement. Là, c'est réalisé donc Far From the Madding Crowd par Thomas Vinterberg. C'est celui qui a réalisé La Chasse aussi, donc un film qui avait eu des très, oui, très bonnes critiques. Ça sort le 3 juin 2015, donc c'est pas dans si longtemps que ça. Bon, la bande-annonce, c'est quand même de la. Voilà, c'est dans l'ère victorienne, ça a l'air un peu mélo. Très à la mode, l'ère victorienne en ce moment. Oui, c'est très dans les jeux vidéo, c'est très mélo, grandiloquent, mais ça donne envie d'aller le voir quand même. Et dans les news un peu flash rapide, on avait parlé d'Alien, où j'avais potentiellement pressenti peut-être que Blomkamp avait dit qu'il était intéressé. Voilà, on en avait parlé dans le podcast d'avant pour réaliser un nouvel Alien. Il avait publié des artworks réalisés par Geoffrey Torrens pour dire moi je suis en train de bosser là-dessus, mais si j'en parle au studio, je pense que ça pourrait se faire parce que je suis vraiment à fond. Bah, il s'avère qu'il en a parlé et que la Fox et Sigourney Weaver ont vu un peu ce qu'il avait proposé et ont vu que l'attente du public était là, et du coup ils ont officialisé le fait que Neil Blomkamp allait faire une suite à Alien. Donc lui, il a rapidement dit que son film se baserait comme une suite directe d'Alien 2. Hein. Il a dit: je veux que ce film soit le digne descendant d'Alien, avec un S, donc Alien 2. Donc ça sera Alien, Alien 2 et ce film-là. Donc là, ça a été un peu interprété sur les réseaux sociaux et par les spécialistes comme une volonté de même carrément oublier complètement Alien 3 et Alien Résurrection. Hein. On l'a déjà vu dans l'histoire du cinéma, ça s'est déjà fait, notamment avec Superman, par exemple. Sympa pour Fincher et Caro. Sympa pour Fincher et Jeunet. Cela dit, après, justement, il a vu qu'il y avait eu un peu ses réactions sur Internet, parce que globalement, c'est vrai que les gens aiment bien Alien et Alien 2 et aiment un peu moins le 3 et le 4, apparemment. Moi, perso, j'ai du mal à comprendre. J'aime beaucoup le 3 et le 4 aussi. Le 4 un peu moins, mais le 3, ouais. Ouais, j'aime bien, moi, perso. Les aime tous. Bon, bref. Il a mis de l'eau, en fait, dans son vin. Après, il a reprécisé. Il a dit: mes préférés sont les deux premiers. Je veux que mon film donc soit connecté, mais je ne veux pas défaire Alien 3 et Alien Résurrection, je veux juste qu'il soit davantage connecté au 1 et au 2. Donc on ne sait pas exactement comment, on va voir. Et enfin, je terminerai mes news flash avec deux dessins animés de notre enfance qui reviennent. Enfin, de notre enfance, ça dépend de l'âge que vous avez. De mon enfance. Hein, donc voilà, j'ai une trentaine d'années. Et donc, j'étais content de savoir que la série animée La Bande à Picsou va revenir sur les écrans. Donc ça s'était arrêté en 1990 et ça va revenir pour 2017. Donc je suis très content de retrouver Géo Trouve Tout. Riri, Fifi, Loulou, on ne les mentionne pas, mais j'aimais beaucoup Géo Trouve Tout. Et j'aimais surtout beaucoup Flagada Jones. Donc ah, Flagada Jones. Oh, Monsieur Picsou. Pardon, c'était mon interprétation de Flagada Jones. Très réussi, je trouve. Et deuxième série qui revient de notre enfance, de mon enfance, en tout cas Inspecteur Gadget, qui va revenir sur Netflix. Et là, ce qui est bien, c'est que ça va revenir vite, hein, puisqu'on parle du 27 mars. C'est une des années d'origine ou c'est un reboot? Et là, par contre, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que c'est refait en CGI, quoi, en effet 3D, en animation et en image de synthèse, merci. Donc, si c'est une bonne qualité, why not, hein? Ouais. J'aurais quand même toujours un peu le cœur transpercé d'une flèche à cause de. Enfin, tu vois, c'est pas fidèle, quoi. Pour moi, ça doit être du dessin animé. J'aime tes préoccupations dans la vie, Grégoire. N'est-ce pas? Merci, Grégoire, pour toutes ces news. Bah, de rien. Je vous invite maintenant à passer aux news art ludique. Tout de suite, la rubrique art ludique. Donc, on va commencer par tous ensemble parler d'un jeu The Order 1886. Julien. Oui, alors on va pas parler du jeu en lui-même, puisque c'est pas un conseil ou un des conseils. On va surtout parler de l'accueil et de la polémique qui a eu autour du jeu. Alors, c'est vrai qu'on avait eu un début d'année vidéoludique assez calme. Hein. C'est assez pauvre en ce moment. Bah, c'est assez courant en début d'année, souvent en janvier, février, et puis ça repart un peu en mars, avec des jeux voilà, qui étaient sortis, mais qu'on avait déjà presque oubliés. Hein. Je pense à Evolve, hein, qui a déjà perdu tous ses joueurs. C'est vrai. Ouais. Pourtant, ça avait l'air, c'était assez, dommage, assez original. Hein. Dying Light aussi, qui était sorti en démat, mais finalement qui ressort plus tard en boîte, donc on n'en parle plus trop. Mais voilà, dans les deux semaines entre nos deux podcasts, est sorti The Order 1886, et là, l'Internet s'est déchaîné. Ça a été un peu ce qu'on appelle, dans le jargon, une shitstorm. Hein. Voilà, pour les spécialistes. Pour les spécialistes, hein, pour les fans de termes techniques, amateurs, de jargon technique. Alors en fait, The Order 1886, c'est quoi? Bah en fait, déjà, il faut dire que c'est une exclue PS4 d'un studio. Pour le coup, pas un trop jeune studio, puisque ça fait déjà une dizaine d'années que Red Dead Dawn fait dans le jeu vidéo, mais qui est plus ou moins inexpérimenté, on va dire, sur les AAA et les nouveaux projets, puisque c'est leur premier gros jeu. Avant, ils étaient surtout, ils travaillaient déjà PSP. Pour Sony, mais ils avaient fait des jeux sur PSP, des God of War, et un Dax, je crois que c'était Daxter qu'ils avaient fait, de Jack and Daxter. Ils ont travaillé des licences existantes, en fait, des portages de licences existantes. Ouais, c'est leur premier gros jeu AAA avec un univers, voilà, pour Sony, sur une grosse, quand même, une grosse exclue. Voilà, une exclue, c'est toujours attendu et scruté différemment, puisque par rapport à un jeu multiplateforme, voilà, l'exclue en question, surtout quand cette exclue en question, elle propose une technique aussi aboutie, puisque voilà, s'il y a un point qui fait bien l'unanimité autour de The Order, c'est sa partie graphique. Ah oui, qui est époustouflante. Bon, apparemment, elle est irréprochable. C'est vrai que les images qu'on peut voir quand on regarde des lives ou des choses comme ça sont absolument bluffantes pour une PS4. Et en plus, comme tu le dis, ils mettent d'autant plus en avant ce jeu que voilà, Sony a vachement insisté là-dessus pour montrer la puissance de sa console, comme ils aiment bien en jouer. Ouais, c'est un jeu vitrine. C'est un jeu clairement vitrine. Ouais. Voilà, donc c'est un jeu magnifique. Alors, le jeu, c'est quand même quoi? C'est une base, on va dire, de TPS. Donc de third person shooter, donc le TPS, on va dire en gros c'est quoi? C'est Gears of War, c'est des jeux comme Vanquish, c'est la caméra Uncharted. Légèrement derrière l'épaule, voilà, en fait, hein, pour ceux qui connaissent pas très bien, pour nos auditeurs. Voilà, la différence du FPS où c'est une vue subjective, là on voit son personnage de dos un peu juste derrière l'épaule, comme dans Gears of War ou il y a encore plus longtemps dans Resident Evil 4, qui était un peu sur le même modèle. Donc c'est quoi? C'est une base de TPS, du QTE, donc du Quick Time Event, c'est ces boutons que vous actionnez à un moment précis de l'action, et de la cinématique, pour un jeu qui est relativement court, on en parlera après, avec à peu près autant de phases de gameplay que de cinématiques. C'est ce qui se dit dans les commentaires, dans les critiques qui sont apparues sur Internet. Un jeu effectivement très visuel et pas que dans sa beauté, mais qui joue aussi beaucoup sur les cinématographiques, un peu interactif quand même apparemment. Ouais, parce que c'est justement la polémique, elle a commencé sur la durée de vie et d'ailleurs bien avant la sortie du jeu. Puisque sur le net, alors c'est vrai que c'est quand même assez courant de ce qui se passe sur le net, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un jeu qui arrive, il y a des petits malins qui disent « Bah tiens, moi je l'ai fini en 5 heures, regarde », sans qu'on sache vraiment en quel niveau de difficulté c'est, si le type il a rushé en restant appuyé sur le bouton de course. Bon là, dans The Order, c'est un peu différent parce que tu peux pas courir. Bon, déjà, ils peuvent... Mais voilà, il y a des gens qui jouent différemment à des jeux, il y a des gens qui vont être plus contemplatifs, des gens qui vont fouiller chaque parcelle de terrain à explorer, d'autres qui vont y aller à fond et buter tout ce qui bouge, d'autres qui jouent en easy, d'autres qui jouent en difficile, d'autres qui jouent avec une visée assistée. Donc voilà, c'est vrai que selon les conditions de jeu et les conditions du joueur, ça change vraiment d'un jeu à l'autre. Et c'est toujours un peu, voilà, moi je trouve c'est un peu ridicule de voir des gens qui arrivent en disant ah, moi je l'ai fini en 5 heures. Voilà, parce que tu as des jeux même qui peuvent se finir en 3 heures, mais sur lesquels tu peux passer 200 heures. Hein. Ça c'est déjà vu. Voilà, donc le PDG et directeur de création qui s'appelle Roux. Wirasuria, jamais facile à dire. C'est pas très facile. On l'appellera Roux. C'est quand même beaucoup plus mignon. Donc il a, lui, pour le coup, il a affirmé cette durée de vie tout en laissant entendre qu'il fallait pas s'attendre à ce que le titre soit très long. Bon, ce qu'il a dit, c'était un peu, moi je trouve, c'était un peu du damage control. Hein. C'est la durée de vie de jeu. La durée de jeu est importante. Chaque jeu doit prendre son temps pour raconter son histoire. Certains jeux peuvent être courts, certains jeux peuvent être longs. Ok, super. Ouais. Je me souviens encore de la première fois où j'ai joué à Modern Warfare. J'ai terminé la campagne en 3h30, 4h environ. Et c'était amusant car il proposait autre chose qui faisait que la campagne fonctionnait. Bon, sauf que Modern Warfare, c'est surtout un jeu multi. Hein, ouais. Et que The Order n'a pas de multi. Bon, après, il explique. Nous savons que les gens veulent être divertis et avoir des titres auxquels ils peuvent jouer plus longtemps. Mais l'industrie du jeu vidéo a toujours connu la diversité. J'ai joué à des jeux de 2 heures qui étaient meilleurs que des jeux auxquels j'ai joué pendant 16 heures, c'est la réalité de la situation. Pour moi, la durée de gameplay est moins importante que la qualité. C'est la même chose au cinéma, le fait qu'un film dure 3 heures ne le rend pas automatiquement meilleur. Oui, donc on sentait qu'il était quand même un peu sur la défensive, sur voilà. Le côté, oui, bon, bah, ça va être très court, les gars. Voilà. Après, moi, je comprends ces arguments, je suis assez d'accord. D'ailleurs, c'est plutôt le premier débat que je voulais ouvrir. Hein. On sait maintenant que le jeu est sorti qui fait entre 7 et 10 heures en moyenne selon le type de joueur et selon la façon dont on y joue, comme j'expliquais avant. Voilà, donc. D'un côté, on va avoir les tenants qui disent bah, ce qui compte, c'est l'expérience, qu'un jeu dure 2 heures, qu'un jeu dure 15 heures. Ce qui compte, c'est finalement sa structure, sa cohérence, l'expérience qu'il délivre au joueur. Et d'un autre côté, on va avoir ceux qui disent bah, attends, moi, si je paye 60, 70 euros, 10 euros pour un jeu qui dure 7 heures, bah, j'ai un peu l'impression de me faire enfler. Quoi. Je suis quand même un petit peu de cette seconde opinion. Enfin, moi, je ne suis pas un grand joueur, hein, je suis le noob entre nous trois, mais concrètement, voilà, The Order, ce n'est pas un jeu qui se place sur une gamme de prix de 10 euros ou de 15 euros. C'est une gamme de prix de 60 à 70 euros et qui te fournit, alors quoi, toi t'as 17 heures, Gamekult avait dit 6 heures, on va dire en ligne droite, et dont 3 heures de cinématique, donc en fait 3 heures de gameplay, 3-4 heures de gameplay total, 70 euros. Bon, je sais que moi, voilà, je cherche des jeux courts parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour y jouer, etc. Donc je suis content quelque part quand un jeu ne dure pas 300 heures parce que je sais que je les ferai pas, mais de là à ne proposer entre guillemets que 3 heures pour 70 euros, bah là pour le coup il fait une comparaison avec le ciné, bah oui, mais au ciné tu payes pas ta place encore pour le moment, 70 euros, ça va peut-être venir, mais tu la payes 10 euros et ça peut durer 2 heures. Ouais, mais disons que tu vas pas payer moins cher un film qui est court, pareil pour un disque, un album de 30 minutes, en théorie il coûte le même prix qu'un double album de 70 minutes. Il y a des limites, tu paieras peut-être pas non plus ta place de ciné de 10 euros pour un court métrage d'une minute. Ou de 2 minutes. Tu vois, parce qu'ils comparent aussi des jeux, des durées de vie de jeux. Certains jeux qu'on fait voilà, peuvent durer 120 heures, 200 heures pour vous quand vous y passez énormément de temps. Et là, ils se comparent en disant oui, on peut pas tout comparer, on peut pas jouer sur la durée, etc. Néanmoins, c'est une des composantes essentielles de ce que tu regardes quand tu vas acheter un produit culturel. En tout cas, pour le jeu vidéo, quoi. Pour les livres, etc. Non, effectivement, tu peux dans acheter. Le cinéma, il est énorme aussi, les films durent entre 1h20. Mais en plus, à 3h30 pour les très longs films. Mais d'ailleurs, c'est même une dénomination officielle dans le cinéma, la preuve que c'est quand même important parce que tu as vraiment court métrage, moyen métrage, long métrage en fonction de la durée du film et tu payes pas les mêmes entrées, tu payes pas les mêmes prix en fonction de la durée. Donc quelque part son argument il est fallacieux, il est même faux. Donc bon, et puis même c'est pareil quand tu achètes un gros livre relié de 1000 pages, tu payes pas la même chose qu'un petit bouquin en poche de, tu vois, tu payes 2 euros ton petit bouquin en poche voire 1 euro alors qu'un gros livre de 3000 pages tu vas quand même payer les frais d'impression. Voilà, tu auras quand même, enfin moi j'ai quand même le sentiment que il l'aurait mis, tu vois, à 30 euros ce jeu pour 7 heures de jeu. J'aurais dit oui, pourquoi pas. C'est vrai que les gens se prennent la tête. 70 euros pour 3 heures de jeu, ça, je commence à me dire. Je sais pas ce que vous en pensez, aussi. Parce que là, je garde la parole. Ah, mais oui, Stan, je tique aussi, hein, moi aussi. Hein. Tu tiques aussi, toi? Pour moi, je sais pas, un jeu qui dure 2-3 heures, c'est un jeu pastille que je paye 10-15 euros, pas plus. Hein. Tu vois, par exemple, Brothers, je sais pas si vous avez fait ce jeu-là. Ouais. Il coûtait 10-15 euros, je l'ai fait en une après-midi, mais j'ai trouvé que c'était une expérience intéressante et je regrette pas. Mais voilà, payer 70 euros pour 7 heures de jeu, je serais. Non, j'irai jamais vers ça. Ouais, mais souvent, le prix d'un jeu, il n'est pas indexé sur la durée de vie. Quand on parle d'un jeu, par exemple, comme Journée qui va durer 2 heures, c'est parce que c'est un jeu qui est fait par un studio indépendant, plus petit, qui a un plus petit projet. Là, on parle quand même d'un triple A qui coûte quand même une fortune à faire. Durée de vie. C'est pas un critère. C'est pas ce qu'il faut faire, mais pertinent. Par contre, il y a un minimum. Entre guillemets, il y a un minimum acquis dans le milieu. Et c'est un minimum qui est acquis par tout le monde, par les joueurs, par les producteurs, par les testeurs, par tout le monde. vouloir chambouler le modèle, c'est une bonne idée. Il a raison. Il dit oui, on peut pas forcément faire tous pareil dans le jeu vidéo. Il faut proposer des choses différentes. Je suis d'accord avec ça. Il a totalement raison. Et des jeux courts, ça me pose aucun problème. Mais dans ce cas, tu l'affiches et tu le rends compte entre guillemets dans ton prix. Tu t'en rends compte. Enfin voilà. Même comme tu l'as dit, si on juge pas la valeur d'un journée sur ses deux heures, bah, journée, il est pas vendu autant. Et s'ils voulaient faire un jeu court, ils auraient peut-être pas dû investir autant sur leur moteur graphique. Et dire, bah, on fait un jeu moins court, mais nous, on veut absolument vous parler d'ère victorienne, on veut absolument vous parler de QTE, et on veut absolument vous parler de Lycan, mais on le fait peut-être moins beau, et on le fait durer moins longtemps. On le fait durer que 2-3 heures, mais dans ce cas, vous le payez 30 euros, quoi. Mmh. Et qu'on est quelque part, c'est con à dire, mais pour notre argent, alors oui, on peut dire le jeu vidéo, c'est une art, une forme d'art, et t'en as pas pour ton argent. C'est aussi un produit de masse, quoi. C'est aussi, enfin, moi, c'est mon avis, c'est, ça reste un produit de masse. Disons que quand on est dans la situation où tu te payes un jeu par mois, parce que c'est 70 euros le jeu ou 60 euros, hein, voilà, si tu payes ton jeu et que tu le termines en une grosse après-midi, tu l'as un peu mal, quoi. Enfin, quelque moi, part, je, ouais, c'est ça que je, comme ça que je pense. Enfin, ouais, moi, j'arrive jamais à indexer le prix d'un jeu sur sa durée de vie, tout simplement. Parce que là, ce qui me gêne, moi, dans The Order, c'est plutôt le contenu. C'est-à-dire que là, on parle d'un jeu où il y a peu de gameplay, enfin, c'est-à-dire on a en gros c'est la moitié de gameplay, la moitié de cinématique, enfin un tiers gameplay, un tiers cinématique, un tiers QTE. C'est plus ça qui me gêne. Après que si le jeu il me propose 7 heures de gameplay même à 70 euros et que j'y trouve totalement mon compte et que je trouve que au niveau de la structure du jeu, de ce qui dégage, de l'expérience qu'il propose, c'est totalement complet, parce que des fois t'as des jeux, bah moi je les trouve trop longs. C'est pas une question que j'ai pas de temps. Ouais. C'est que je trouve que parfois t'as un jeu qui va durer 20 heures, même si c'est un jeu qui a que du solo, on va dire ok, 20 heures c'est une bonne durée de vie pour un jeu que tu vas payer 70 euros. Ouais. Sauf je trouve qu'à un moment, au bout de 13 heures, je dis ouais, j'en ai marre. C'est, enfin, le jeu il évolue plus dans ses mécaniques, son scénario il, voilà, il y a un creux, il tombe à plat. Donc parfois 8 heures bien menées et bien racontées, je sais pas si c'est le cas pour The Order, mais moi ça peut tout à fait me suffire. Et je trouve qu'un jeu il a, enfin voilà, il y a son projet global et la durée de vie c'est un des éléments de ce projet. Alors après il y a des façons de rajouter la durée de vie, il y a une replay value, il y a des choses à découvrir, il y a des choses à refaire dans le jeu, il y a des niveaux de difficulté, il y a plein de choses à faire pour que ton jeu t'aies envie de le refaire. Des séquences cultes, voilà. Après, je dis pas que pour The Order, c'est ça ou pas ça, mais moi qui dure 7-10 heures, ça me choque pas par rapport à un prix moyen. Ouais, mais c'est comme tu le disais, c'est 7-10 heures de gameplay qui te. Voilà, ça, c'est tu un autre trouverais débat. Que c'est un autre minimum. Là, on te parle, si je te dis, moi par exemple, je suis sûr que t'as quand même un truc dans ta tête qui va se dire si un jour je te dis, je te sors un jeu où t'as une heure de gameplay et tu le payes 70 euros. Mais c'est génial, hein. C'est une heure de gameplay génial. Tu vas dire quand même 70 euros. Tu vois, je suis sûr que quelque part, il y a une limite que les gens. Alors, on n'a pas tous la même limite. Je comprends que les gens disent voilà, que ça les gêne, qu'ils veulent un rapport qualité-prix. Moi, enfin, prix-temps. Moi, c'est pas du tout prix-temps, mon cas. Ouais. Je préfère payer 70 euros pour une heure de grand gameplay que payer 70 euros pour 150 heures où je vais me faire chier. C'est plus un rapport au temps que je vais passer sur un jeu. Oui, mais dans ce cas-là, autant dire, je préfère payer 70 euros pour 20 heures de gameplay. Et de qualité. Je suis d'accord avec toi. Ça, après, voilà. C'est ce que propose beaucoup. Dieu aussi. C'est, oui, c'est le problème de The Order, c'est qu'il n'est pas seul sur le marché. Et soit son expérience est vraiment impressionnante et on se dit oui, j'en ai pour mon argent. Oui, même soit c'est un très beau jeu, mais tu te dis bah, j'ai joué 3 heures et je ne retiens pas. Oui, après, c'est un peu ça le problème. On vient plus dans un syndrome de coquille vide et de dire. On vient sur l'autre partie du débat où tu disais bah, si on me propose 3 heures de gameplay, ou on me les... moi, tu vois, là, regarde, je peux comprendre ton argument, Julien, et tu me dirais ok, le jeu, tu joues 3 heures, mais alors tu as des cinématiques, c'est magnifique, mais en plus, tes 3 heures où tu joues, tu vas t'éclater comme jamais. Jamais tu auras fait un truc pareil, c'est complètement fou, ça va te retourner le jeu. Genre, bah voilà, comme un peu les arguments comme qu'on entendait journée, comme pour journée, exactement. Ou journée, on te disait bah tu ne joues que 2 heures, mais c'est 2 heures où elles vont te changer ta vie quasiment. On te disait ça comme argument. Tu me dirais ça, je te dirais bon, allez, 60 euros, je me fais un sacrifice, je le prends. Ou alors voilà, j'attends même 40 euros, je le prends d'occasion, je sais pas quoi. Là, on en arrive sur l'autre partie du débat qui est en plus, non seulement il est pas très long, mais on est un peu voilà dans des couloirs apparemment. Ce qu'en disent, hein. Moi, encore une fois, je n'y ai pas joué donc je ne juge pas personnellement, mais en voyant des lives ou en allant voir les critiques. Il y a beaucoup cet aspect QTE et couloir et pas très innovant. Je crois que c'est, encore une fois, je cite GameCult, mais qui disait, c'est une phrase qui m'a marqué, qui disait, en fait, vous le savez pas, mais vous avez déjà joué à The Order. C'est-à-dire dans le sens où il n'y a aucune mécanique nouvelle et vous avez déjà vu ça 1000 fois, quoi. Et ça m'a choqué. Oui, non, mais d'ailleurs, là, si on parlait de GameCult, mais le test... l'argument de la durée de vie, il n'était pas du tout pris en compte dans le test. Hein. Ils l'ont dit dans les points négatifs dans GameCult. Hein. Oui, après, ils gueulent un peu à la fin. Ça aurait été 7 heures exceptionnel, ils ne l'auraient pas reçu de cette façon-là. Je pense que oui. Exceptionnel pour eux, j'entends. Je pense que déjà, le gameplay aurait été magnifique et ça aurait duré que 3 heures. Ils n'auraient peut-être pas mis dans les points négatifs, ne dure que 3 heures. Ils auraient pu le mettre. Ils auraient peut-être dû dire dommage que ça soit si court, on aurait aimé en avoir plus. Mais là, c'est parce qu'ils disent. Ils disent presque on aimerait en avoir moins. On parle quoi. De 3 heures, c'est 3 heures de gameplay. On s'entend bien. Pas que le jeu dure 3 heures, parce qu'il y a des gens qui sont aussi intéressé par la narration dans le jeu vidéo, par une autre expérience, par quelque chose qui se rapproche du cinéma. Donc pour eux, la cinématique, ça fait aussi partie de la façon de placer un univers, de dévoiler un univers cohérent, nouveau, puisque c'est quand même une nouvelle IP. Après, pour défendre le jeu, effectivement, on peut le voir aussi comme ça, c'est-à-dire une autre façon de voir un média qui n'est plus vraiment du jeu vidéo et qui n'est pas vraiment encore du film, mais qui essaye de faire un peu le pont entre les deux. Et là se pose la question, bon, peut-être que du coup le prix n'est pas équivalent à ce qu'il propose comme média, comme offre, faire quelque chose entre le jeu vidéo et le cinéma, mais pourquoi pas oui, le voir comme quelque chose de complètement différent et du coup changer complètement les critères de notation, de durée, parce que la moitié d'un une durée de vie d'un film c'est 2 heures, 2 heures et demie, une durée d'un jeu c'est 20 heures, bah ils ont pris la moitié, ils ont fait un truc un peu entre les deux, ils cherchent peut-être quelque chose d'hybride à faire, ouais, c'est intéressant. Oui, après, Pourquoi pas. Mais voilà, c'est justement, après, là, c'est la deuxième partie du débat, selon moi, qu'il y a eu avec The Order, c'est l'accueil critique et l'accueil public une fois que le jeu était sorti. Parce que là, voilà, pour moi, on rentre dans une polémique qui est à la fois assez cruelle pour le jeu et un peu déraisonnable. Voilà, c'est Internet, donc il y a toujours des réactions qui sont un peu surjouées, un peu, voilà, je dis déraisonnable, et je pense que ça illustre bien ce qui s'est passé avec The Order. Cruel parce qu'en fait, la presse a accueilli vraiment fraîchement le jeu. Donc, on a dit les reproches, c'était sa durée de vie, son classicisme, son côté couloir, ses nombreux QTE, son côté assisté, scripté, son IA qui était pas génial avec des personnages qui se cachaient derrière et qui n'en bougeaient pas trop. Et le jeu donc a obtenu une note de 65 sur Metacritic, ce qui en fait pour le coup une des nouvelles licences de cette gêne les plus mal accueillies. Puisqu'il y a eu un petit classement qui a été établi. Donc le jeu nouvelle licence, donc nouvelle IP la plus mal accueillie, c'était Knack. Donc voilà, oui, bon, qui n'a pas laissé un souvenir. Après, il y avait qui a eu 54 sur Metacritic. Rise, Son of Rome, l'exclu, qui était d'ailleurs un peu dans ce côté coquille vide, super impressionnante. C'est ce que tu disais, tu m'avais dit ça. Qui a eu 60. Et ensuite, on trouve The Order 1886 avec 65, donc qui est derrière des jeux comme Drive Club, comme The Crew, comme Hyrule Warriors, comme Destiny, comme Zombie U, donc des jeux qui ont eu un accueil déjà un peu mitigé. Ouais. Voilà. Très très mitigé comme accueil, effectivement. Ouais. Mais effectivement, je pense que dans ces notes qui sont relativement cruelles, la durée de vie n'est qu'un aspect de ce qui a été noté durement, on va dire. Hein. Comme tu le dis, l'aspect couloir, je pense que ça n'a vraiment pas plu. Il y a eu des réactions assez vives hein, quand même sur cet aspect couloir, QTE et manque de narration, enfin manque d'implication dans la narration. Qui ont refroidi aussi, même voilà, si déjà la durée de vie te refroidit pas, tu te dis, bah en plus de ça, c'est pas forcément un jeu qui laisse un grand souvenir. Donc. Ouais, donc là je disais, donc ça c'est pour le côté presse et côté joueur et même non joueur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui n'ont pas joué, un peu comme nous. Salut pigeon. Voilà, donc le côté déraisonnable, ce que je disais, c'est que le jeu il a cristallisé vraiment toutes les haines et tous les sarcasmes des joueurs avant sa sortie et même une fois que sa sortie était actée et qu'on a vu les notes. C'est vrai que les notes, même si tout le monde dit oh, on s'en fout des notes, bah ça fait quand même juge de paix pour un jeu quand il sort, surtout quand les notes sont aussi basses que ça. 65 pour un triple A, ça fait quand même très très mal. Hein. Je rappelais un peu le classement, il est juste devant NAC et Rise Son of Rome, donc c'est pas non plus exceptionnel, c'est même plutôt catastrophique. Alors c'est vrai qu'il faut pas oublier que c'est une exclue PS4, donc c'est vrai que ça oppose des joueurs de camps différents, donc voilà, les pro Sony, ça commençait dans le monde du jeu vidéo, les pro Sony, les pro Nintendo, d'autres débats. Les pro Microsoft, donc c'est vrai que le jeu va être peut-être surdéfendu par les uns et vilipendé par les autres, donc après c'est difficile de savoir où on peut se situer dans ce débat-là, parce que d'un côté il y a de l'exagération des deux côtés. Clairement. Donc c'est d'ailleurs il s'appelle Dana Jan, le réalisateur de The Order, qui avait accordé en fait une interview au site Develop, et il a dit ouais, peu importe ce que nous faisons, notre jeu génère ces très étranges jus de haine, donc ce qu'il appelait Haterade, qui était lié à Gatorade, donc le jus de haine. Les gens cherchent des critiques à faire au sujet de notre jeu, des raisons de le détester. Donc voilà, ils étaient un peu étonnés de toute la haine que le jeu. Ils ont pas tort, je trouve un peu, parce que c'est vrai que ça s'est tellement enflammé que ça en fait un ridicule. Je veux dire, t'aimes pas un jeu, bon bah tu l'achètes pas, mais t'es pas obligé d'aller crier sur internet, ce jeu est une merde, machin. Enfin, tu vois, ça a été assez violent, on va dire, les réactions d'internet là-dessus. Et moi, il y a une réaction d'ailleurs qui m'a intéressé, c'est celle de Cliffy B, donc qu'on appelle le créateur de Gears of War. Lui, il a dit, il tweet assez souvent, et là, je sais plus si c'était sur Twitter ou dans un média ou sur un site, il a dit ce qu'il pensait du jeu, donc il trouvait qu'il y avait trop de QTE, qu'on le laissait pas jouer, alors qu'il aurait aimé tester le système de combat plus en profondeur, et qu'il trouve plutôt bon le système de combat. Et il appelle ça un justificateur de console, c'est-à-dire c'est un jeu qui est beau pour faire vendre des PS4. Et il conclut à ce que je trouvais un point point intéressant. Il disait donc cette industrie, en parlant du jeu vidéo, est fondamentalement complexée vis-à-vis d'Hollywood. Elle veut être Hollywood. Le seul moyen de convaincre les dirigeants de débloquer les budgets pour donner le feu vert à des projets, c'est de proposer des productions similaires à des films qui les impressionnent. Voilà honnêtement pourquoi des choses de ce genre se produisent. Donc voilà, on peut dire que il y a peut-être aussi aujourd'hui une façon de faire des jeux, de pouvoir proposer un jeu. Que ça soit à Sony ou à d'autres éditeurs, c'est qu'il faut que ça soit impressionnant, faut que ça parle aux joueurs qui aiment aussi le cinéma. Donc on rentre finalement dans des jeux qui sont un peu, ce que tu disais tout à l'heure, un peu hybride entre l'ancienne manière de faire du jeu vidéo et une nouvelle manière qui serait plus liée à une expérience cinématographique. Je trouve ça intéressant sa réaction, sa remarque, parce que je suis d'accord que voilà, Ready at Dawn il tente quelque chose, on va dire à mi-chemin entre le jeu vidéo et le film, c'est pourquoi pas, tu vois, il faut tenter des choses. Maintenant, moi personnellement, mais je le vois vraiment comme un gros noob du jeu vidéo, mais je sais pas ce que je demande à un jeu vidéo de se rapprocher d'un film. Personnellement, je leur demande l'inverse en fait. Je préfère jouer à un jeu vidéo qui s'éloigne d'un film et qui est concentré sur sa force de gameplay par exemple, ou sur une idée toute bête mais qui va l'exploiter juste au fond et qui est pas forcément là pour me raconter une histoire très intéressante, à la rigueur presque je m'en fiche. Et qui va vraiment axer sur ce qui fait qu'il y a un gameplay où tu prends du plaisir. C'est pour ça que je suis un gros fan, on va dire, de Nintendo dans une certaine mesure, parce que les histoires dans Nintendo, on va pas dire que ça soit le centre des jeux, mais t'es vraiment concentré sur ce qui fait la particularité d'un jeu vidéo. Pour moi, c'est mon avis personnel, bien sûr. Donc c'est à savoir le gameplay, etc. J'ai du mal à trouver de l'intérêt à ces jeux qui veulent absolument peut-être trop copier un cinéma qui finalement fait son cinéma très bien dans son coin. Si le cinéma fait du cinéma, il y a une raison que ça soit un média à part entière et pas le jeu vidéo. C'est qu'eux, ils sont spécialisés pour raconter des histoires, etc. Dans le jeu vidéo, tu dois vivre une histoire et c'est pas pareil, quoi. Et c'est pas avec les QTE en plus que tu y arrives, donc... Je ne sais pas s'ils ont trouvé le bon fonctionnement de relier ces deux mondes, et je ne sais même pas si c'est une bonne idée de vouloir en fait relier ces deux mondes. Mais ça, parce que, enfin, moi, l'intérêt d'un jeu vidéo, je ne dirais pas que l'intérêt du jeu vidéo c'est le gameplay. Après, on dit un jeu vidéo c'est du gameplay ou c'est pas du gameplay. C'est simplement, moi, je me pose toujours la question quand d'un créateur de jeu vidéo, la place qu'il donne aux joueurs. Ce qu'il demande aux joueurs. Si un jeu vidéo me prend tout le temps par la main, me dit attends, là c'est là que tu dois regarder, là c'est là, là tu dois appuyer sur ce bouton là, là c'est là ce que tu dois faire. Pour moi, c'est pas un jeu vidéo qui est évolué. Non. Pour moi, c'est un jeu vidéo qui régresse. Et moi, ce que j'aime d'un jeu vidéo, c'est qu'il me laisse tester un système, c'est qu'il me laisse tester des choses, qu'il mette en place des règles. Ça, c'est logique. C'est pas forcément, il faut qu'il y ait tout le temps que ça soit libertaire dans un jeu vidéo. Il peut y avoir des jeux en couloir qui sont très bien faits. Et là, par exemple, on citait Gears of War. Pour moi, Gears of War, c'est un très bon exemple d'un jeu qui a un excellent gameplay et qui te permet de faire plein de choses, plein de tactiques différentes dans un cadre. Ça reste quand même un jeu qui est fermé. Mais si un jeu te dit, tu dois faire ci, tu dois faire ça, je trouve déjà, c'est pas intéressant. Et ça empêche pas. Moi, je pense à un jeu, par exemple, comme BioShock, un jeu qui a un univers très développé, une narration vraiment excellente et qui reste un jeu vidéo avec des mécaniques de jeu vidéo, avec une culture du jeu vidéo et qui est pas du tout un film. Et pourtant, c'est un scénario qui est très très bien élaboré, c'est une narration qui est très très bien construite. Mais voilà, ils ont utilisé des choses. Il faut utiliser un autre langage que le langage de la cinématographie, qui est pas pour moi adaptable directement au jeu vidéo. Alors c'est vrai qu'on parlait de Nintendo parce que eux, ils sont à l'opposé du spectre, c'est-à-dire que eux, ils raisonnent uniquement par et pour le gameplay. Donc finalement, l'univers, il vient autour. Et c'est pas qu'il est pas intéressant, mais il est, on va dire, un peu plus, il est secondaire. Finalement, un jeu Nintendo, c'est quelque chose à prendre en main, en fait. Tu peux juste en parler quand tu l'as pris en main. Mais c'est intéressant, ta remarque sur BioShock, cela dit. Je trouve que c'est une très bonne comparaison d'un jeu, effectivement, qui a peut-être les mêmes ambitions qu'un The Order, mais qui arrive différemment, peut-être. Qui arrive peut-être mieux, l'histoire le jugera, au final. Mais c'est vrai que BioShock a quand même été un peu mieux accueilli que The Order. Voilà. Et si c'est vouloir faire des films, entre guillemets, jeux vidéo, qui est le but, ou en tout cas vouloir s'approcher de cet esprit de raconter des histoires, j'ai le sentiment que c'était aussi peut-être mieux réussi dans cet aspect-là. Oui, ou alors il faut le faire comme fait Telltale Game, ou à la limite David Cage, on en pense qu'on en veut, mais faire vraiment des jeux, des films interactifs. C'est-à-dire des manières de gameplay, parce que là, The Order, ça reste quand même un TPS, donc quelque chose qui est très codé dans l'univers du jeu vidéo, et peut-être que Telltale Game, eux, ils font des séries interactives. En quel cas, je peux comprendre, parce que eux, ils l'annoncent clairement, ils vont dire on va vous faire un film interactif, et c'est presque un livre dont vous êtes le héros animé, quelque part. Personnellement, je sais par exemple que moi, je n'achète pas de Telltale Game parce que je n'apprécie pas ce type d'intention. C'est pas mon but dans le jeu vidéo. Moi, j'aime plus le gameplay, je te l'ai dit. Mais c'est vrai que, au moins, je trouve qu'ils le disent clairement. Là, peut-être que c'était ça qui était peut-être pas dit aussi assez clairement pour The Order. Peut-être qu'on. Alors après, peut-être que nous, on apparaît comme rétrograde et peut-être que dans le futur, on mélangera, peut-être que ça inventera une forme où on arrivera à mélanger cinéma, interactivité et qu'il y aura peut-être les prémices et c'est des premiers essais, même si ça s'est déjà fait il y a pas mal de temps. Et peut-être que ça prendra une forme plus aboutie. Ou moi j'espère que si ça se fait, que le joueur sera vraiment... En tout cas, avec la forme que ça a pris là, ça n'a visiblement pas séduit les gens. Donc ça doit prendre une autre forme. Bon. En, en tout cas, malgré lui, ce jeu a l'avantage de nous interroger sur le média, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Mais un peu à son détriment, je dirais, plutôt que par rapport à ce qu'il propose, parce que pour moi, c'est pas, j'y vois pas un geste fort d'essayer de renouveler le média. J'y vois juste un TPS ou avec plus de narratif, et on en a déjà vu. Donc je trouve pas que ça soit un geste fort comme pouvait me le faire David Cage avec ses jeux, même si ça, c'était finalement des point and click nouveau genre, mais là pour le coup il y avait une volonté de rompre avec un modèle chez David Cage, ce qu'il n'y a pas à mon avis là dans The Order. Il y a des rumeurs de suite, j'ai cru lire un peu sur internet, oui, déjà sur The Order, parce qu'il faut rentabiliser le moteur. Le créateur a écrit, il y a le moteur, il a écrit toute la bible du jeu, et ça pourrait se passer à différentes époques, puisque là on voit que c'est 1886, c'est l'époque à laquelle ça se passe. Moi je pense que le jeu va bien marcher, parce que même s'il est mal accueilli, c'est une exclu, il sort dans une période où il n'y a pas grand chose qui sort d'autre, et je pense que le buzz généré autour fait qu'il y a une curiosité, même si on va en retrouver 550 000 dans les bacs à solde, ou dans les bacs à occasion d'ici une semaine, maintenant. Même maintenant. maintenant, je pense que tu y vas, tu en as au moins 10. Ouais. Mais je pense quand même que le jeu va marcher. Donc tu penses qu'il y aura quand même un deuxième aspect Je ne les vois pas investir dans un moteur aussi lourd que ça, et puis après, même un univers qui a l'air quand même assez développé, et pas faire une suite, quoi. Et voilà, après peut-être que ça fera comme Assassin's Creed où le premier posait juste l'univers et qu'ensuite ils vont réussir à améliorer le gameplay, à faire quelque chose de plus dense et de un peu plus long peut-être. Mais c'est ce qu'on leur souhaite, c'est ce qu'on nous souhaite. Oui, on le souhaite à tout le monde finalement ça. Bon, c'est intéressant tout ce débat. D'ailleurs, je vais revenir sur une news aussi qui est passée cette semaine qui concernait le critère de choix d'une console. On sait que maintenant ça fait 2 ans environ, on va dire 1 an et demi, 2 ans et demi, que les consoles de génération actuelle sont sorties, la Wii U, la PS4, la Xbox One, et la PS4 domine largement le marché. Donc l'Institut Nielsen a posé la question auprès de nombreux clients américains qui étaient au moins âgés de 13 ans, pourquoi ils choisissaient telle ou telle console. Et en fait, des critères se sont dégagés qui se différencient d'une console à l'autre. Alors par exemple, pour la PlayStation 4, ce qui arrive en numéro 1 comme critère, c'est la résolution. Donc, tout ce qui concerne les débats que moi je trouve stériles sur la résolution du 900p ou 1080p ou autre chose, finalement les gens ils font très attention. C'est le premier critère d'achat pour la PS4, c'est ça ? Pour la PS4, oui. Ils se disent j'achète une PS4 parce qu'elle a une meilleure résolution que les autres. Ah, comme quoi ? Voilà. Comme quoi Sony, ils ont tout intérêt à insister là-dessus. Exactement. Finalement. Alors que tu places quelqu'un lambda devant une résolution 900p ou 1080p, personne ne pourra faire la différence. Ouais, mais c'est logique parce que les deux consoles qui s'affrontent, la PS4 et la One, sont sorties en même temps. Elles proposent peu ou prou les mêmes jeux en termes multiplateformes. Donc finalement, si tu choisis une console, pourquoi tu choisis pas la PS4 si elle te propose une résolution de 1080p plutôt qu'une résolution de 900p et qu'elle était à l'époque 100€ moins chère. Mmh. Le prix peut rentrer, mais je trouve ça logique que certains citent la résolution. Après, forcément, c'est un peu ridicule dans le sens où tu vas pas choisir une console. Tu vas choisir une console pour ces jeux en théorie. Bah ouais, mais visiblement non. Enfin, je pense que si tu vas derrière l'argument, ça peut être aussi vu comme ça en fait. Exactement. Mais bon, c'est intéressant comme argument. Le deuxième argument pour le choix de la PlayStation 4, ça serait la présence d'un lecteur Blu-ray. Ah, voilà. Ouais, bon. Pourquoi pas lecteur Blu-ray qui est aussi présent sur la Xbox One. Ouais. On le sait moins d'ailleurs. On le sait moins, mais c'est normal parce que c'est le Blu-ray, c'est une invention de Sony. Ils l'ont mis en avant pour la PS3. Il n'y avait pas de lecteur Blu-ray sur la Xbox 360, parce que c'était un propriétaire. Puis Microsoft va pas trop communiquer en disant « Oh, on a un lecteur Blu-ray ». Voilà, qui n'est pas du tout... Voilà, on verse toujours des royalties à Sony. Sony fait mieux les choses que nous. Troisième critère, c'est la ludothèque. On parlait justement des exclus. The Order fera peut-être son petit travail de vente de PlayStation 4. La puissance du processeur en critère suivant. Et enfin, le choix de famille. C'est-à-dire que entre ce que veulent les enfants et les parents, la PlayStation 4 a l'air de réunir un peu tout le monde. C'est marrant ces critères. C'est incroyable. Voilà. C'est pas du tout ce que j'attendais perso. J'attendais des jeux quand même en premier perso, mais bon. Et pour Microsoft, le premier critère le plus important, c'est la marque. Voilà, ça montre que... C'est une étude faite aux États-Unis, ça ou... C'est une étude américaine. Aux États-Unis, c'est donc la c'est marque pas Xbox, surprenant. Elle est très appréciée, on va dire. Ouais. C'est une marque très... Je pense que tu ferais ça en Europe, le côté marque PlayStation reviendrait peut-être beaucoup plus. Voilà, évidemment. Et puis Microsoft, c'est une marque locale aux États-Unis. C'est... Voilà, ouais, c'est ils sont fiers, il y a une question de fierté. Donc ça marche beaucoup. Ensuite, tout ce qui est innovation, le Kinect, l'OS assez intéressant de la Xbox One. Est un critère d'achat. Surtout avec OS. Moi, honnêtement, avec l'arrivée de Windows 10, je trouve que la Xbox One peut très bien évoluer s'il réussit à prendre ce virage. Voilà. Le Kinect, c'est un peu étonnant. Quoi, non, Kinect, c'est pas intéressant ça. Mais c'est l'OS. Les gens ils disent ça, bon. Oui. Bon. Puissance du processeur arrive aussi. Après, l'exclusivité, enfin, en quatrième critère. Et après, le plaisir que nous apporte la console en dernier critère. Pour Microsoft. Donc en fait, en gros, les gens ils achètent une console et puis ils mettent des photos en 1080p. Il n'y a pas de jeu, non, bah non, on s'en fout. Après, c'est 1080p. Donc finalement, Microsoft, c'est le côté séducteur de la marque qui a l'air de ressortir. Moi, c'est ce que je retiens de ça. Plus que, Sony, on la dit, fidélité, je vais acheter, voilà, la fidélité à la marque. Quoi. Ouais. Ouais. Je vais, Sony, je vais acheter une console puissante. Xbox One, je vais acheter Microsoft. Voilà, je vais acheter peut-être une marque que j'aime bien et qui a potentiellement une bonne évolution, surtout dans l'OS, que je trouve intéressant. Moi, c'est ce que je pense que tu vas trop loin. Je pense que toi, tu te dis ça, mais les gens, ils se disent pas, tiens, je vais passer à Microsoft parce que l'OS va évoluer. Déjà, le terme OS, personne ne dit ça pour une console, mais ça. Bon, bref. Et après la Wii U, alors ça c'est complètement différent, c'est là où c'est très amusant. Les gens choisissent une Wii U pour son potentiel d'amusement avant tout. Donc on parle voilà, plus du tout de puissance. Et voilà, Nintendo encore une fois. Mais en même temps, Grégoire, tu as une Wii U. Et tout compris. Voilà. Donc forcément, tu es d'accord avec ça. Mais non, mais c'est vrai, ils ont tout compris, voilà, c'est ça. Une console, c'est fait pour s'amuser. Mais oui, ça, je suis d'accord avec toi. Le deuxième argument, c'est la console pour les plus petits. Donc en tant que père de famille, mère de famille, tu achètes une Wii U, t'es tranquille, il voilà, y aura pas de. Tu sais que tu n'en. Là, il y a pas de voilà, comparaison, ouais. Pas de Peggy. Enfin, il y en a quelques-uns. Il y en a, mais voilà, tu peux acheter les Mario tranquillement, quoi. Il y a rapport qualité prix. Ouais, ça c'est plus discutable peut-être. Oui. Elle reste cher, relativement chère. Oui, c'est de la bonne qualité. Pour son hardware, reste... bon, c'est vrai que le gamepad coûte assez et cher. Et puis le mec qui aime Call of Duty, tu parles de qualité sur la Wii U, je pense qu'il se rit. Ça dépend ce qu'est entendu par qualité. Voilà, c'est qualité, un terme, ça veut rien dire. Si on parle de qualité de finition du produit, il est bien, mais même tu vois, la mablette, bon, son écran, elle est quand même pas exceptionnelle, quoi. Ouais. Elle remplit son rôle. Quoi. Voilà, c'est pour ça que qualité, ça ne veut rien dire pour moi. Bon. Ouais, bof. Après, la rétro-compatibilité avec les jeux Wii, ça c'est bien, puisqu'elle s'est tellement vendue. C'est vendu, important. Marrant que ce soit un critère qui sorte, parce que souvent, c'est les constructeurs te disent mais non, mais personne ne veut la rétro-compatibilité. Ils nous ont dit ce qu'ils. Bah, ils disent surtout ça pour revendre des remasters. Mais voilà. Ils nous disent ce qui les a rangés, quoi. Et enfin, les exclusivités de la console. Ah bah ça, oui. Là, ça devrait être dû à privé premier, ça. Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Oh, l'amusement, je trouve ça assez logique. Pour... Amusement et deuxième, j'aurais mis les... Ben, ils savent pas répondre, les gens. Mais en fait, c'est... Non, mais c'est juste que tu t'amuses sur les exclusivités, sauf que tu as là. C'est un seul critère. Sur la Wii U, tu peux que t'amuser sur les exclusivités. Oui, tu t'amuseras pas sur les éditeurs tiers. Hein. Non, ça, c'est sûr. Exactement. Après, il y avait un deuxième partie du sondage qui disait, en fait, en tant que possesseur de PlayStation 4, Xbox One ou Wii U, qu'est-ce que vous avez d'autre comme console ou qu'est-ce que vous avez eu avant? Donc ouais. Voilà, ce qu'il faut noter, c'est surtout qu'un grand pourcentage des acheteurs de la Wii U possèdent une PlayStation 3 ou une Xbox 360. Ouais, bah ça, ce ouais, qui confirme que la Wii U est plutôt une console d'appoint, en fait. C'est-à-dire qu'on achète une puissante consente, on a une puissante console. On a une console puissante. Merci, oula, j'ai du mal. Facile. Une puissante console. non, mais laisse tomber. Une console surtout puissante. Que le terme d'appoint, je le trouve assez. J'aime pas du tout ce terme de t'aimes console pas, d'appoint. Ah, non, oui, parce que je trouve pas que ça soit. Enfin, ça dépend des sorties de jeux, ça dépend des goûts des gens. Enfin, je sais pas, il y a pas. Ouais, moi, je trouve que je suis assez d'accord avec Julien pour le coup. T'as pas une console prioritaire par rapport à l'autre, quoi. Moi, je sais pas, en ce moment, ma console complémentaire, c'est. Moi, je parle plutôt de console complémentaire, c'est plutôt la Xbox One, quoi. Ouais. J'ai une Xbox. Enfin, dans les nouvelles générations, j'ai une Xbox One et une Wii U, et voilà. Tu joues plus en ce moment? En ce moment sur la Wii U, il y a peut-être un moment où tu joueras plus. Sur voilà, les... tout à fait. Ça dépend vraiment des sorties de jeux et j'ai pas une console principale. Donc j'ai pas de console d'appoint en fait. D'accord. C'est-à-dire que la Wii U. J'achète des jeux en fait. La Wii U t'occupe autant que ta Xbox One. Ouais, j'achète des jeux donc après ça dépend des goûts de chacun. Peut-être console d'appoint, on peut le dire pour les téléphones portables, peut-être, tu vois. Genre justement, j'y joue d'appoint dans le métro pour cette occasion. Mais enfin, moi je le ressens effectivement un peu mal entre guillemets ce terme d'appoint. Ouais. Il y a un côté très négatif. Il y a un côté négatif. Sur c'est une petite console de côté, quoi, qu'on laisserait de côté. Bah, écoute, Julien, je vais te laisser la parole. Tu voulais nous parler de Rock Band. Oui, parce qu'il y a une rumeur qui m'a ravi. C'est le retour possible de Rock Band, le jeu musical d'Harmonix. Hein, c'est vrai que t'aimes bien, toi. Ça. Ah, j'adore. Moi, j'ai toujours rêvé d'être musicien, enfin surtout guitariste. Mais voilà, je suis un peu feignant pour apprendre la guitare. J'ai commencé, j'ai tenu 2 semaines. Donc voilà, c'était beaucoup trop compliqué. Donc dans Rock Band et Guitar Hero avant lui, c'était le moyen vraiment idéal pour moi de jouer des morceaux de légende assez facilement. Hein. Voilà, même si ça peut être assez dur quand tu montes les niveaux de difficulté. Ouais. Tu deviens vraiment, pour le coup, un Guitar Hero. Et donc en fait, cette rumeur, elle est née de Bloomberg, qui affirme, via l'expression consacrée, une source proche du dossier, même du projet là, en l'occurrence, qu'Harmonix travaillerait sur un nouvel épisode pour PS4 et Xbox One, et que le jeu pourrait être annoncé à la PAX East 2015 qui débute là en mars, c'est le 6 et 8 mars, donc tout bientôt on va savoir s'il y a un nouveau Rock Band. Alors c'est vrai que le jeu musical instrument, moi je suis fan, mais c'est vrai que ça a eu un pic, hein, et c'est retombé très très vite, un peu comme 50 nuances de Grey. Hein. Voilà. Mais ils ont un peu trop tiré sur la corde aussi. Bah, c'est clair, voilà. Ça a été un phénomène un phénomène énorme à la charnière des générations entre PS2, PS3, Wii et 360, et c'est vraiment retombé d'un coup. Alors tu disais, voilà, ils ont trop tiré sur la corde, il y a peut-être eu trop d'épisodes, les gens s'en sont peut-être lassés, c'est vrai que c'est un concept qui n'est pas facile à renouveler. Et puis il y avait aussi le prix des instruments, c'est-à-dire si à chaque fois tu dois racheter si t'as Rock Band clarinette, Rock Band flûte à bec, tu vois, je... flûte à bec. C'est tout de suite moins rock, je trouve. Mais non, bon. Mais voilà, tu vois, parce qu'il y a eu d'abord Guitar Hero, oui. Donc t'avais juste ta guitare, hein, ça coûtait déjà cher. Et après, t'as eu Rock Band où t'avais la batterie, le clavier, t'as eu la guitare, le micro. Donc là, t'étais carrément un groupe de rock. Donc c'est vrai qu'après, bah, y a une question aussi de mettre tout ça dans ton salon de 45 mètres carrés ou de. Voilà, si t'as pas de maison, c'est compliqué. Ça. Donc voilà, là, l'idée, c'est de voir ce que Rock Band, enfin, ce que Harmonix va imaginer pour la suite de Rock Band. Et c'est vrai qu'après, il y a eu pas mal. Là, ça a vraiment plongé. Il y a eu quelques années de silence. Et on a eu la sortie de Rock Band Blitz, qui était un jeu Rock Band sans instrument. Donc, il joue à la manette. Personnellement, moi, j'avais testé la démo. J'avais trouvé ça un peu sans intérêt. Parce que le but, c'est quand même que tu aies une guitare dans la main et que bah tu oui. te prennes pour un Guitar Hero. Et puis, c'est vrai qu'on avait vu des DLC qui étaient revenus pour Rock Band, alors qu'il n'y en avait plus du tout. Je crois qu'il y avait eu un morceau des Foo Fighters et un morceau des Arctic Monkeys. Et ils avaient aussi lancé un questionnaire pour voir un peu si les joueurs seraient intéressés par un nouveau Rock Band. Et on a aussi appris, pour compléter cette news, via Kotaku, qu'Activision s'apprêterait aussi à relancer Guitar Hero sur PS4 et One. Donc ils se disent, bah, s'il y en a un qui relance, voilà, peut-être que l'autre aussi s'est dit marché ça. Marché mûr, voilà. Le marché est prêt. Quoi. Faut se dire, bah, tiens, faut pas rater le coche au cas où ça recartonne. Voilà, donc là, on annonce peut-être une présentation à l'E3 et une sortie pour la fin d'année pour Guitar Hero, dans un style visuel, pour le coup, beaucoup plus réaliste, mais avec le même principe de jeu, donc toujours des instruments. Donc c'est vrai que Guitar Hero avait un côté très cartoon. Rock Band était un peu plus sérieux, moi je suis plus Rock Band, même s'il faut savoir que les gens qui ont fait Rock Band, c'était ceux qui avaient fait Guitar Hero et qui sont partis après les premiers Guitar Hero et qui ont fondé Rock Band. C'est les mêmes en fait qui ont créé les deux jeux, mais je trouve que Rock Band, t'avais plus l'impression de jouer le morceau Guitar Hero, des fois c'était un peu, voilà, t'avais l'impression de faire 70 notes alors qu'il y en avait 4, c'était un peu ça quoi. Mais voilà, donc moi je serais très content que ça revienne, je réinvestirais dans les instruments. On aura la confirmation d'ici le prochain podcast du coup. Bah ouais, pour Rock Band, et il faudra attendre l'E3, moi qui devance l'annonce pour pas laisser de la marge à Harmonix, peut-être qu'Activision se dira, bah. Faut pas qu'Electronic Arts nous grille la politesse. D'accord. Greg, tu veux nous parler de Nintendo ? Ah oui, je vais vous parler de Nintendo. Moi, j'arrête pas de parler de Nintendo. Ah tous oui. les podcasts, je parle de Nintendo. Et je parle pas que de Nintendo, je parle notamment d'un point spécifique de Nintendo. Je parle des Amiibo. Et oui, y a le point Amiibo doit être fait aujourd'hui. Tiens, un nouvel Amiibo est entré dans la maison de Greg. Je l'ai vu. Pendant le podcast, j'ai rien osé dire et je l'ai repéré vraiment là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est nouveau ? Je me suis dit, il va pas repérer. C'est et bon. J'ai vu, il a essayé de me feinter avec un espèce de petit bisounours qui est entre les quatre Amiibo. Ma femme achète ses propres Amiibo. Elle a pas le droit aux Amiibo, donc elle achète ses figurines. Elle, tu vois. Voilà, donc il y a un petit bisou, mais je vois un magnifique Donkey Kong. Eh oui, ma fille, pour mon anniversaire, m'a offert Donkey Kong en Amiibo. Voilà, une fille magnifique. De 3 ans qui offre un jouet à son papa. Voilà. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. C'est pour dire à quel point on a perdu la tête avec ces Amiibo et ça, c'est pas prêt de s'arrêter parce que enfin, apparemment, on sait à quoi ils vont servir. Ça y est, il y a des news qui commenceraient à circuler, des rumeurs. Non, je peux pas le croire. On peut, ouais, peut-être qu'ils vont servir à quelque chose. Parce que bon, c'est vrai que pour l'instant, les nouvelles armes dans Hyrule Warrior, c'était assez limité. Non, a priori, les Amiibo vont débloquer des démos spéciales des jeux NES et des jeux Super NES. Je sais pas s'il faut s'en réjouir. Voilà, donc c'est Satoru Iwata qui a confirmé cette information. Bon, à voir. Alors, si c'est des jeux, ok, mais des démos. C'est des démos. Bon. Hein. Ça sera des démos qu'on pourra pas, qui seront limitées dans le temps. Ouais, en plus. Qui seront, liés à l'Amiibo que tu as, au personnage de l'Amiibo que tu as, donc Donkey Kong par exemple. Hein. Donc voilà, ça débloquera une scène spécifique d'un jeu NES ou d'un jeu Super NES à voir. Apparemment, ça serait une application qui devrait être mise sur la Wii U d'ici le mois de juin. Donc moi, je suis quand même relativement impatient dans le sens où de toute façon aujourd'hui, ils servent à rien. Donc autant avoir une petite scène, tu vois, avec Kirby ou je ne sais pas, sur laquelle tu peux jouer et faire un peu de rétro gaming. Voilà, ça me donnera une occasion de plus d'aller acheter des Amiibo. Les Amiibo, de toute façon, si vous en trouvez pas, ils ont aussi, Satoru Iwata aussi confirmé qu'ils arriveraient sous forme de cartes, hein, pour ceux qui savaient pas du tout. Moi, c'est un truc que je suis depuis quelques temps, mais. Donc, moi, je suis un peu curieux de ça, on sait que ça va être sous forme de cartes dès cette année. Bon, je sais pas s'il y aura la même folie, parce qu'il y a peut-être un côté moins collector avec les cartes ou moins sympa. Moi, ça m'intéresse plus parce que je trouve. Ah ouais, ouais. Ça prend moins de place. Ouais, c'est moins de place, ça prend moins la poussière. Ah, peut-être que ça va être aussi la folie, il faut peut-être que j'en achète vite, je vais en acheter. Et c'est vrai que si elles sont sous forme de cartes, on va peut-être plus facilement en trouver certaines. Alors, je fais allusion ici au Mario Doré, je sais pas si t'as vu ça, ouais, Julien. Oui, j'en avais parlé. Oh là là là là, bah ouais, tu avais annoncé son apparition. Ouais, c'est le Mario Doré, et aux États-Unis, ça a été n'importe quoi, encore une fois. Donc, les Américains se sont arrachés Mario Doré, donc qui était vendu en partenariat chez Walmart, et les stocks n'ont tenu que 15 minutes des Mario Doré, voilà. Et il y a déjà eu des annonces sur eBay pour vendre des Amiibo Mario maintenant à autour de $99. Hein. Donc ça commence juste, il y en a qui vont jusqu'à $1000 déjà. Voilà. Je vous ai parlé dans un précédent podcast d'une pratique qui consistait à acheter les amiibos d'un personnage qu'on n'aime pas pour que personne ne les ait d'autres. Et j'ai vu une photo donc, d'un type qui déteste Harmony et qui a acheté au moins 50 ou 100 Harmony. J'ai vu cette photo. Et on le voit comme ça en train de faire des doigts d'honneur sur la photo et avec tous les Harmony devant. Je ne sais pas si c'est une bonne technique dans la vie globalement. En fait. C'est horrible, il y a des gens qui cherchent Harmony partout et lui il en a un stock de 100. C'est clair. Juste pour le plaisir de la haine, je trouve ça fort. Il va se faire, je pense qu'il y a aussi un peu un intérêt financier, il va se les faire. Mais bon, je relativiserai la folie des amiibos en Europe par rapport à celle des États-Unis, hein, puisque si, comme moi, vous êtes déjà retrouvé dans un supermarché un jeudi après-midi à la recherche de Kirby au lieu d'être au boulot, imaginez que personne ne fait ça. Bah, moi, et tu l'as trouvé, il est là. Je le vois, Kirby. Imaginez que 63% des ventes des amiibos se font quand même sur le territoire nord-américain et seulement 23% en Europe. Donc, on parle de folie en Europe et les gens hallucinent un petit peu du succès en Europe. Mais ce n'est vraiment rien comparé aux États-Unis. Ouais. Donc je continuerai sur Main News Nintendo avec quelque chose quand même de plus sérieux, puisque entre nos deux podcasts, on avait parlé de la New 3DS hein, qui est sortie. Bon, bah voilà, c'est un succès hein, globalement. Rapidement, au bout de 3-4 jours, on avait des chiffres de vente. 4 jours, c'est ça. 4 jours après sa sortie, on avait déjà des chiffres de vente assez impressionnants, parce qu'elle s'était écoulée à plus de 160 000 exemplaires en Europe et 170 000 exemplaires en Amérique du Nord. Voilà, donc moi ça m'a vraiment plutôt impressionné. Bon, c'est vrai, bien sûr, il y avait les sorties de Legend of Zelda, Majora's Mask et Monster Hunter 4 Ultimate qui étaient logiquement corrélés à ce succès, mais c'est quand même des beaux chiffres. Alors, les gens, globalement, je pense qu'ils savaient qu'il allait y avoir une Nintendo 3DS. Ils ont dû attendre. Je pense que les chiffres après, au final, il faudra revoir si ça a vraiment relancé l'intérêt. Mais c'est des meilleures ventes que la 3DS XL. C'est des meilleures ventes et je me demande si l'aspect des coques n'y est pas pour quelque chose. J'ai peur qu'ils aient renouvelé le succès des Amiibo, mais avec les coques. Ce studio aux États-Unis, ils en ont pas donc. Alors voilà, c'est ça. C'est, j'allais dire, je savais pas si vous le saviez ou pas. Moi, je l'ai appris un peu, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils en ont pas de ils ont que la 3XL. Ouais, alors c'est que pour le. Apparemment, c'est une question de choix, juste marketing pour pas perturber les gens, qu'ils aient pas trop d'offres. C'est ce qu'a déclaré. Alors attends, Damon Baker, le senior manager en marketing. Il risque trop acheter les gens. Non mais voilà, en fait, lui, il a dit, je cite, être capable de présenter la machine et de la rendre simple à comprendre pour les consommateurs. Bref, ils les prennent pour des cons. Non, mais on peut comprendre le choix parce que c'est toujours un peu compliqué entre la 3DS, la 3DS XL, la New 3DS, la New 3DS XL, la 2DS. Ah, voilà. Parce qu'on part de la DS. En fait, il dit bon, Nintendo Japon, ils ont fait n'importe quoi avec leur marque et nous, on essaie un peu de mettre d'ordre dans tout ça. C'est ça. Voilà. Bah, aux États-Unis, ils ont la 2DS, la 3DS et la New 3DS XL. Point. Est-ce qu'il y aura une 2DS XL? Une New 2DS XL. Une New 2DS XL. Oh, sûrement, avec un prix droit. Ça devient Street Fighter, le truc. Et enfin, alors de quoi je voulais vous parler aussi sur Nintendo, je voulais vous parler de Zelda, hein, puisque Zelda, on sait qu'on attend ça avec impatience. Il y a des rumeurs, je ne sais pas si tu as vu ça, Julien, dans la nuit, j'ai vu ça, qui disent que ça va sortir au printemps. Moi, je dis, je call bullshit. Je dis bullshit. Bah oui, surtout que Star Fox est censé arriver avant, donc ça veut dire Star Fox, il sort demain. Moi, je dis, les gars, on l'aura à l'E3, arrêtez de dire n'importe quoi. C'est pas possible. Bon, bref, en tout cas. Déjà, Star Fox à l'E3, je pense. Oui, non, mais voilà, on aura des démonstrations, oui, on n'aura pas là au printemps à l'acheter, quoi. Ouais, et puis c'est impossible qu'ils le sortent là. Ce qui m'a étonné dans cette news sur Zelda, bon, c'est que voilà, ils avaient dit que ça allait utiliser toute la puissance de la console comme les autres Zelda, bon, voilà, mais c'est Eiji Aonuma, qui donc, est un responsable de la licence Zelda actuellement chez Nintendo, qui a évoqué sa retraite à l'occasion de d'une interview. Il dit, je suis probablement plus trop loin de la retraite, je devrais commencer à penser à un successeur, quelqu'un qui pourrait prendre en charge tout ça. Il a 53 ans. Moi, je trouvais ça un peu tôt, puis ça m'a étonné qu'il pense ça. Alors, est-ce que c'est si compliqué, est-ce qu'il a autant de pression que ça sur les épaules? Sûrement, j'ai envie de dire. Peut-être marre de faire du Zelda. Hein. Ouais, c'est vrai, je sais pas. Je sais pas si vous avez un nom en tête. Tu connais, toi, des gens, t'as quelqu'un en tête qui pourrait reprendre la flambeau Zelda? Parce que c'est quand même un enjeu majeur pour Nintendo aujourd'hui. Zelda. Non, après, je pense que c'est plus des choses internes. Hein. C'est-à-dire, c'est les gens qui forment au fur et à mesure. On sait que Aonuma, il a pris la succession de Miyamoto, donc peut-être ça peut se faire comme ça. Je connais pas précisément les noms des gens qui travaillent chez Nintendo à côté d'Aonuma sur Zelda, mais peut-être, voilà, il y a quelqu'un qui prend du galon au fur et à mesure, qui reste à côté et qu'après qu'apportera. Moi, je me suis demandé un petit peu si ce serait pas Takeshi Tezuka, c'était lui qui avait dirigé avec Miyamoto Link to the Past et Link's Awakening. Ouais, mais il a pas été tout jeune quand même. Bah, il est beaucoup plus jeune. Hein. Ah bon? Ouais, enfin, en tout cas, en photo, j'ai pas été regarder son âge, j'ai pas été fouillé dans sa bio, machin, etc. Mais il avait l'air beaucoup plus jeune, quoi. Donc je me suis dit, tiens, est-ce que c'est peut-être lui qui va reprendre? Enfin, bon, bref, on verra à l'arrière. Et puis je terminerai sur mes news Nintendo avec Kirby and the Rainbow Curse qui va sortir en Europe seulement à l'automne, je crois. Donc on n'est pas près de l'avoir. Ouais, alors qu'il est déjà sorti aux alors États-Unis. Alors que voilà, et il est sorti, quoi. Il est sorti aux États-Unis entre nos deux podcasts. Donc je voulais juste parler de l'accueil, hein, qui est sorti le 20 février. C'est vrai qu'il y a tellement de jeux Wii U qui sont dit, on va le décaler. décalé. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais un peu déçu, mais en plus, alors l'accueil aux États-Unis, 76 sur 100 sur Metacritic pour l'instant. Bien, mais pas top, j'ai envie de dire. Ouais. Mais bon, quand même, avec des un critiques petit peu assez. En dessous de Captain Toad. Ouais, c'est ça. C'est un peu dans le même esprit qu'un Captain Toad, hein, de toute façon. Je pense qu'il faut prendre, comme Stan, tu l'avais dit dans un podcast, des jeux un peu, peut-être moins grands, moins ambitieux, mais aussi moins chers et peut-être plus rapides. Par contre, il est, moi, quand j'avais joué, j'ai trouvé plus dur que Captain Toad. Alors là, il y a débat dans les critiques. Il y en a qui sont assez surpris par le mode défi par rapport et par la recherche d'objets de collection qui disent que ça fournit beaucoup de difficultés. C'est quand bien même. Ça. Ah oui, c'est bien. Ça, c'est bien. Par contre, tu vois, Famitsu a dit que les niveaux étaient justement trop simples, trop linéaires et trop faciles de collecter les objets. C'est ça. Et il y a des trucs, moi je me suis dit, ça va être dur de tout récupérer. Par contre, là où ils sont unanimes, c'est que le jeu est très agréable à jouer et qu'il est magnifique. Ouais. Alors, apparemment, c'est le plus beau jeu de la Wii U pour l'instant. Ouais, le rendu pâte à modeler, c'est très bien rendu. Donc, voilà. C'est la grande force de Nintendo, faire des jeux très faciles au premier abord qui peuvent être très durs si tu y accroches. Quoi. Bon, puis je conclurai avec la Wii U TV, hein, je ne sais pas si vous avez vu passer qui ne sera pas compatible, qui ne verra pas le jour en Europe. C'est pas très grave. On pourrait s'y attendre. Hein. Donc en gros, c'est un service de VOD qui existe au Japon et aux USA pour Nintendo. Qui n'existera pas en Europe, notamment à cause des difficultés de traduction et des différents droits qui existent en Europe sur les productions audiovisuelles. Oh. Bon, c'est pas si grave que ça que Nintendo ne se lance pas ça, à l'arrière qu'ils se concentrent sur leur jeu, pourquoi pas. Ça nous va. C'est bien quoi. Julien, tu voulais nous parler de Tri-Ace ? Ouais, en fait, j'ai une nouvelle qui m'a un peu attristé, puisque je sais pas si vous connaissez ce studio japonais qui s'appelle Tri-Ace. Connu surtout pour leur RPG et surtout leurs excellents systèmes de combat, des titres comme Star Ocean, Valkyrie Profile. Et il y a 5 ans, ils avaient sorti un mois, j'avais trouvé un excellent jeu qui était Resonance of Fate, sorti sur PS3 et 360, vous pouvez toujours le faire, c'est une sorte de tactical RPG vraiment très très bien foutu au niveau de son système de combat. En fait, ils ont été rachetés par Nepro Japan, une société spécialisée dans le jeu sur téléphone portable. voilà, donc Nepro Japan, on ne connaissait pas du tout avant, c'est vraiment une marque japonaise très, très, très locale. Et pour autant, les intentions de Nepro sont très très claires, c'est réorienter le studio vers le développement de jeux mobiles. Alors c'est vrai que c'est un marché qui est très très fort au Japon, le jeu mobile, hein, qui est beaucoup maintenant presque plus fort que le jeu sur portable. Et pour le coup, voilà, je dis ça m'a attristé, mais on n'est pas non plus à l'abri de bons jeux sur portable. Mais voilà, c'est fait un peu de mal quand on a aimé Tri-Ace de voir qu'un studio comme eux fasse plus de jeux pour console. Parce que souvent, ça peut sous-entendre des jeux un peu moins ambitieux, surtout quand on fait du RPG, où c'est des jeux quand même avec des systèmes de combat assez poussés. Voilà, donc c'est un peu dommage. Oui, c'est dommage. Et pareil, la PS4 aux enchères. Oui, rapidement, oui. Tu nous l'évoques. Bah, en fait, je vous avais parlé il y a 2 podcasts, je crois, de la PS4 20e anniversaire. Cette PS4 édition limitée aux couleurs de la première PlayStation. Et en fait, je vous avais parlé du modèle 00001 qui avait été mis aux enchères en fait sur eBay par Sony et dont l'enchère la plus haute avait atteint, je crois, presque plus de 110 000 euros. Eh bien, en fait, l'enchère est tombée à l'eau puisque la personne qui avait fait cette enchère n'était pas en mesure de débourser pareille somme. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui s'est amusé à faire cette enchère. Donc la vente a été annulée. C'est un peu dommage parce que l'argent récolté devait être reversé à une association caritative qui était Save the Children. Et Sony devait doubler cette somme pour l'association. Donc ils ont quand même versé la somme. Hein. Sony était quand même bon prince et a versé la somme. Ah, c'est sympa. Et ils vont remettre sur eBay la version 0001 de cette PlayStation 20e anniversaire. Donc vous pourrez retenter avec peut-être, par exemple, vendre vos amiibo qui vont peut-être vous rapporter plus que la somme de la PlayStation. Je ne sais pas, là, si vous avez des amiibo un peu rares, ça vous rapporte pas 200 000 euros et vous rachetez ces PlayStation 4. C'est pas bête. Voilà. Il y a un truc à faire. Bon, il y a un marché à conquérir. Passons tout de suite à la rubrique critiques et conseils. Et tout de suite, la rubrique critiques et conseils. Julien, tu voulais nous parler d'une petite sirène ? Qui s'appelle Ariel. Ah oui, d'accord. Mais bon, j'étais là, je me disais, mais c'est le roi des lancements. Ça tombe de plus en plus bas. Moi, je trouve que c'est bien. Ouais, non, mais ça me fait rire. Voilà, une petite sirène rose. Voilà. Voilà. Donc Ariel Pink, hein, je vais vous parler de l'album qui s'appelle Pom Pom. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est sans doute mon album préféré de 2014. Ah, carrément. Pom Pom d'Ariel Pink. Alors pourquoi j'ai attendu le mois de mars 2015 pour vous en parler de cet album qui est sorti en novembre 2014 ? Parce qu'il a fallu que je digère quand même 17 morceaux et presque 70 minutes d'un véritable ovni musical. Donc en fait, quand je l'ai écouté en fin d'année dernière, je suis passé par pas mal d'états. D'abord un peu dubitatif, assez perplexe. Après, intéressé au fur et à mesure des écoutes, un peu sélectif. Je me disais, tiens, j'aime bien ce morceau-là me plaît moins. Et pour finir, très enthousiaste et finalement totalement accro. Et c'est un des albums que j'écoute le plus, souvent une ou deux fois par jour depuis quelques semaines. Donc voilà, c'était pour dire simplement qu'il faut donner plusieurs chances à ce disque. C'est-à-dire qu'on peut commencer à l'écouter et puis on ne va peut-être pas apprécier tous les morceaux. Mais au fur et à mesure des écoutes, c'est un album qui est quand même assez, assez profond et beaucoup plus complexe qu'il y paraît au premier abord. Alors déjà, je pense que vous allez être contents parce que je ne vais pas retracer toute la biographie et toute la discographie d'Ariel Pink. Ah, on n'a pas envie de savoir qu'elle se faisait battre par son père. C'est un homme. Ariel, c'est un mec. Tout à fait. C'est un homme, le pauvre, c'est une petite sirène masculin. Voilà, c'est un homme, voire peut-être plus encore qu'un homme. Mais voilà, donc je ne vais pas retracer sa biographie, je ne vais pas non plus retracer l'histoire de la musique glam, je ne vais pas non plus retracer l'histoire de la musique freak, même si j'aurais des choses à dire. Et je vais essayer de me concentrer sur l'album pour pas que ça fasse trop long et qu'on fasse un podcast de 8h30. Donne-nous envie d'écouter cet album. Voilà, donc en fait, déjà, si vous connaissez pas Ariel Pink, vous avez juste besoin de savoir qu'il est californien. Que c'est un mec. Voilà, c'est un mec. Il est californien, il est né en 78, donc il a mon âge, il a 36 ans. Il fait des disques depuis la fin des années 90. Qu'est-ce qu'il mange au petit-déj? Je ne sais pas. Mais voilà, on pourrait lui demander sur Twitter. Voilà, il fait en fait des disques depuis la fin des années 90 et des disques, il en a fait beaucoup puisqu'il en a fait pratiquement plus d'une dizaine. Voilà, il a fait des autoproductions au tout début, il a fait après des choses sur des labels, mais il a surtout commencé à être connu en 2003 quand les Animal Collective l'ont signé sur leur label. Donc Animal Collective, un groupe quand même assez réputé dans la scène rock indé. Et surtout en 2010 aussi, quand il a signé sur le mythique label 4AD. Donc 4AD, pour les connaisseurs, c'est ceux qui ont signé Cocteau Twins, qui ont signé les Baos, qui ont signé Dead Can Dance. Voilà, des groupes mythiques, voilà. Mythiques des années 80. Voilà, donc physiquement, Ariel Pink, c'est quoi? Ça pourrait être un mélange entre un chanteur glam rock, Philippe Catherine, et une sorte de freak de Dumb and Dumber. Ou un autre film des Farrelly, voilà, il a un côté comme ça, assez, à la fois entre le ridicule et le côté assez exubérant. Donc pour le coup, c'est vraiment un dingue. Hein. Donc pour certains dont je fais partie, c'est un génie. Pour d'autres, c'est une imposture, un sale type, assez prétentieux, raciste, misogyne. C'est quelqu'un, en fait, vraiment une personnalité controversée. On ne sait jamais très bien où il se situe et où est son second degré. C'est-à-dire qu'il peut faire des déclarations presque racistes, des trucs homophobes, sans qu'on sache en fait si c'est un truc complètement déconnant, 36e degré, ou s'il est la vérité. Donc voilà, c'est un personnage. Et donc Pump Pump, ça ressemble à quoi? Donc son album, c'est 17 morceaux en fait qui sont tellement différents les uns des autres et qui représentent tellement à eux seuls un véritable petit univers musical que c'est vraiment difficile, voire impossible de les catégoriser. Si bien que dans les premières écoutes, voilà, c'est ce que je disais au début, vous allez pouvoir en adorer un, en détester un autre, d'où le temps nécessaire qu'il faudra pour vraiment, même à l'intérieur d'un morceau, parfois c'est un style totalement différent. Alors on rapproche souvent à Ariel Pink de Frank Zappa ou de Todd Rundgren, donc des gens qui sont plutôt dans le côté un peu glam, enfin moins pour Zappa, mais le côté expérimental. Alors c'est pas faux, hein, c'est vrai que pour Pom Pom, on peut faire ce rapprochement, mais moi il y a deux rapprochements musicaux que je ferais qui sont un peu plus récents. Le premier c'est Beck. Le Beck, surtout le Beck du début, celui de Mellow Gold et celui de surtout Audley, donc qui est peut-être son meilleur album, qui était capable en fait de passer d'un style à l'autre, tout en restant très cohérent et vraiment en faisant du Beck. Pour ceux qui ont écouté Audley, parfois tu passes d'un morceau qui est très folk, t'as un morceau qui est presque rentre-dedans électro, t'as plein de styles différents, mais en même temps tu reconnais que c'est du Beck. Je trouve que sur Pom Pom, on a un peu cette idée d'un album qui a plein de genres différents, mais ça reste toujours du Ariel Pink. Et le second rapprochement, donc, qui est un groupe peut-être un petit peu moins connu, je sais pas pour vous ou pour ceux qui nous écoutent, c'est le groupe Off Montréal. Off Montréal, c'est le groupe de Kevin Barnes qui, en fait, comme Ariel Pink, est capable, sur un album pop, de mêler des influences aussi difficiles à faire cohabiter que du funk, de la new wave, du black metal ou du rock progressif. Et tout en donnant à ses disques une dimension personnelle et introspective assez importante. Donc c'est vrai qu'il a un peu ce côté, je trouve qu'Ariel Pink parfois fait un peu penser à Kevin Barnes dans son exubérance, dans sa façon de se mettre en scène, dans sa façon presque de servir d'un disque comme un divan de psychanalyse. Voilà, bon, après j'aime bien me contredire, donc là le premier extrait que j'ai choisi pour Pom Pom et qui pour le coup ressemble un peu à du Zappa et moins à du Beck, donc là je vais un peu me contredire parce que c'est vrai que le morceau qui s'appelle Sexual Athletics ressemble un peu à du Zappa, on s'écoute ça tout de suite. They call it sexual athletics. It doesn't rhyme with anything. That's why I'm the sex kid. Sex king on a velvet swing, waiting for my Alice in Wonderland to come along and knock upon my door. if I'm who you were waiting for, because I'm a sexual athlete. Yeah, that's right. I'm a sexual athlete. I'm sweet, eat raw meat, don't admit to defeat. Some say it's bittersweet. Voilà, donc là c'est un morceau pour le coup assez funky et assez sexy. Bon, c'est un peu notre thématique aujourd'hui entre 50 Shades of Grey, 50 nuances de Grey et Pom Pom, puisqu'en fait Pom Pom, faut savoir que dans le patois jamaïcain, ça désigne le sexe féminin. Et comme on l'a entendu avec cet extrait, c'est un album qui est très porté sur la chose, de manière à la fois festive et débridée, mais aussi parfois un peu tendre, un peu décalé, ou voire un peu orageuse. C'est un peu tous les états amoureux, à la fois le sexe, la relation amoureuse, le type qui se fait larguer par sa meuf et qui se fait dégager de son appartement. Voilà, il y a plein de choses un peu comme ça, ou le type qui va dans une boîte de striptease. Il y a plein. Ariel Pink joue un peu tous les rôles, à la fois celui du cocu, celui de la bête de sexe. Voilà, il est un peu dans tous ces rôles-là. Et pour le coup, je trouve que ça résume assez bien l'album en lui-même. C'est un vrai grand disque pop, aussi superficiel que profond, à la fois joyeux et sombre, qui est à la fois simple et alambiqué. Et en fait, tu peux, dans le disque, tu as un morceau qui va être presque du rock gothique, un peu style les Sisters of Mercy. Je pense notamment au morceau qui s'appelle Not Enough Violence, et le faire se succéder à une pop song sucrée comme Put Your Number in My Phone. Donc il est capable de faire vraiment des grands écarts entre un côté pop et un côté plus sombre. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, Sexual Athletic, on a passé qu'un cours extrême, et le morceau change complètement de chemin à l'intérieur même du titre. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime dans l'album, c'est la capacité qu'a Ariel Pink de passer du coq à l'âne, à la fois de faire plaisir aux fans de musique en faisant un clin d'œil à Baos ou un clin d'œil à Devo, mais aussi de divertir et amuser tout en restant vraiment corrosif, jamais consensuel. C'est un album qui est assez cynique, qui est beaucoup plus, qui est parfois un peu, qui est très direct, mais en même temps qui a pas mal de couches de lecture et d'écriture. Et en fait, on sent qu'il se fait plaisir jusque dans la production du disque, qui est vraiment complètement dingue. Il compresse les sons, il essaye des ambiances différentes à l'intérieur même d'un morceau. Il y a des trucs qui font très années 80, il y a des trucs qui sont très festifs, qui sont écrits d'ailleurs notamment, je pense au morceau d'ouverture qui est écrit avec Kim Follett, donc qui est un grand nom du punk, qui est décédé d'ailleurs au début de cette année. Voilà, donc pour le coup, Pom Pom, c'est assez difficile de le décrire, hein. Je pense qu'il faut écouter les morceaux, on mettra un morceau à la fin, mais moi c'est même pas un conseil que je donne, c'est presque un ordre. Voilà, faut écouter, je passe les conseils devient les ordres. Voilà, je me dis, je pouvais me lâcher comme on avait des fouets, des cravaches, on peut donner des ordres. C'est vraiment un disque qu'il faut emmener partout avec soi. Il faut vraiment que vous laissiez il faut vraiment qu'il vous aime. À un moment donné vous serez récompensé par ce disque et par ces 17 morceaux qui sont vraiment très très denses. Moi j'ai lu un magazine qui disait que c'était un peu leur son Sergeant Pepper, Ariel Pink. Moi je dirais plutôt que c'est vraiment son album blanc, puisque toute la musique des années 80, 90 et 2000 est dans cet album. Voilà, et à la fin on s'écoutera un autre morceau en entier, comme ça on pourra vous rendre compte de à quoi ça ressemble, et qui s'appelle White Freckle, donc des taches de rousseur blanche, qui est un excellent morceau d'ailleurs, qui est un excellent morceau, et on ne sait pas à quoi fait référence Ariel Pink, mais vu la thématique de l'album on peut l'imaginer. D'accord. Super, mais dernière petite question, j'espère pas piège, et on peut l'écouter sur Spotify? Oui, tu peux l'écouter sur Spotify. Voilà. D'ailleurs, là, il est en tournée en ce moment. Il est en concert ce soir. Bon, ce soir, je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter le podcast, mais ce soir, au Trabendo, moi, j'y serai. Donc, si vous l'écoutez là, maintenant, voilà, on pourra peut-être croiser des il gens. Passe qui ailleurs en France, je crois qu'il y a une tournée en France. C'est pour ça que je dis ça. C'est parce qu'il y a encore des dates qui vont arriver après la date parisienne. Donc, voilà, après, je pense très honnêtement que les gens qui vont le découvrir là n'auront pas le temps d'apprécier suffisamment pour pouvoir aller. C'est vraiment un album quand même assez compliqué à écouter. Hein. Moi, je l'ai découvert grâce à toi, parce que tu as dit que tu allais nous en parler. Je suis encore dans la phase dubitative en disant waouh, c'est compliqué, c'est riche, c'est velu un peu. Bon, le deuxième morceau que tu vas nous mettre change du premier là ? Complètement. Là, c'était un morceau Sexual Athletic, et un morceau très funky qui commence un peu comme du Zappa. Là, c'est complètement différent. White Freckle, c'est un morceau presque un ovni, c'est non identifié, je ne saurais pas dire à quoi il ressemble. Un peu plus new wave, on va dire. Super. Bah, ça va nous donner peut-être envie ou pas d'aller l'écouter sur Spotify, mais je suis plutôt curieux, à vrai dire. Bon, merci Julien pour ce conseil. On va évoquer rapidement les sorties ciné des deux semaines à venir. Grégoire, tu nous as sélectionné pour le 4 mars trois films qui semblent t'intéresser. Bah oui, puis je crois qu'ils vous intéressent aussi. Hein, on a sélectionné les mêmes plus ou moins en fait. Donc, on est tous un peu des clones. Hein, parle pour nous. Donc j'ai sélectionné Chappie, j'ai sélectionné Inherent Vice et j'ai sélectionné Citizen Four. On en avait parlé en fait déjà plus ou moins de ces films. Alors Chappie, je crois que voilà. De toute façon, c'est pourquoi je l'ai sélectionné, parce que c'est Neil Blomkamp qui le réalise, donc celui qui a fait District 9 et Elysium. Et en fait, j'ai envie de savoir si c'est un bon réalisateur ou pas. Est-ce que tu as vu la bande-annonce? Oui, j'ai vu la bande-annonce. C'est touchant. C'est touchant, mais ça fait un peu peur. Alors, c'est l'histoire d'un robot qui est rebooté, qui du coup doit réapprendre les choses, mais il les réapprend à la façon d'un enfant. Voilà. Donc, il y a un côté très touchant. Je vous conseille la bande-annonce pour vous donner envie. Ce qui m'a intéressé dans la bande-annonce, c'est juste que Hugh Jackman fait apparemment le méchant du film. D'accord. J'étais surpris par ce rôle. Bon, voilà, moi, c'est surtout pour tester Neil Blomkamp, comme il va faire le prochain Alien. J'ai envie de savoir ce qu'il va donner en tant que réalisateur. Il a fait deux films, voilà, on peut dire. Moi, j'avais adoré District 9, mais alors. Elysium, non, c'était pas possible. Je suis d'accord. Inherent Vice, Paul Thomas Anderson, je crois que tout est dit, un gros fan. Voilà, on en a beaucoup parlé dans un podcast avant, donc ça a l'air d'être un film assez complexe, assez riche, assez. Puis voilà, moi, Paul Thomas Anderson, donc Will Be Blood, je suis assez fan, donc j'ai envie de vous voir. Moi, c'est clairement le film que j'attends le plus de ces deux semaines. En plus, ça a l'air d'être un Paul Thomas Anderson un peu plus relâché. On sait que Paul Thomas Anderson, c'est un réalisateur très minutieux. Et là, ça a l'air un peu plus. Des fois, ça m'a presque fait penser dans la bande-annonce à Big Lebowski. Oui, il y a un type un peu à l'ouest. C'est un peu entre Magnolia et The Big Lebowski, en fait, ce film, je trouve. Ouais. Tu vois, c'est une histoire un peu chorale avec des personnages un peu étonnants, mais en même temps, le mec complètement éberlué. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il a adapté donc un auteur américain qui est assez connu, qui s'appelle Thomas Pynchon, qui est un auteur américain très secret, qui a pratiquement donné, je crois, qu'une interview dans sa vie, un peu à la manière de Salinger, et qui a pour le coup, qui aime bien entremêler les histoires avec plusieurs échelles, c'est-à-dire un truc à un niveau un peu grand complot et des choses très très terre à terre. Un peu comme d'ailleurs, je pense encore à Big Lebowski, parce que c'était un peu adapté du Grand Sommeil de l'auteur de Chandler, donc avec des histoires où tu finalement t'as plus de questions que de réponses, c'est-à-dire finalement il y a des couches qui s'amoncellent comme ça et tu comprends plus finalement où t'en es dans le film, et je pense que c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce qui est quand même très très bien, qui est très très bien, qui est vraiment très encore une fois regarder la bande-annonce si c'est pas fait. Et enfin, le dernier documentaire, ouais, c'était Citizen 4, donc c'est le documentaire sur Edward Snowden, et justement dont on parlait un peu plus tôt dans le podcast, et donc ses révélations sur la NSA. Bon, bah, comme notamment il a eu un Oscar pour le meilleur documentaire, donc ça m'a intrigué, puis bon, j'ai envie d'en savoir plus. Finalement, on en a tous entendu parler, ça pose des choses. Ça permet de se reposer les questions aussi quelques années après. Si vous êtes un peu intéressé, mais que c'est un peu compliqué encore, ce documentaire peut être une bonne option. Je pense que tout ça sort le 4 mars et le 11 mars, on a tous repéré plus ou moins The Voices, Grégoire. Notamment repéré parce que c'est Marjane Satrapi qui est derrière, donc celle qui a fait Persepolis. Repéré aussi via Dimitri la dernière fois qui nous avait fait un débrief de Gérard Armé, puisque c'était le prix du jury à Gérard Armé. Moi, ça m'intéresse. Ça a l'air complètement fou, un petit peu Ryan Reynolds qui entend des voix de ces animaux domestiques qui parlent, quoi, et qui est peut-être plus ou moins un serial killer, on sait pas trop, parce que ses voix lui disent des choses, de faire des choses. Bon, en gros, tout se passe plus ou moins dans sa tête, ça a l'air sympa, ça a l'air bizarre, ça a l'air original. Marjane Satrapi, pardon, Persepolis, j'avais adoré, donc pourquoi pas. Très bien. Ouais, moi j'ai pas été plus attiré que. Enfin, j'ai pas vu Poulet aux prunes qui était son précédent film. Moi j'avais beaucoup aimé Poulet. T'avais beaucoup aimé. Enfin, voilà, je l'ai pas vu, donc j'ai pas forcément été attiré. Donc là, je sais pas trop en fait. Les animaux qui parlent, ça me rappelle un peu les semaines de vacances où tu voyais des chiens et des chats qui allaient chercher un animal. Tu sais, connais pas ces films-là où les trucs où tu vois des animaux qui parlent et puis ils vont chercher un animal qui s'est perdu dans une forêt. Mais là, c'est un serial killer, tu vois bien. Je veux bien. Mais Ryan Reynolds, ça donne l'occasion de. Ça peut soit réussir le film s'il joue bien, soit complètement raté. Je veux dire, la bande-annonce est très décalée, c'est-à-dire tu sais pas trop si c'est un thriller, si c'est, il y a un peu tout est mélangé, donc tu sais pas trop sur quel pied danser. Mais déjà dans Poulet aux prunes, il y avait ça, elle jouait sur les styles, je savais pas si c'était une comédie. C'était réussi dans Poulet aux prunes. Moi, j'ai trouvé que c'était réussi parce que j'ai réussi à me laisser embarquer et à m'abandonner. Si tu te laisses abandonner dans l'histoire, je pense que ça peut être très réussi. Ça va être le pari de la chose. On va finir ainsi le podcast. Bah ouais. On va vous rappeler que nous sommes disponibles sur iTunes. Vous tapez Upcast, UPCAST. Et vous mettez des étoiles. Voilà, 5, si possible. Sinon, ça ne marchera pas. Ou moins. Ouais. Non, moi, ça marchera pas. Non, il y a un bug. Il y a un bug, en fait. Une étoile, si vous ne nous aimez pas. Non, mais je crois que c'est un bug aussi. Non, c'est un bug. Je crois que ça efface toutes tes données personnelles. Nous avons un site qui s'appelle upcast.fr, sur lequel vous pouvez mettre des commentaires. D'ailleurs, nous remercions Chaton Pute, qui nous a mis des commentaires, si Cid2000FR ou Xavier. Qui sont venus nous faire un petit coucou et ça nous touche énormément. Merci à vous. Le Twitter, c'est @upcastfrance. Voilà. Dernière petite précision, sur le site Upcast, vous pouvez écouter nos podcasts évidemment chapitrés, donc c'est ce qui vous intéresse et vous n'écoutez pas le reste, et vous pouvez même retrouver les conseils. On les a séparés pour pouvoir juste écouter le conseil si vous voulez. Comme ça, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus intemporel. Comme c'est moins lié à l'actu, on a voulu les séparer un peu plus. Voilà. Bon, je vous remercie. On vous remercie encore une fois de nous écouter, de nous être fidèles. On vous dit à dans 2 semaines. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires si vous avez des remarques ou des questions. Et à très bientôt. On va s'écouter un morceau. Oui, oui. Et on finit en musique. Rappelle-nous le morceau, tu as raison. C'est toujours. White Freckle de Ariel Pink sur l'album Pom Pom. Ouais. Bonne écoute à tous. Salut. Salut. Salut. got stencils, sticky sweats, get it on. My freckles, she got them at the tanning salon. My freckles, tache de rousse et blanc, quinoa. My freckles, Papa Cutie, where'd you get those? My freckles, Gucci, Gucci, means it black stiletto. My freckles, for freckles, baby. Freckles, freckles, where'd you get those freckle stencils? Give me them on, my freckles. Black freckles, on the deal tip and guaranteed to blow your mind into the DIY. Where'd you get those freckles, thistles? Did you paint them on, white freckles? Black freckles, sit down at the beach, wash your face up with the rag. White